Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale Guide de l'utilisateur d'assemblage requis sur une grosse pointe-aldresse. Salut Tania Baudin. Ça va bien Mathieu? Ben oui, on s'est essayé un petit feu de foyer de même pour animer chill, chill, chill. Ben oui, c'est le temps des fêtes, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on prend ça relax, un petit peu de guimauve là, ça a la tête. Oh. Un petit peu de caribou. Caribou, l'alcool. Caribou, ben oui. Pour l'animal, quoi que t'aimes bien ça, t'as te coucher sur une peau de caribou. C'est connu, Tania Baudin. Ben oui, évidemment. Tu passes à Tania, tu te dis, il y a des poils. Elle aime les barbes. Fait que ces j'aime animaux aussi, t'aimes les barbes. C'est de la faute du Père Noël, on l'a dit. C'est ça. Bref, hey, bienvenue à cette émission où aujourd'hui on va parler de plein de choses dans une grosse pointe d'adresse. Évidemment, des chroniques du temps où tu n'étais pas là encore. Exactement, donc on va attendre Steph. Oui. À la place de m'entendre, moi. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'avant Tania Baudin. Exactement. Il y en a qui disent avant Jésus-Christ pour avant Noël. Oh, t'es donc fin. Ben je oui. me sens importante, là. Ouais, hey. Si tu veux te prendre comme ça, tu peux te prendre presque autant que Jésus. C'est ça. Bref, une grosse pointe d'adresse, tu sais, c'est la chronique où on goûte à des produits par rapport achetés en épicerie ou en magasin, peu importe, là. Bien souvent. On va sûrement le dire une bonne dizaine de fois dans l'émission d'aujourd'hui à chaque début de chronique. Mais là, ce qu'on va vous présenter dans cette première heure-là, c'est des affaires que moi et Steph avons découvert pendant la session en fait, d'automne 2014. Mm-hmm. On retourne en décembre. On va goûter, entre autres, à des truffes au sucre d'érable. Oh, ça a l'air bon, ça. Mais hein, ça a l'air bon. Ça a l'air meilleur que les croustilles à l'huile d'avocat, je vais t'avouer. Probablement, mais peut-être pas autant que les bonbons au beurre à la menthe poivrée. Peppermint. Oh. Des peppermint. Ça fait personne âgée un peu dire. C'est vrai, hein? Des peppermint. Des peppermint. Bon. Fait qu'on écoute cette première heure-là bien chill, puis on se reparle tantôt. Okay? À tantôt. Alors, les tipsters, sauf que des fois, on aime manger la même bouffe que toute la populace. Tous les petits moutons là, du monde vont manger les mêmes affaires que nous autres. Des graines? On mange pas des graines, des moutons? Ouais, du mouton de grain, là. Parle pour toi. Fais pas de graines? Non, ça va aller. Voici une grosse pointe en dresse. Je pense que c'est une grosse pointe d'adresse. C'est la chronique où on parle de malbouffe et, entre autres, non seulement on en goûte, mais en plus, on parle de malbouffe à l'international. Oh. Ça, c'est cool. Donc, aujourd'hui, Steph, je te surprendrai peut-être pas tant que ça aujourd'hui. Nous, on est très, très brisons les. On est comme un livre ouvert, on dit tout en détail, en grand détail. Tu sais un petit peu de quoi ça parle cette semaine, la chronique, un petit peu? Déjà. Je m'en souviens même pas. Je sais que j'étais avec toi. On était ensemble dans la même boutique culinaire gastronomique en vrac qu'on appelle Bulk Barn. Ou, pour ceux qui ont moins de dents, le Barn. Barn. Ou le Balkin Barn, que j'ai déjà entendu aussi. Balk and Barn. Balk and Barn. C'est du vrac et une ferme. Les deux. D'ailleurs, c'est quoi le nom déjà? Balk and Barn. Balk... Ah, je pense qu'on se perd de détails. Mais bref, je te le sors. Je tasse mon t-shirt de spare. Ok, attention. Je tasse le petit fil, l'ordi. Oui, hop, hop. C'est un sac qui fait un bruit. Un bruit de sac, je te dirais traditionnel. C'est un bruit de sac de chips, peut-être. Hein? Vous avez sûrement deviné qu'on va parler de croustilles à l'huile d'avocat à la mode chaudière. Ah oui, c'est vrai. Pas la chaudière Appalaches, non, d'une vraie chaudière à SO. T'es... Ouais? Ah, moi, je suis un enquêteur de bouffe. Arôme de lime du Chili. Oh! Oh, intéressant quand même. Du Chili. OK, moi, je pensais que c'était lime et Chili. Non, Balkan Barn. Non. Lime and Chili. Non, c'est Chili and Lime. J'imagine que... Les Appalaches passent tout au Chili. Oh. Non, je pense pas. Je sais pas. Chili and Lime, on dirait genre le nom d'une entraîneuse à Kipergang. Chili and Lime. Mais c'est Chili and, pas Jillian. C'est dit que c'est nouveau pour commencer. Tout le bon goût et toutes les bonnes choses de l'huile d'avocat. Mm-hmm. Il paraît que c'est bon pour la santé, l'huile d'avocat. C'est ce qu'on me dit aussi. C'est ce qu'on dit sur le sac, en tout cas. Cuite en chaudière dans une huile d'avocat pure, essentiellement réputée pour sa teneur en gras monoinsaturé. Elle est essentiellement réputée, tu sais. Pas complètement, mais à l'essence d'une réputation. Parfait. C'est par la compagnie qui utilise du Comic Sans, comme dans son logo. T'es-tu sérieux? Je te le promets. Comic Sans MS, comme on l'appelle des fois. Good Health Natural Foods. Wow. Je sais pas s'il y en a un des deux qui est le nom puis l'autre le slogan. C'est comme Good Health, c'est comme le nom puis Natural Foods, le slogan. Mais c'est la même grandeur de Comic Sans, donc je sais pas. C'est vrai qu'il y a pas l'air d'avoir de nom au produit. Ben, c'est ça que je trouve aussi. Et le logo, en fait, a l'air d'être du clip art dans Word. C'est un panier de fruits, tout ce qu'il y a de plus générique trouvé sur Google Images, probablement. c'est disons que c'est pas super fancy comme emballage. T'sais. Non, c'est vrai que c'est assez de base. Pas mal de base. Donc, déguster nos délicieuses croustilles au sel de mer à l'huile d'avocat. C'est tout ce qu'il y a comme texte en arrière. Vraiment, c'est... Ah non, il y en a d'autres. Attends, il y en a d'autres. On va aller plus loin que le pain. On va aller chercher dans le coin en bas à droite. L'avocat, quel formidable fruit. Oui, c'est un fruit, nous disent-ils. Mais mon Dieu, il n'y a pas juste eux autres qui disent ça. Ça va jusque-là. En cuisant ces croustilles en chaudière dans l'huile d'avocat, Good Health Natural Foods marie toutes les bonnes choses. Des gras monoinsaturés, du bêta-cytostérol qui renferme l'huile d'avocat pure. La saveur douce des avocats complète merveilleusement nos assaisonnements internationaux et votre trempette préférée. Parce qu'elles sont cuites en chaudière, nos alléchantes croustilles au croquant imbattable relèvent toutes les trempettes. Good Health Natural Foods, pourquoi vous contenter de croustilles quelconques? Gâtez-vous avec des croustilles extraordinaires. Bon. Ah, c'est pas pire ça. C'est bien écrit. Mettre la barre haut. Ben oui. Ingrédients, donc, il n'y en a pas beaucoup. Pas tant que ça. Pommes de terre, ça va. Huile d'avocat tout naturel. Okay. Tout naturel. Lactosérum, sel, dextrose, sucre, maltodextrine, acide citrique, acide malique, extrait de lime, vinaigre, persil et poudre de babeurre. Ah. C'est pas une liste interminable, c'est quand même possible. Non, non. Comme on dit, on saute les informations nutritionnelles, mais pour vous dire que c'est 230 calories par 35 croustilles. Bon. Traditionnel. Ça, ben là. Donc, on va tous goûter ensemble à ces croustilles à l'huile d'avocat. Moi, je trouve qu'il y a de bonheur pour ça. Nous, on dirait qu'il est 7h43. Je trouve ça de bonheur pour des chips. T'as jamais mangé de chips pour déjeuner, toi? J'ai rarement. Un Joey, peut-être. Un verre de Pepsi, maybe so. Mais des chips, pas encore, non. Ben, il y a une première fois, tout. On va l'essayer. Je te passe ça. On va s'écouter ça à l'ouverture dans le Micro Magique, le très célèbre réputé et sous copyright Micro Magique 2014, Mathieu. Il est pas facile. Ouh. Je suis pas obligé de prendre mes dents. Vas-y, garde-toi. En tant que tu ne goûtes pas à saveur tout de suite, parce que c'est pas le moment. Ah, voilà. Es-tu bonne? Es-tu bonne? Elle a l'affaire. Puis la lime de chili. Ça sent pas la lime du tout. Ok. Je te dirais que ça sent le gras et le sel. Ok. C'est prometteur. Ah, date, on aime ça. Là. Tu dis ça comme si c'était négatif, mais c'est tellement positif. Non. Je vais essayer quand même d'agrandir le trou vers oui, le haut. Agrandis la fente. Ça serait quand même dommage de l'ouvrir par le bas, mais ça marche pas. Aïe, il est fermé tête. C'est du heavy duty, ça. Oh. Ah, voilà. Oh. On vient d'ouvrir le sac au complet, on n'a pas le choix de le finir. Hey boy. Pas facile. Oh, non, ça se ferme, ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup dedans? Ben... La moitié du sac? Je dirais quand même un petit peu plus que la moitié. Ouh, hein? Quand même. Bon. Elle se met la main dans le sac. Chut, oups, c'est pas ça, radio! Elle ouvre à la fin, faut bien qu'elle se mette la main dedans. Ok, merci. Bon. On va se goûter chacun. C'est des chips à la mode chaudière, croustilles à l'huile d'avocat, arôme de lime du chili. J'imagine que les petites graines vertes dessus, c'est supposé être du zeste de lime. Ben, parce que vu à... Oh, il y a du persil. Oui, c'est vrai qu'il y avait du persil. C'est du persil. Au visuel, je te dirais que si on me le disait pas, je penserais que ce serait du crème sur oignon, puis je serais première, je serais en train de me rouler à terre. Mais c'est pas ça. Parce que c'est ma sorte préférée. Non, je trouve qu'ils ont vraiment l'air juste ordinaires avec du persil. Okay. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment l'air de ça. Bon. On s'insère ça. On s'insère ça dans la bouche. C'est bon? Mais ça goûte vraiment la lime. Étonnamment, ça goûte vraiment. Ça goûte la tarte à la lime. OK. Ben, attends, je vais en prendre une autre parce que j'ai l'impression de... Ça goûte les chips ordinaires, on dirait, non? Avec un arrière-goût de lime. T'as pas goûté la lime? Non, j'ai pas vraiment goûté la lime. Non, je trouve que ça goûte quand même beaucoup. OK. Mais on avait plus sur celle-là. Mais c'est bizarre parce que je trouve que le goût de lime, au lieu d'être surette, il est comme sucré. Ouais. Puis il vient en arrière-bouche un petit peu, je trouve. Ouais. Quand ta langue, c'est la chip, là. OK. Fais-moi. Remets-la dans le sac. Faut-tu avoir la saveur de lime? Oui, mais ça. Tu l'as, la saveur de lime? Je l'ai, oui. Je pense que ça touchait pas assez à ma langue. Mm-hmm. Ah oui. Faut que tu prennes le temps de mâcher puis de déguster, pas de te l'envoyer direct dans le gorgoton. Mais tu vois, l'habitude des chips, ça passe directement de la bouche à l'estomac en dedans de 3 instants. Trois instants, ça, c'est comme une publicité et demie. À peu près. Un bloc de pub. Comme en fait, la tradition, exact. Non, j'aime beaucoup, pour vrai, pour un emballage aussi de base, dans un magasin où je m'attends pas nécessairement à voir quelque chose que je vais trouver, genre, comment dire, gras. Il me semble que Bulk Barn, c'est pas le genre de place où je me dis je vais m'acheter du gras. T'sais. Non. Je vais m'acheter des noix, c'est gras. Mais c'est... Ben, des noix, du chocolat, des jujubes, ça aurait. Ben, les jujubes, non, y a-tu du gras, des jujubes? Je sais pas. Je suis sûr que c'est fait avec du gras de baleine. Bonne question. Mais bon, donc c'est en sac à acheter, c'est pas en vrac, malgré que ce soit chez Bulk Barn. C'est des croustilles à l'huile d'avocat, à la mode chaudière, arôme de lime du Chili. Moi, je pense que je suis vendu. J'aime ça. Y a pas de saveur d'avocat. Non. Non, c'est vrai, à l'huile d'avocat, j'avais oublié. Ça, c'est juste comme pour la friture, là. Ouais. Mais, bon, je sais pas, je serais pas capable de manger un sac, étant donné le goût de lime qui ressort sucré. J'ai vraiment plus l'impression de manger de la tarte à lime salée. C'est vrai. Est-ce que t'as déjà mangé des Tostitos à la lime, d'autres trucs comme ça à la lime dans les chips? J'ai déjà mangé, je crois que c'est pas Miss Vicky, ce qui fait comme lime et poivre, quelque chose comme ça. Oui, exact. Je trouve que le goût de lime est beaucoup moins... Il est un peu plus surette, peut-être. Mais je trouve ça vraiment bizarre que ce soit sucré. Mm-hmm. Je te jure, j'ai l'impression de manger de la tarte à lime. Un jeu! T'as un jeu! Je te crée pas! Un jeu! Je te veux! On va séparer la crinque en deux, étant donné qu'on a un petit peu de temps aujourd'hui. C'est rare qu'on fait ça. En fait, je pense que c'est la première fois. On va l'entendre une pièce de Coco Méliès. C'est Winter Gloves. On écoute ça. Et après ça, on parle de nouvelles de fast-food. Mm-hmm. À l'international, on va parler entre autres de pizza. Et il y a de nouvelles règles par rapport à l'affichage des calories, Steph. Oh! Aux États-Unis. Je pense que ça va être intéressant. Mais et donc, on continue à manger des chips. Bien sûr, on va continuer. On va pouvoir vraiment vous dire là, notre résultat final. Mais pour l'instant, Winter Gloves par Coco Méliès. Sur C'est fou. 80 fois. C'est une grosse pointe en dresse de Caroline de Bin. She echoes as she takes. C'est correct que tu continues de manger des chips, Steph. C'est correct, c'est la chronique de Malbouffe, une grosse pointe à l'dresse. On est tous ensemble ouais. pour ça. C'est peut-être de la misère à prendre ton autre main pour tes écouteurs. Hein. Ben, c'est parce qu'il y a plein de chips. Fait que là, j'ai... J'irais bien t'aider, mais je préfère te regarder comme ça. Je préfère te prendre en photo comme ça. Mais là, ouais. Je suis plus en train de parler dans un... mon oreille d'écouteur. C'est un peu. Oh. C'est pas... Ah, tiens, vive la radio où on prend des photos en direct. J'ai raté les chips. Bref, on était dans une grosse pointe d'adresse. On mange des chips, comme on a dit tantôt, à la lime du chili. C'est des chips Good Health Natural Foods. Et tu m'as amené le point pendant la chanson, et c'était très intelligent, que ça ressemblait énormément à des Miss Vickies. La saveur me rappelle énormément celle à la lime de Miss Vickies. Donc, pour vrai, c'est indissociable dans ma tête, cette saveur-là. T'as raison, j'aurais dû y penser. Mais c'est aussi... Excusez. C'est placé. Mais aussi la texture. Non, j'ai mes lunettes sur l'oreille. Ah, cool. Aussi la texture, la consistance, le crunchy. La couche de gras dessus. Ça va, ouais. Tout est pareil. C'est du début à la fin. C'est ça, des chips cuits en marmite, sûrement avec la même technique. C'est réussi. Donc, procurez-vous-les si ça vous intéresse chez A Bulk Burn. Alors, on est rendu à la chronique, au bout de la chronique, en fait, où on parle de fast-food à l'international. On a quand même pas mal de choses qui se passent en ce moment. Aux États-Unis, il y a de nouvelles règles de la Food and Drug Administration, Steph, qui pourraient peut-être un jour arriver au Canada. Des fois, on a tendance à imiter les Américains. Je sais pas si vous avez déjà remarqué à travers l'histoire. Donc, vous voulez peut-être pas savoir combien il y a de calories dans votre popcorn au cinéma. Et les cinémas eux-mêmes ne veulent certainement pas vous dire, mais bientôt, ils auront plus le choix. C'est des nouvelles règles qui vont forcer les restaurants et d'autres établissements qui servent de la nourriture, des cinémas, des parcs d'amusement et même des machines distributrices partout au pays à lister les calories sur des menus. Donc, les règles qui vont couvrir les établissements avec plus de 20 endroits, plus de 20 localisations. Donc, ça va être plus large que ce qu'ils avaient proposé chez le FDA plus tôt dans la vie. Donc, les cinémas qui de plus en plus offrent des nourritures type restaurant comme la pizza et des hot dogs, eux, au départ, ne devaient pas être inclus parce que l'industrie s'opposait. Finalement, ça va les inclure. Les règles aussi parlent de l'alcool, qui faisait pas partie de leur précédente proposition. Les drinks listés sur les menus vont maintenant devoir fournir les calories, sauf les drinks mixés, donc mélangés, les ensembles, les amalgames, les assemblages, comme on l'appelle. Eux seront exempts de cette règle-là. La FDA dit qu'ils vont être flexibles par rapport à comment les établissements peuvent donc rencontrer toutes ces règles-là et devoir les suivre. Les restaurants qui sont impactés par tout ça et d'autres établissements vont avoir un an pour suivre les règles. Ça va être requis ça, par le Patient Protection and Affordable Care Act de 2010. Donc, ils vont devoir afficher les calories pour les articles de leur menu sur des panneaux, finalement, à côté du nom et du prix de l'article. Les opérateurs de machines distributrices vont avoir, eux, 2 ans pour suivre les règles. Les offres limitées, comme, mettons, le McCoat chez McDonald's, qui est un article temporaire, là, ils n'auront pas à suivre ces règles-là pour les affaires temporaires. Ah, OK. Donc, peut-être qu'on va voir de plus en plus d'affaires temporaires, hein, on ne sait pas. Donc, ce ne sera pas couvert par ces règles-là. Ni les spéciaux du jour, ni les condiments pour utilisation générale comme ketchup, moutarde, etc. Parce qu'à un moment donné... On ambitionne peut-être un petit peu, là, sinon. Ensuite, Coca-Cola qui se lance dans l'Est, F1. Après les boissons sportives comme le Powerade, la marque de thé Honesty et d'autres produits, Coca-Cola se lance dans le lait, s'associe à l'entreprise Fairlife pour offrir un nouveau lait haut de gamme aux Américains. Le lait proposé est sans lactose, riche en calcium et faible en gras et en sucre. Son taux de protéines est élevé, il en comporte autant qu'une portion de yogourt grec. Il va être emballé dans des contenants de matière recyclée et se conservera plus longtemps que les autres marques. Étant donné qu'il n'y a pas de lactose, je crois que ça affecte la durée de vie d'un produit, c'est pas mal. Penses-tu? Je crois qu'avoir lu là-dessus, mais je suis pas convaincu, mais il me semble. Alors que le marché du lait décline aux États-Unis, avec près de 8% de diminution de vente en 10 ans. La gamme Fairfield sera 2 fois plus coûteuse que celle des concurrents. Coca-Cola espère donc que le pari d'offrir du lait haut de gamme aux Américains sera un succès. Il y a des publicités que vous pouvez voir sur assemblagerequis.com. On voit une femme avec une robe faite de lait, toute blanche vêtue. La fille aussi est blanche, hein? On n'est pas allé chercher ben loin là, pour retrouver la top modèle là-dedans. Mais bon. Il fallait que ce soit blanc, ben, c'est du ça. Lait. Ben, t'as bien raison. Mais il y a du lait au chocolat. Ben, tu sais, en tout cas. Est-ce que Coca-Cola va en faire du lait au chocolat? J'espère, puis aux fraises. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Tu me donnes le goût. Moi aussi, du coup, aux fraises, c'est tentant. Moi. Donc, elle porte une robe blanche faite de lait. Et ça dit, bon, buvez ce qu'elle porte. Le lait, du meilleur lait vous fait mieux. Et puis, du lait avec du flair. Voilà. Ensuite. On reste en fait dans les boissons gazeuses par la bande parce que c'était Coca-Cola dans la précédente nouvelle. C'est là pour Pepsi. Pepsi et SodaStream qui ont annoncé une aventure commune. C'est le Pepsi Homemade. Vous allez utiliser votre eau carbonisée faite avec votre SodaStream. Ensuite, ajouter du Pepsi ou du Sierra Mist. C'est le genre de liqueur limonade, si on veut. Donc, vous allez ajouter ces saveurs de 0,5 litres, des petits cups pour faire votre propre boisson. Ils vont tester Pepsi, Pepsi à la cerise sauvage, Pepsi vanille, Sierra Mist, Sierra Mist à la canneberge et Sierra Mist à la pêche. Présentement, on va pouvoir trouver seulement ça aux États-Unis, les Pepsi Homemade chez Bed Bath & Beyond et chez Walmart à Orlando et Tampa, en Floride. Donc, pour l'instant, c'est très, très ciblé, le marché de test. Mm-hmm. Mais ça a du succès. On pourrait voir ça dans les sauts de stream partout dans le monde. Ça m'étonne que t'aies pas ça encore, un soda stream. C'est bizarre, hein? T'as seulement de la fausse liqueur brune, de la liqueur blanche, mais t'as pas les vraies saveurs de Pepsi et tout ça. Alors, dommage. Ça va venir. Ensuite, on parle de pizza pour terminer ce bloc d'une grosse pointe en adresse. En Corée du Sud, pour commencer, quelque chose de bizarre à mettre dans sa croûte. Pizza qui est lancé, une croûte farcie avec fromage à la crème et canneberge à l'intérieur. Ah, pour Noël? Ça a l'air bon. Oui, pour vrai, ça a l'air bon. Hein? Garnitures... Moi. Non, c'est trop. Il gagne ça de cette pizza sud-coréenne qui s'appelle la South Korean Star Edge Pizza avec bacon, bœuf et saucisse. La pizza a aussi du calamari, des crevettes et du brocoli en plus du fromage dans la croûte. Donc on peut avoir du fromage à la crème et des canneberges ou du fromage à la crème et de la cannelle et des pommes. Aussi différentes variétés. Évidemment pas tout ça ensemble, ça serait ben trop... et aux Émirats Arabes Unis, pour terminer, toujours chez Pizza Hut. Donc, on teste plusieurs idées. Est-ce qu'il y avait... En fait, je pense que c'est pas mal les mêmes. Je pensais qu'il y en avait des différents là-dedans. Ah oui, c'est ça. La raison que j'avais choisi celui-là, c'est que en Corée, encore, il y a une pizza avec des pointes en chausson. C'est des turnovers. Okay? En chausson. En chausson. Donc, les pointes de l'étoile. La pizza est en forme d'étoile. Et mm-hmm. les pointes de l'étoile sont des desserts. Donc, en fond, tu manges le milieu de ta pizza. Et quand t'as terminé, tu peux finir avec la croûte et manger ton dessert puis dans la pizza. Puis elle est rendue froide. Ouais, mais ça, c'est Pizza Hut. Une fois arrivé à la maison, c'est tout le temps froid, non? Ah, mais tu commandes pas, tu manges dans le restaurant. Là. C'est ça. C'est ça, là, l'indice. Mais puis il faut pas te tromper hein, quand tu commandes puis que tu manges avant. Ça se peut que ça soit bizarre. En tout cas. Ben, celui qui commence par la croûte, là. Ça arrive, ça. Ben oui. Voilà. Mais c'est parce que tu manges pas juste une pointe? Non. Quand t'arrives à la croûte, faut que t'aies la tasse pour manger une autre pointe. Ouais, je pense qu'on a assez parlé de nouvelles, on a assez mangé de chips, tout est fait, c'était une grosse pointe d'adresse, on fait ça les mardis. Les mardis. Les mardis comme les chips. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique. On s'en va dans le commerce, dans les dépanneurs, les épiceries, on achète quelque chose qu'on n'a jamais goûté avant. Mm-hmm. Mm-hmm. Principalement moi, en fait, qui fais ça et que je te fais goûter par la suite. Oui. Puis autour de ça, on parle de nouvelles de fast-food de partout dans le monde. C'est parfait. C'est une partie de plaisir. Donc, je m'en vais dans mon sac magique. Encore une fois, j'utilise ce terme. Ça serait fun, hein, ça apparaissait tout seul. T'aurais pas besoin d'aller à l'épicerie. ou... Est-ce que t'aimes, les affaires sucrées, je te dirais, à l'érable? Pas vraiment, non. Non, bon, non, c'est pas vrai. Ah, Colin. Je voulais juste te faire souhait. Parce qu'évidemment, on se connaît pas tant que ça, Steph et moi. On fait semblant de s'apprécier, mais en général, on veut rien savoir de l'autre. Non, je veux dire, on se dit même pas salut quand l'émission finit. C'est ça. Même pas à demain. C'est comme bon, on sait déjà ce que c'est. Pas besoin de se le dire, on sait. C'est ça. On sait déjà. Les formalités. Donc, non, aujourd'hui, je te présente dans cette chronique, une grosse pointe d'adresse, des truffes au sucre d'érable. Ça a pas l'air parfait, ça. À chaque produit, vraiment? À chaque produit que j'achète à cette épicerie-là, les filles commentent parce qu'il n'y a jamais personne qui les achète. OK, OK. C'est bien rare, ça. Donc, je l'ai acheté. La fille m'a dit, waouh, ça doit l'air bon. J'ai fait comme, genre, hein? Donc, des truffes au sucre d'érable exquises à la folie. Oh, OK. Et c'est écrit doré en shiny people. Légèrement saupoudré de sucre d'érable. Bon, là, tu me dis légèrement, tu me descends d'un cran. Ben non, mais faut pas qu'il y en ait trop, sinon t'as mal au cœur. Ben, je serais prêt à me sacrifier pour ça. Donc, c'est marqué que c'est une friandise. Présentation suggérée, donc on vous dit de le mettre sur une table en bois. Ça, ça va. Okay. 200 grammes, c'est pour en tout. Et c'est quoi la marque de ça, Mathieu? C'est un produit de la marque Irrésistible. C'est la marque chez Métro. Intéressant. C'est bien, hein? Je pense qu'ils font vraiment des beaux produits, oui. Cette marque-là. Ils font ça. Je pense que faut arrêter d'avoir des préjugés sur les marques maison. Ce sont des très beaux produits. Tout à fait. Et de plus en plus, les marques maison, entre autres, Irrésistible, même principalement Irrésistible, oui. N'a pas l'air, ça n'a pas l'air d'un produit maison. Non, il y a des très, très beaux emballages. C'est moins... C'est plus design que minimaliste. Mettons, les produits du choix du président, c'est minimaliste. T'as juste une photo sur fond blanc du produit. Compliment aussi, c'est compliment. Très, très de base. Ça fait no-name brand, tu sais. Même le marque sans nom avec le fond jaune, ont commencé à mettre des photos des affaires sur fond transparent. Pour c'est vrai? Trop minimaliste. Ah! C'est plate. Donc, eux, c'est le design. Il y a des petites bandes noires à l'arrière. C'est écrit en beau caractère avec des petites c'est fermetures. C'est lounge. C'est comment? C'est lounge. C'est très, très lounge. Donc, voici ce qu'il faut savoir. C'est écrit sur le côté de la boîte. Ce qu'il faut savoir. Conserver dans un endroit frais et sec. Okay? C'est bon, tu l'as pas mis dans tes fesses? Non. Pas à date. Sortir les truffes à température ambiante une heure avant de servir. C'est bon. C'est sorti, tu sais. Ingrédients, huile de palmiste modifiée, cool, sucre, poudre de cacao, poudre de lactosérum, bon. Sucre d'érable, sirop d'érable, il y a du sirop d'érable. Ouais, mais ça commence avec huile de palmiste. C'est vrai. Arôme naturel d'érable, en plus du sirop d'érable. Et le reste, bon, arôme naturel de vanille, entre autres. Ça contient du soya et du lait, peut contenir des arachides et des noix. C'est fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés. Hein? Ça dit pas quel pourcentage. Ça dit absolument rien. En fait, ça dit rien d'autre. C'est recyclable, l'emballage. Ah, c'est bien. Donc, on va pouvoir ouvrir ça dans le micro magique qui, bien sûr, nous attend chaque semaine comme un sage. Ouais, je suis prêt. Moi, j'aime les bongos. Là. À date, je te dirais que c'est quand même un bruit classique de boîte. Oui, la boîte est ouverte, mais il y a encore un emballage, j'imagine, à l'intérieur. Oui, à l'intérieur, on a un petit sachet doré. Est-ce qu'il y en a juste un? Oui, c'est un sachet. OK, il est plus petit qu'il en avait l'air. La boîte est plus grosse que le sachet, pas mal. Oui, mais ça reste 200 grammes et c'est écrit 200 grammes c'est dessus. Vrai. Pas de mensonge là-dessus. Non, c'est quand même moins pire qu'un sac de chips. C'est vrai. Donc, l'emballage est doré, comme la police de caractère shiny sur l'avant de l'emballage. Là, je sais pas trop par où l'ouvrir sans que ça explose. Finalement, ça s'ouvre très, très bien. Oui, on a ouvert le coin simplement pour pouvoir sortir la truffe qui va être exactement de la bonne grandeur du trou, j'imagine. Hein? Est-ce que ça sent l'érable? Dis-moi que oui. Non. Non? Non, ça sent la truffe. OK, ben... Mais je te dirais pas que ça sent l'érable. Ça, c'est dommage. Ils ont l'air très petites. Les truffes? Oui, c'est des petites truffes, je te dirais que c'est à peu près un peu plus gros que mon pouce. Le sac est quand même lourd et je sens l'érable, moi, en faisant bouger le sac. Tu sens l'érable? J'ai senti l'érable quand tu me l'as envoyé dans ma main. Non, oui, moi, oui. Je sens juste le chocolat de truffe. Non, je sens beaucoup même l'érable, moi. Mais tu sais, chaque nez est différent, évidemment, hein, Steph? Mais peut-être parce que moi, je suis habituée de sentir du vrai sirop d'érable. Oui, tout est biaisé parce que ta famille est dans l'érable. Moi, elle l'est pas, mais je dans le l'érable. Sens. Dans l'érable. Elle est toute collée. Genre non, mais c'est parce que moi, j'ai une famille d'hommes troncs. De troncs, mais d'érable. Oui, d'érable. Ils ont tout un petit truc planté dedans pour pouvoir faire sortir le jus parce qu'ils ont pas de... OK. Donc, fait que toi, est-ce que tu laisses fondre ou tu croques? Je vais laisser fondre un minimum pendant qu'on parle peut-être, mais ça va être difficile à la radio. On y va en mettant ça... Oui, on y va. Go. Go. Oh, on peut le croquer finalement. Oh, mais c'est vraiment intense l'érable, je trouve. Mais non? Voyons donc, pas du tout. Ben la fausse érable peut-être. Non? Non. Moi je le sens vraiment. Mais c'est délicieux. Ça goûte juste le chocolat, ça goûte juste les truffes. Ben voyons. Pourquoi est-ce que moi je le goûte? On est différent. T'es peut-être déréglé depuis ton passage à la religion mormone. Non, pas du tout. Non. Non, pour vrai, je ne goûte pas l'érable du tout. Bon, c'est un échec d'un bar et un succès de l'autre. Mais je trouve ça quand même bon. Oui. Mais si je m'attends à goûter de l'érable, je serais c'est décevant. Ben surtout qu'il y a de la vraie érable dedans, il y aurait peut-être pu en mettre plus. C'est marqué saupoudré légèrement. Il aurait dû en avoir plus peut-être. Mais moi, pour vrai, ça me satisfait amplement d'érable. Je me sens rassasié, même si je finirais certainement le sac dans la journée. Ah non, pour vrai, moi, une ou deux truffes. En général, les truffes, je trouve ça, c'est très, très, très gras. Oui. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui tombe rapidement sur le cœur. C'est donc, j'avais déjà goûté à des truffes il y a quelques mois. Je pense que c'était il me semble qu'on l'avait fait dans la chronique à l'époque. Il me semble que j'avais goûté à des truffes puis j'avais pas aimé ça du tout. C'était trop sableux, je trouvais. Non, ça devait pas être dans la chronique. Et déjà, ça devait pas être des truffes parce que souvent, les truffes, c'est très, très crémeux. Okay, mais peut-être qu'ils étaient pas assez dedans. Je sais pas. Mais mon souvenir d'une truffe était quelque chose de sec et de... Ça dépend. Est-ce que c'était un champignon? c'était vraiment une truffe au chocolat? Truffe au chocolat. C'est une truffe au chocolat, Steph, quand même. D'accord, d'accord. Mais ça faisait peut-être longtemps qu'elle était dans le magasin, c'était en liquidation à l'époque. Bref, peu importe. Mais bon. Donc, truffe ou. Remonte-moi la boîte, s'il te plaît. Oui. J'ai pas ça dans. Donc, les truffes au sucre d'érable exquises à la folie, légèrement saupoudrées de sucre d'érable de irrésistible. C'était ce qu'on goûtait aujourd'hui. Moi, j'aime ça. Un pouce en l'air de ce bar-ci, un pouce par en bas. C'est bon. Ça goûte les truffes, mais ça goûte les truffes normales. Good. C'est ça qui est difficile avec le système de pouce en l'air ou pouce en bas, hein, parce qu'en tant que tel. Je dirais pouce horizontal. Pouce horizontal. Maintenant, les nouvelles du fast-food dans le monde entier, Steph, c'est ce qu'on veut tous savoir. Pizza Hut qui a inventé un nouveau menu subliminal qui surveille la présence de vos yeux et la direction que vos yeux prennent pour décider quel genre de pizza vous voulez. OK. OK, donc on va écouter une petite vidéo de chez Pizza Hut au Royaume-Uni pour leur nouveau menu subliminal qui fonctionne en traquant le mouvement de vos yeux alors que vous regardez 20 ingrédients. Et ensuite, ça utilise un algorithme pour deviner quelle combinaison parmi les 4896 disponibles vous voulez. Parce que vous avez regardé chaque ingrédient plus longtemps. Le système a, nous dit-on, chez Pizza Hut UK, un taux de succès de 98%. Présumément par rapport à la puissance et au pouvoir de la suggestion, parce qu'on te suggère, j'imagine, les articles qui sont montrés, il y en a peut-être qui sont moins populaires dedans, donc ça te va par la suggestion mentale. Donc on va regarder cette pub-là, juste pour voir ce que ça donne, c'est grâce à Pizza Hut au Royaume-Uni. Donc le futur de vos repas vous attend, voici pour la première fois le menu subconscient. Hello, welcome to Pizza Hut. Bonjour, bienvenue chez Pizza Hut. Je sais à votre serveur aujourd'hui. Je suis pas capable de faire les accents. Hey, don't worry. Let me introduce you to our brand new subconscious. Permettez-moi de vous présenter notre menu. De vous introduire le menu. This menu is controlled with your eyes. Donc le menu est contrôlé avec vos yeux et il vous donne une tablette. Follow the logo. Une tablette Windows Phone d'ailleurs. Donc pour commencer, tu dois suivre le logo de Pizza Hut pour entraîner le logiciel. Ensuite, on te montre, ici dans ce cas-ci, c'est des ailes de poulet, sauce barbecue, il y a des morceaux d'ananas, des tomates, des crevettes. C'est où tu vois les ailes de poulet? Moi, je pensais que c'était ça en haut à gauche. C'est pas du bacon? Ah, c'était du bacon. Moi, j'avoue que de loin, ça a l'air vaguement d'ailes de poulet, pas du bacon. By the time you think you've chosen, donc, vous pensez avoir choisi. Pizza, t'as déjà choisi. Pour vous. Ah, c'est ça, c'est ça, ok. Je pense que le rond, en tout cas, moi, ce que j'en comprends, mais évidemment, c'est pas super clair, là, mais il y a un rond qui apparaissait autour de la sauce barbecue. D'après moi, vu que tes yeux ont regardé là plus longtemps, il y a un rond qui apparaît. Et là, ben, étant donné que le rond apparaît, tu continues de regarder là, fait que c'est comme ça te suggère vraiment que peut-être que tu veux vraiment la sauce barbecue. En quelques petites millisecondes, arrive votre pizza. Complètement fou. Mais j'ai des doutes, moi. Vraiment? Ben, c'est parce que déjà, le fait... Admettons, moi, je trippe sur les crevettes, OK? Mm-hmm. Puis là, moi, je vois les crevettes. Je vais les regarder, les crevettes. Je la trouve belle, puis j'aime ça. Mais j'en veux pas sur ma pizza! D'où le pouvoir de la suggestion dont tu parlais, ça a peut-être un lien avec ça aussi. Là. Tu le regardes pas nécessairement parce que t'en veux. Mais c'est ça, tu sais, ils savent pas. Sans tu sais, moi, après ça, ah oui, le bacon, c'est bon, je vais le regarder. Je vais regarder le bœuf. Là, je vois l'oignon, je suis comme, arc, l'oignon. Mais je suis comme, oh, il est bien dessiné. Puis là, ils me mettent de l'oignon, je suis comme, arc, j'ai ça de l'oignon. Tellement. Puis là, je vais regarder les olives noires, mais ça veut pas dire que les olives noires avec le bacon, puis le bœuf, ça va être bon, là. Tu sais, pour vrai, tant qu'à faire des niaiseries comme le tracking de tes yeux, pourquoi ne pas juste montrer les différentes saveurs puis je vais pouvoir les toucher avec mon doigt, tu sais, ben oui, faire une pizza avec. Quoi. En tout cas, mais c'est une tactique de marketing. On aurait pu aussi bien mettre ça dans le bloc pub, mais c'est du fast-food. Ensuite, apparemment, certains gens aiment le sriracha. C'est apparemment à la mode. Mais apparemment. J'adore le sriracha. Moi aussi. Donc, Rogue Brewery nous présente sa Sriracha Stout. Yark. Ouais, c'est une bière à saveur de sauce piquante sriracha. Puis déjà, c'est une stout, puis j'ai plein de la misère. C'est une noire, c'est une stout, c'est quelque chose de très foncé. Ouais, c'est quelque chose de très foncé. Pas sûr que je trouverais ça là-dessus. Donc, Rogue Sriracha Hot Stout Beer, fabriqué de sauce chili forte qui vient de Hui Feng, hein? Et des ingrédients qu'on a fait cuire au soleil, pas cuire, comment on appelle ça, au soleil? Séché au soleil, voilà. Donc, prêt à boire, donc avec des soupes, des sauces, des pâtes, pizza, hot dog, hamburger, chow mein, n'importe quoi, qui a besoin d'un petit peu d'épices en plus. On peut les acheter directement chez la compagnie sur rogue.com. C'est le lien sur assemblagerequis.com. On demande 13$ pour une bouteille de 750 ml et ça va commencer à être envoyé en fait cette semaine. Donc sinon ben, on pourrait toujours ajouter du sriracha dans des bières. Un peu comme ma mère à l'époque mettait du jus de tomate dans sa bière. Moi je suis pas sûr que c'est la même chose. Pas la même chose du sriracha. Non mais c'est pas... non mais je veux dire si tu le rajoutes après, ça donnera pas la même chose là. OK. Que si la bière est faite avec. OK. Tu comprends? Ouais, c'est le mélange. Mon beau-père aussi met du jus de tomate dans sa bière. Mais c'est-tu parce que ça saoule plus vite, je pense, hein? Hein? C'est pas ça? Ben non. Je sais pas. Ben non, parce que ça coupe le goût. C'est vrai que je suis correct. Ça saoule plus vite. Ben non, tu coupes l'alcool. Non. Tu diminues la quantité d'alcool dans ton verre de bière si tu remplaces une partie par du jus de tomate. Je me fais influencer par les informations. Mais moi, je serais très curieuse de goûter à ça, la bière sriracha. Même si c'est de la stout, j'aimerais vraiment ça. Mais c'est quand même cher par bouteille. Ben non. Non? Je sais pas, moi je trouve... 750 ml, là, c'est comme une bouteille de vin. Ouais, mais 13$, non? Ben, tu t'as jamais payé 13$ pour une bouteille de vin, toi? Ouais. Mais c'est de la bière. Je sais pas. Ben, il y en a des bouteilles. Non, de la bière, d'habitude, c'est moins cher que du vin. T'sais. Ben, pas 750 ml. Non, le prix est très, très raisonnable. Bon, OK. Je te fais confiance. Ben, tu devrais. Bon, McDonald's au Japon maintenant. On s'en va-tu au Japon? Ben, j'aimerais non, ça. Non, j'aimerais mieux pas aller au Japon, j'aimerais mieux rester en Amérique du Nord. C'est ça que tu veux me dire? C'est une blague. On va au Japon. Continue de même, là, puis je m'en vais. Oh, ben, quand tu sais que j'adore le Japon. Ben oui, on aime ça ensemble, le Japon, et on aime ensemble probablement le crabe aussi. Est-ce que t'aimes le crabe? Ouais, mais moi, ça, moi, je mange pas de crabe, par exemple. Je mange du crabe. Donc, au Japon, on a souvent des nourritures assez particulières qui sont offertes là-bas. Une de ces choses-là, entre autres, bon, il y avait un shake aux patates mauves, patates douces mauves, il y a quelques mois. Mais maintenant, ce qu'on a au Japon, c'est le Krabby Patty. Oh! Le Krabby Patty n'est pas besoin de se rendre à Bikini Bottom comme dans SpongeBob SquarePants pour y goûter. Donc, c'est une petite galette dans ce sandwich qui est fait de crustacés, tout ça émincé et ensuite frit, bien sûr, c'est chez McDonald's quand même. Le pain est un petit pain de ciabatta. Et à l'intérieur de la panure et tout ça, il y a du snow crab et des champignons. Donc, ça a l'air super bon. Il y a aussi du fromage à quelque part là-dedans, parce qu'il y a toujours du fromage. Là. C'est pas les ingrédients listés, donc on sait pas lequel. Le burger est ensuite garni de sauce tomate et d'un peu de lait dessus. Un peu de sauce tomate, ça fait un peu salsa, donc on mélange... Ça ressemble à de la sauce marinara. Oui, un peu. Qui me fait penser à de la salsa, moi, personnellement. Peut-être pas aussi. Peut-être pas. Hein. Un peu. À cause des tomates, principalement, j'imagine. C'est ça. Mm-hmm. Mais tomates, il y en a partout. Ensuite... J'y goûterais ça. Oui. Moi qui n'ai pas nécessairement fan de McDo, j'y goûterais. L'autre, par contre, j'ai l'impression que tu y goûterais pas. Mais bon, encore là, tu pourrais me contredire là-dessus. C'est chez Pizza Hut, on a une pizza à la croûte de Doritos. Voilà, bon, j'avais raison. La Doritos Crunchy Crust. Donc, on essaie, à la place de faire de la qualité, on essaie de faire des associations de produits pour peut-être faire encore plus d'argent sur le dos des fans de Doritos. Donc, la Doritos Crunchy Crust Pizza disponible chez Pizza Hut en Australie. C'est une pizza avec une croûte donc farcie au mozzarella. On a aussi rajouté des petits sprinkles de Doritos. Moi, je trouve que ça a l'air super bon. Ben, je sais pas, c'est du pizza. Je veux dire, si tu regardes la salade de la pub, elle a l'air popée, mais la vraie en dessous, elle a l'air vraiment dégueulasse. Ouais, j'avoue que celle en dessous a l'air... il me semble que la croûte est vraiment beaucoup trop grosse. Je sais pas si justement ils font des croûtes plus grosses parce qu'il y a du Doritos, des Doritos dessus. Bah. Mais bon. Donc, c'est ça, c'est des Doritos couverts de cheddar et ensuite du mozzarella fondu. Bah. Dans et sur la croûte. Pizza en Australie. Bah. Ensuite de ça, on va, je crois, retourner chez McDonald's. OK. Non. On va rester chez Pizza Hut. Pardonnez-moi. Hein? Pizza Hut. Ah non, c'est la même que tantôt. OK, j'ai pas fait mon ménage comme faut. Et à moins que... Attends un peu. Pizza Hut. Non, c'est ça, j'ai deux fois la même nouvelle. OK, c'est tout. C'est tout pour les nouvelles. Ah! Pardon. Ouais. Ah, mon Dieu, c'est fini de même. Ben, à moins que... C'est parce que l'autre, je te dirais que je suis plus ou moins confortable avec l'autre article. Pourquoi? C'est raciste? Non, je l'ai pas lu. C'est une liste de 11 nourritures qui ont plus de calories qu'un cheeseburger chez McDonald's. C'est intéressant, ça? Ben oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, c'est ça, on a parlé il y a quelques semaines, ici même dans une grosse pointe adresse, qu'il y avait une nouvelle loi qui est entrée en fonction aux États-Unis où les restaurants qui ont plus de 20 endroits devoir mettre les calories sur leur menu. Donc, ça a commencé en novembre 2014. Donc, très récemment, là. Qu'as-tu 20 endroits, tu veux dire 20 franchises? 20 franchises, okay. 20 bâtisses dans la même bannière, si on veut. Donc, c'est ça, on va maintenant connaître les calories vraiment précisément de tout. Évidemment, on l'avait déjà sur le menu en papier, là, on pouvait le demander dans les chaînes de fast-food populaires. Donc, on va regarder cette petite liste, c'est le site Vox.com qui nous montre ces calories-là. Par exemple, le fait qu'un popcorn moyen dans un cinéma va avoir 1610 calories. Ce qui est équivalent à 5,5 cheeseburgers chez McDonald's. Je dirais même 5 2/3. C'est un peu plus qu'une demi. Ah, wow, encore plus. Okay. Wow, t'es vraiment trop, trop vite en calcul pour moi. Non. Pas, non. Pas bon. Au moins 3/5. Bon, 3/5, bon. Donc, c'est ce qu'on appelle la Cheeseburger Conversion Chart, selon Vox.com. Donc, on nous dit qu'un cheeseburger de chez McDonald's, c'est 290 calories. Donc, si tu vas au cinéma, dans un cinéma typique, et que tu te prends un popcorn moyen avec barre, c'est 1610 calories, on l'a dit, c'est donc 5 2/3/3/5. Et trop de tiers. Trop de tiers. Ensuite, un pilon de dinde chez Disney, dans leur restaurant chez Disney. Okay. 1092 calories, donc 3 hamburgers, wow, et un petit bout d'un quatrième. Ouais, qui mange une cuisse de dinde au complet? Là, évidemment, là, chacun des produits, c'est des chaînes de restaurants qu'on n'a pas au Canada, donc il faut s'adapter un petit peu. Mais mettons, dans un restaurant italien typique, mettons, un sandwich aux boules de viande, mettons, 1060 calories, donc ça fait 3 burgers et presque 4, genre, vraiment presque. Ouais. Une salade au poulet, au pacan, chez TGI Fridays, 1080 calories. Attends. Comment? Un peu, là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais je comprends pas. Quoi, parce que la cuisse de dinde, il y a 1092 calories, puis il y a moins de burgers que le meatball sandwich à 1060. Quelque chose, hein. Mais ça doit être la sauce qui est particulièrement... Mais non, non, il y a moins de calories dans le meatball, mais ils ont mis plus de burgers pour l'équivalent. Ah, ça t'as raison, par contre. Tu comprends? Là, je viens de voir ce que tu veux dire. L'équivalent, Louis, en burger n'est même pas bon comparativement à la quantité de calories du produit. T'as tout à fait raison. Où est la subtilité là-dedans? Je ne sais pas. Hey, c'est vrai, t'as raison complètement. Ça discrédite un peu l'article, mais bon. On va continuer quand même avec le gâteau fromage chez Cheesecake Factory. Ça, c'est une salade encore César. C'est une salade César qu'ils ont chez Cheesecake Factory, 980 calories. Ça ne s'applique pas vraiment à nous. Mais par contre, un milkshake à la vanille chez Baskin Robbins, un peu l'équivalent de plein d'autres places comme la crémière, mettons, ça fait 1070 calories. Donc, 3 burgers et presque 4. Aïe, Des fish and chips typiques, 1980 calories. Ça, c'est l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5, 6, presque 7 hamburgers. Ouch! Cheeseburger, pardonnez-moi. Un sandwich à la dinde grillé chez Chili's, 1350 calories. Ça fait 4 et 3 quarts cheeseburger. Sinon, allons-y avec, ça, j'aime bien, les bols à soupe en pain qu'on peut manger le bol après. Là. Ouais, ouais. Donc, chez Corner Bakery, il y a une soupe aux tomates dans un bol à pain. Un bol en pain, 1360 calories, ça fait 4 burgers et 3 quarts. Voyons donc, voyons donc. Ouais, mais bon, c'est ça, comme on a dit, il y avait une petite erreur là-dedans, on se demande c'est quoi l'idée, mais bon. C'est Vox.com. Mais on doit quand même se rappeler que si tu vas chez McDo, tu ne prends jamais seulement un cheeseburger. Non, tu prends les frites, les coquettes. Parce que déjà, de un, le cheeseburger, il y a, fuck all là-dedans. Il n'y a absolument rien, c'est un petit burger vraiment mini mince plat. Mais tu prends une frite puis tu prends une liqueur. Fait que c'est sûr que tu restes pas à 300 calories, là. Jamais de la vie. Mais je te dirais, même cheeseburger, je pense que j'en mangerais deux tellement sont petits. Là. C'est vrai, mais je prends tout le temps un McPoulet, McValeur à côté. C'est bon. C'est ça, tu peux pas juste manger ça. Non. Voilà pour une grosse pointe en dresse. On fait ça les mardis habituellement dans l'assemblage de clients. Ah, ça va être le moment de manger enfin. Il était temps. Ah oui, c'est une bonne chose ça. C'est une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe en dresse, la chronique dans laquelle on goûte à quelque chose acheté dans le commerce. Bien facile, de la malbouffe, comme on aime en manger. Donc aujourd'hui, Steph, j'ai sorti, en fait, je vais prendre mon sac subtilement parce qu'il y a deux affaires dedans. Je me suis peut-être amené deux affaires pour peut-être avoir une autre chronique dans la semaine, je sais pas. Je me demande si on va faire deux affaires, peut-être. Je sais pas, je suis pas sûr. Dès que t'es t'agace. Est-ce que tu veux un produit plus... on prend pour acquis qu'on va faire deux chroniques dans la semaine, est-ce que t'aimes mieux garder le produit plus si on veut presque des fêtes pour une autre fois ou est-ce qu'on fait... Non, on s'en sac. On s'en sac, fait que je prends le premier sur le bord. Ouais. Okay. Pige. OK. On dirait un échange de cadeaux. je vous ai amené, ça a l'air vraiment bon, c'est les Peppermint Rocka au chocolat noir. Tu vas me dire, ça ressemble un petit peu à la semaine passée où on a goûté à des truffes à l'érable parce que c'est des bonbons. C'est pas pareil pantoute. C'est pas pareil pantoute parce que c'est des bonbons croquants au beurre à la menthe poivrée. Oh! Au Peppermint, d'où le nom Peppermint Rocka. Hein? Ah, bah oui. pour le manger, il faut le croquant. Il faut le croquant, bien sûr. Le bonbon. Nos maîtres confiseurs n'utilisent que les meilleurs ingrédients dans la fabrication des croquants au beurre peppermint roca. Là, je cite évidemment la boîte, pas moi-même. Nous ajoutons des morceaux de menthe poivrée dans notre classique cœur roca pour créer un goût spectaculaire. Cœur de roca. Mais je savais pas du tout que c'était classique, ces cœurs de roca, là. Ben non, moi non plus. J'ai entendu parler. À déguster les croquants au beurre peppermint roca, un délice de menthe poivrée et de chocolat noir onctueux à chaque bouchée. Ah. Il y a tout plein d'autres saveurs, évidemment, comme on le fait souvent sur les emballages. Les autres boîtes sont tellement petites qu'on n'arrive pas à lire les saveurs qu'il y a dessus. Mais de loin, même de loin, je vois pas pantoute. Veux-tu que j'essaye? Ouais, essaie-toi. Les petites boîtes à droite, là, elles sont beaucoup trop petites. Eh, Seigneur, ben oui, c'est nos saveurs, on sait pas c'est quoi. Ben oui, il y en a d'autres, il y en a trois autres. Aïe aïe. Ouais, une petite loupe serait pas de refus là-dessus. Oh, t'as peu, j'en ai un là, c'est toffee avec amandes de chocolat noir. Ok. Et butterscotch, ouais, c'est ça. Donc, un toffee au butterscotch avec amandes et chocolat noir. L'autre, c'est mocha roca, fait que ça doit être au mocha, hein. Ouais. Puis l'autre, c'est juste amandes, fait que ça doit être amandes et chocolat au lait, quelque chose comme ça. J'ai vu le mocha roca à l'épicerie où je l'ai acheté, sauf que je voulais acheter celui qui ressemblait un petit peu plus aux fêtes, et on a tendance des bonbons, des fois comme ça, Pepperman, on a ça chez les grands-parents aux fêtes, on dirait que ça fait plus festif, même si techniquement c'est sûrement pas très très hivernal comme bonbon. Mais bon, ça va être rafraîchissant de moi. Ben oui, c'est à Pepperman. Si tu regardes la boîte, elle est stripée, rouge et blanche. Ben comme un bonbon dur, rouge voilà. Et blanc. Ben voilà. Est-ce qu'on continue de parler de ça? Est-ce que tu veux garder ton côté en parlant ben, un peu? Ben, je sais pas, est-ce que tu voulais quand t'avais d'autres choses à faire avant que je l'ouvre dans le micro magique? Je me le demande. C'est par la compagnie Brown Haley, donc brown-haley.com. Sans colorant, sans arôme, ni agent de conservation artificielle. Je pourrais bien vous lire les ingrédients, mais il y en a beaucoup. c'est emballé sous sachet hermétique pour en assurer la fraîcheur. N'est-ce pas magnifique? C'est la moindre des choses. Je pense qu'il y a à peu près rien d'autre à dire. Donc, c'est les croquants au beurre à la menthe poivrée de Peppermint Roca par Brown Haley qu'on va ouvrir dans le micro magique. Ça rouvre jamais jusqu'au bout, hein? Non. Tu sais, les trucs, faut-tu tirer la langue? Avec les petits pointillés, là, c'est vraiment pas efficace. En 2015, presque, on n'a pas encore réussi à innover. Moi, ce qui m'étonne encore, là... Tu sais, les poches de farine, là? Non, mais ouais, mettons. Tu peux pas ouvrir une poche de farine sans que ça coule partout. C'est vrai, hein? C'est pas hermétique. Mais je comprends pas comment aujourd'hui on peut encore faire des poches de farine de même. T'as l'air d'un dealer de drogue, c'est ridicule. Donc là, il y a un sachet emballé dedans. Il y a un gros sachet, mais je pensais qu'il serait déjà lousse avec tous les petits bonbons dedans. Non, c'est un sachet doré, je dirais. Oui, comme assez et classe. Écrit Roca dessus. Ah, ben c'est bien, ça c'est le nom de la compagnie. Une chance qu'ils n'ont pas écrit Nike, je vois. C'est trop. Ah non, non. Une petite forme, quelque chose, là. Oh! Bon. C'est fait. Reviens à bout. Génial. Est-ce qu'ils sont emballés en plus dedans l'emballage qui est emballé dans la boîte? Ben oui, ils sont emballés individuellement. Ouais. Mais parce que ça, les petits emballages sont pas hermétiques et. Sans le bonbon à travers le papier, c'est savoureux. Oh, ça sent le peppermint au chocolat. Ça sent les After Eight. C'est vrai, et tout le monde sait que je capote sur les After Eight. Tout le monde sait ça. Ben, maintenant, ça. Quand tu regardes à l'intérieur, elles sont plus papillotées que bonbonisées. Parce qu'un bonbon, d'habitude, tu pourrais le détordre. Tu sais, il y aurait des coins... Des petits emballages en papier d'aluminium. Ouais. Donc, on ouvre le papier d'aluminium et on voit déjà la texture qui est pareille comme sur l'emballage, c'est-à-dire chocolat noir avec un glaçage blanc dessus. Le chocolat est quand même très fondant entre les doigts, je suis étonné. C'est vrai, je trouve aussi qu'il est un petit peu fondant. Je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud en studio, ça me surprendrait beaucoup. Non, fait pas chaud en studio. Donc, normalement, il me semble que la texture devrait être... parce que ça a été... à température pièce chez moi, puis quand j'ai amené dehors, il faisait froid. Donc, non, mais je pense pas que ça ait rapport avec toi. Ça n'a pas rapport avec moi. Non. C'est juste fond. T'es pas toujours concerné. Non, c'est ça. Hey, on goûte-tu, ça sent bon. Ok, allons-y. Moi, je suis d'une bouchée. Hein. C'est un gros bonbon quand t'as même. T'as tout mis dans ta bouche? Ouais. Moi, c'est plus croquant que j'aurais pensé. Moi, je te le dis, croquant. Mais encore plus. Mais je suis pas sûr que je trippe sur le fait que ce soit croquant. On dirait que j'aurais aussi préféré ça mou, mais en même temps, je pensais que ça allait être juste l'extérieur qui serait croquant, mais c'est l'intérieur comme un petit biscuit dedans. On dirait. Peut-être en pas. En fait, mais... c'est un caramel Ben, très friable. Mm-hmm. Mais c'est très bon. Moi, c'est bon. Mais tant qu'à ça, je préférais des After Eight. Mm-hmm. Que ça pogne pas dans les dents, c'est pas croquant. Il pogne énormément dans les dents, celle-là. C'est vrai. C'est l'enfer. Un After Eight, au fond, c'est comme on dirait pour les fans de After Eight qui veulent une petite coche de plus, tu sais. Une coche de plus de quoi? De croquant, on dirait. Ben oui. C'est ça l'affaire. C'est comme parce que c'est la même chose, le même goût. Je suis dans mon. Dans mes photos, j'avais pris. Attends un petit peu, les Rockers. Pour vous donner le prix environ, parce qu'on me le demande souvent, genre le prix, puis je l'ai jamais en tête. C'est 5,79 pour un emballage comme ça. C'est quand même assez cher, il n'y a pas tant de bonbons que ça. C'est cher, oh oui, c'est cher. Mais des fois, le luxe des fêtes l'emporte sur le gros bon sens de payer un prix raisonnable pour un produit. Effectivement. Donc, 5,79. Et comme tu as dit, en fait, j'ai pris la photo des autres produits. Croquant au beurre avec amande, qu'il y a. Et aussi croquant au beurre avec chocolat noir. Ça, c'est le croquant. Ben, la menthe poivrée. Donc, il y avait trois sortes en épicerie. Je sais pas s'il y en a plus que ça dans la vraie vie, mais quand même. Ben, il y en a quatre. Il y en a trois derrière la boîte, là. Ouais, c'est ça, mais en épicerie, j'en ai vu seulement trois. Malheureusement. J'ai cherché les autres. Hein. Ben, l'autre, en fait. Pas spécifiquement lui, parce que je le connaissais pas. Mais... Ouais, non, ben, c'est ça. J'ai cherché s'il y avait d'autres produits que ceux que je voyais. Donc, voilà. Peppermint Rocka par Brown & Haley, qui existe depuis 100 ans. Déjà? Ben oui. Pas pire quand même. 100 ans. Ce qui nous amène à parler de bouffe et d'autres fast-foods, tu peux en prendre d'autres, hein? Je te renvoie le sac si tu veux. Ah, ça pogne trop dans les dents, okay. Ça me dérange. Bon. Donc, commençons avec une petite vidéo. C'est rare qu'on regarde des vidéos à Assemblage Requis parce que Colin, je crois pas en le concept du tout. Mais nominé aux Oscars, PES, qui est connu pour une série de vidéos stop-motion avec de la nourriture créée à partir de choses qui ne sont pas de la nourriture. Par exemple, il avait créé dans une de ses vidéos un avocat. Et à l'intérieur de l'avocat, il y avait une boule de billard. C'était comme des éléments, c'était comme pas de la bouffe. Donc, il est de retour et cette fois-ci, il nous fait un sandwich sous-marin à partir de vieux gants de boxe, de ballons de football, de bas, de lumière, de vélo et plus de choses comme ça. Donc, on va aller écouter un petit peu la vidéo tout en la décrivant. Donc, c'est Submarine Sandwich par PES. Submarine Sandwich. Donc, c'est en stop motion, donc tout ça créé image par image. Il sort ce qui ressemble à un morceau de viande, mais qui est en fait un gant de boxe. Il met ça dans le truc pour couper la viande, faire des tranches, le slicer. Il règle son épaisseur par la machine. Et là, soudainement, sortent des petits napperons de centre de table, on dirait. Ça, je sais pas, je pense pas que ce soit fait à partir du gant de boxe, mais justement, la vidéo stop motion donne l'impression que ça sort du gant de boxe. Ensuite, il sort un ballon de football, là, qui est supposé ressembler à un jambon. Il fait la même chose. Et là, on pourrait continuer longtemps, mais c'est super bien fait. Donc, allez voir la vidéo. Après avoir fait le jambon, il fait aussi des gants. Là, il met à la place des tranches de salami, c'est des gants. Après ça, il prend un jeu de cartes pour faire, j'imagine, on dirait peut-être les tomates ou quelque chose comme ça. Il prend une grosse paire de bas. Et ça fait ça. Ça fait des genres de bouts de balles de baseball. En tout cas, bref, ça fait un paquet d'affaires. Ah, oh, mais cool. Pour vrai, c'est vraiment cool. C'est le fun à regarder. J'aime bien ça. Oui. Ah. C'est des diapositives. Genre, pas des diapositives, des... comment t'appelles ça? Les Viewmaster. Viewmaster. C'est cool. En tout cas. Bref, c'est très beau. Génial. Ensuite, toujours dans les nouvelles de fast-food. En fait, ça, c'était pas vraiment une nouvelle. Plus une chose à aller voir. Mais c'est Burger King au Japon qui nous amène un burger avec du fromage à l'extérieur, Steph. Ben, c'est dommage pas pratique. Pas pratique. J'avoue, mais ça a l'air délicieux quand tu le regardes. Non, c'est Burger King au Japon. Non, on dirait une flaque de... Tu sais, liquide blanc, là. Ouais, ouais. Je comprends. Mais non. Donc, ils sortent deux nouveaux sandwichs. Un qui est un burger normal et l'autre un burger avec du poulet à l'intérieur et du fromage à l'extérieur. BK les appelle les Fondue Burgers. En fait, c'est ça, les deux hamburgers ont du fromage à l'extérieur. Je me suis juste mal exprimé. Donc, c'est ça, les Fondue Burgers. Il y a un bol de fromage que tu vas verser toi-même sur ton hamburger. Ça vient dans un contenant à extérieur, un peu comme un bol de soupe. Ton fromage est chaud et tu le verses sur ton hamburger. Comme une douche. C'est pas pratique, ça doit couler partout. Je me demande si je ferais pas peut-être plus le tremper dans le fromage. Ben, probablement, oui. Que d'en mettre dessus, vraiment. Ben oui. Mais moi, je fais ça, je mets tout le temps du ketchup à côté dans mon assiette, de mon burger. Okay. Parce que quand t'en mets trop en dedans puis que tu pèses dessus, ça coule de tous les bords, fait que t'en as pas dans le milieu. Fait que je me fais tout le temps un dip de ketchup. Ouais. Ça me rappelle Quiznos dans le temps. Ben, en fait, il y a encore Quiznos à Trois-Rivières, mais bon, ouais. C'est une autre histoire. C'est mais, ça? Ouais, ouais. Au cap. Mais sinon, en général, Quiznos, tu peux tremper ça compte vraiment pas, en fait. Mais tu peux tremper, il y a des petites sauces qui viennent avec, puis un petit bar à sauce, puis tu trempes je savais pas. Bref, moi, c'était un concept que j'aimais beaucoup, ça, dans le temps. Ensuite, c'est un nouveau cola de la part de Pepsi. Ça va être Caleb's Cola, qui veut ramener un petit aspect cool au cola. On va aller regarder un extrait de ça. Mais c'est une... Et tu vois que ça porte même pas le nom de Pepsi, donc tellement qu'ils veulent avoir une autre image, si on veut, avec ça. Donc, écoutons cette publicité pour Caleb's Cola. Caleb's Cola. On est dans une rue, il y a des livres partout, genre de bibliothèque mobile, je sais pas pourquoi. Everyone has the preconceived notion what a cola should be. Tout le monde a une idée préconçue de ce que cola devrait être. Le monde n'a pas besoin d'un autre breuvage. Il y a une mer de choix. En fait, je crois que c'est à cause de ça qu'on voulait faire quelque chose de différent. On fait partie de l'équipe de Pepsi, on est une petite équipe. On a une vision, une idée. Une des choses qui différencie Caleb, c'est la qualité des ingrédients. Donc, il est en train de dire que la qualité n'est pas là chez Pepsi. C'est exactement ça que j'allais dire. Pas mal ça, même. C'est Colonut Extract. Attends, je recule un petit peu pour les ingrédients. One of the things that's unique about Caleb's is like tension we've put into the ingredients. It's cola nut extract. We use fair trade. Des extraits de noix de cola. Ça va. Cane sugar. And then du sucre pur, du cane sugar, du sucre. Sucre de canne. De canne. So I think we got the carbonation exactly right. On croit avoir fait l'effet de carbonisation, comme on appelle ça, les bulles, la gazéification, exactement parfaitement dans le Caleb's. A little tinier, it's got kind of like les a bulles really sont plus petites. Effervescence. Une effervescence unique. Depuis le départ, on s'est dit que si on faisait ça, on voulait que ce soit le meilleur cola jamais fabriqué, la meilleure expérience. La chose importante, c'est la première gorgée. Quand tu prends la première gorgée que tu l'aimes, tu restes pour toujours. Caleb's Cola, suivez-nous sur Caleb's Cola avec un K sur Twitter. Mais ouais, pourquoi Cola avec un K? Ouais, puis pourquoi Caleb avec un C dans le fond? Choisissez votre bar. Est-ce que c'est des C ou des K? Parce que là, c'est Caleb's Cola, fait que mettre des C à Cola vu que c'est Caleb avec un C. Alors, je la comprends pas trop, mais j'ai vraiment envie de l'essayer. J'ai vraiment beaucoup envie. Ouais, mais je comprends pas que ce cola là aurait de plus. Ouais. Ben, les ingrédients de qualité et les bulles plus petites, Steph. Non. En fait, c'est que Coke veut. Pas Coke, Pepsi. Oui, parce que. Faisons une parenthèse sur le fait que Pepsi Cola a déjà essayé d'intégrer le mot cola dans ses campagnes publicitaires récemment. Parce qu'à la base, ça s'appelait Pepsi Cola. Mm-hmm. Et il était avec Coca-Cola. Donc les deux étaient cola parce que du cola, c'est Colin la liqueur brune. Ben oui. Pendant un bout de temps, dans les années 90, début 2000, dans le temps de la campagne avec Britney Spears, il me semble que c'était, il avait essayé de ramener le slogan The Joy of Cola chez Pepsi. The Joy of Cola. Mm-hmm. Et là, les gens associaient cola avec Coca-Cola. Mm-hmm. Donc ils ont changé leur slogan pour The Joy of Pepsi. Ce qui sonne un petit peu moins bien dans la campagne publicitaire, mais quand même. Donc je crois que les gens associent automatiquement cola avec Coke. Donc Caleb's Cola, les gens vont penser que c'est Coke qui le fait. Je comprends pas, mais bon. Ben bref. Non, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis un Coca-Cola. Pour pas que ce soit comme Coca-Cola. Peut-être, hein? C'est bien possible. Donc Pepsi a lancé la nouvelle marque nommée Caleb's Cola à la fin de 2014, donc ça vient d'être lancé là, en utilisant une formule spécifique des noix de cola de l'Afrique. J'espère une formule spécifique. Ben oui. Des épices, un petit peu d'agrumes aussi. Donc peut-être que le goût serait différent comparé aux autres liqueurs brunes de façon notable à cause de l'agrume. Donc allez lire l'article pour en savoir un petit peu plus. Il y a pas mal de détails de plus, mais ça devrait être lancé, j'imagine, ailleurs dans le monde, suivant le succès peut-être potentiel de cette marque. Et on va voir ça au Canada? Pas pour l'instant. C'est ce qu'on attend comme détail. J'ai hâte de savoir ça. D'accord. Mais pour l'instant, non, c'est seulement dans des marchés tests aux États-Unis. Ensuite, on va chez McDonald's un peu, où la chaîne vous lance une plateforme où on peut créer son propre goût. En même temps, ils vont enlever des articles dans leur menu. On a déjà parlé plusieurs fois du retrait d'articles chez McDonald's dans cette chronique-ci, parce que McDonald's veut simplifier son menu. Si vous êtes déjà allé chez McDonald's récemment, vous avez vu que... C'est déjà simple. Tu trouves que c'est simple? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous-choix là-dedans. OK, peut-être parce que je regarde juste pas le menu, parce que le reste du menu ne m'intéresse pas. C'est ça, exactement. T'es pas le public cible du tout de McDonald's. Oui, Seigneur, non. Quand tu vas là, les colonnes se multiplient. De plus en plus de produits, que ce soit dans les McCafés, les desserts, les repas, les... Il y a des desserts autres que des chaussons. Il y a des McFlurry que je considère un dessert. Voir, en tout cas. Puis tu peux pas enlever le McFlurry et les chaussons. Il y a pas trop de desserts. C'est ça. Exact. Donc, ils essaient de défaire un petit peu la complexité de ces opérations, de leur opération. Donc, McDonald's va enlever 8 articles du menu à partir du mois de janvier aux États-Unis, tout en ajoutant des options personnalisées pour les hamburgers et les sandwichs au poulet. Donc, la chaîne a dit qu'ils vont réduire leur menu valeur de 16 articles à 11 articles. Ici, on n'a clairement pas 16 articles. Mais récemment, ils ont ajouté le junior au poulet ranch bacon à côté du junior au poulet normal. Ça devrait être juste un burger. Puis si tu veux le ranch bacon, tu demandes la sauce ranch dedans. Parce qu'ils multiplient le nombre d'offres de base. Mais c'est ça, c'est parce que j'ai l'impression qu'on n'est juste pas habitué de faire ça chez McDo. On est habitué de commander un sandwich en particulier et de pas demander des choses à ajouter dedans. Ou d'enlever, quand tu demandes d'enlever des pickles, n'importe quoi, ils sont quand même là, attends un peu. Puis là, ils se trompent, puis ils mettent pareil, puis là, ça devient un chiard, là. Compliqué. On n'a pas spécifié quels articles allaient être retirés, mais la chaîne en enlève pour essayer d'accélérer les opérations, donc essayer d'accélérer le processus d'une commande. Il va aussi y avoir un menu Create Your Taste aux États-Unis, donc pour essayer d'attirer les gens qui aimaient aller dans des restaurants un petit peu plus personnalisés comme Chipotle. Donc il va y avoir des kiosques avec des tablettes, et ça va permettre aux clients de sélectionner tout ce qui va être dans leur sandwich. Donc on décomplique et ensuite on recomplique la chose. Donc la chaîne teste le concept dans plusieurs endroits en Californie. Cette semaine, la chaîne a avoué qu'elle allait introduire Create Your Taste dans 2000 des 14 000 restaurants américains de McDonald's pendant l'année suivante, l'année prochaine en fait. Donc ça va être... en plus de toute l'Australie au complet, ce n'est plus un test, c'est juste qu'ils vont faire un roulement, ils vont y aller graduellement, mais c'est plus un test, là, ça va arriver partout éventuellement. Ah, avec ouais. Le temps. Un peu comme McCafé est finalement rendu partout, même au Québec. Donc on devrait avoir un jour tout ça. Évidemment tout ça parce que les profits ont glissé un petit peu en 2014. On va avoir beaucoup de changements en 2015. Ensuite, on va y aller avec Burger King. Tiens, Burger King et le Zing Double Down King, c'est en Corée, où PFK a une version encore plus extrême du Double Down. Le Double Down, c'est ce qu'on appelle au Québec le coup double. C'est l'hamburger avec deux morceaux de viande à la place du pain. Tu connais ça? Il y a ça ici. Mais il y a ça par moment ici, mais oui, il y a eu ça. C'est particulièrement sec, je trouve, sans pain. Mais... Donc, le Zinger Double Down King, qu'est-ce que c'est? C'est un sandwich de PFK en Corée du Sud. Qui met en vedette non seulement du bacon comme le Double Down qui est disponible en Amérique du Nord, mais une boulette de burger, ce qu'on n'a pas habituellement dans le KFC Double Down. D'habitude, c'est le poulet avec du bacon et de la petite sauce, mais il n'y a pas de boulette de viande. Donc on le rajoute. Donc tu as les trois groupes de viande préférées de tout le monde, donc le poulet, le bœuf et le porc. Donc on n'a pas les informations nutritionnelles, pas que ça nous change quelque chose, mais c'est donc le Zinger Double Down King, no bun, all meat, pas de pain que de la viande. Ouf, ça a l'air lourd. Hein, tu dis, hein? Je sais pas si ils ont changé leur formule pour le poulet pané, parce que je trouvais, comme je te disais, que c'était un petit peu sec, ça manquait de juteux dans le burger quand j'ai goûté. Peut-être que le burger qui est juteux à l'intérieur va venir compenser pour ça un peu, ou moi peut-être que j'aurais peut-être ajouté une fine lisière de pain dans le milieu à la place, juste pour l'inverser. Ouais, ça aurait pu être bien, effectivement. J'aurais aimé ça. Ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé. Je suis très d'accord. Super. Toi qui est pourtant pas très très burger de fast-food, t'étais d'accord sur l'affaire. Non, d'accord sur ton idée, mais j'en mangerai pas non, plus. Non, c'est ça. Finalement, je trouvais ça vraiment intéressant. En fait, c'est un article qui nous a été envoyé par un auditeur fidèle, une auditrice fidèle. Comment IW a appris à ne pas surestimer l'intelligence de ses clients. C'est l'un des échecs les plus marquants des Américains en matière d'arithmétique qui a renvoyé aux enseignes de restauration rapide McDonald's et IW. Donc, les Américains ne sont pas forts en calcul, nous dit-on. C'est Elizabeth Green dans le New York Times qui nous dit ça. Pour illustrer son affirmation, elle nous cite une étude de 2012 qui a classé les États-Unis parmi les 5 plus mauvais pays sur 20 dans le domaine des maths, ainsi qu'une enquête sur les prescriptions médicales ayant mal tourné, qui a révélé que 17% des erreurs avaient été causées par des mauvais calculs de la part des médecins et des pharmaciens. Hey boy. Mais comme le révèle le reportage Why Do Americans Stink at Math, l'un des échecs les plus marquants des Américains en matière d'arithmétique renvoie aux années 80 et aux enseignes de restauration rapide McDonald's et AW. Donc à l'époque, pour concurrencer le quart de livre de McDonald's, le restaurant IW avait lancé un nouveau hamburger, le tiers de livre. Jusqu'à maintenant, ça va bien, tu sais. Ouais. Coûtant moins cher que le sandwich rival et offrant plus de viande, parce que c'est un tiers de viande, semblait parti pour la gloire, d'autant qu'il obtenait de meilleurs résultats aux tests gustatifs des consommateurs. Et pourtant, les clients l'ont snobé. Décidé à comprendre le pourquoi du comment, IW a formé des groupes de discussion et il est apparu que le choix entre les deux hamburgers s'est révélé être un test de fraction que les Américains n'ont pas réussi. Ayant mal évalué la valeur d'un tiers, les clients avaient l'impression de payer trop cher pour leur hamburger, parce que le 3 est en bas du 4. Ils sont donc bien maillés. Ils ont expliqué aux chercheurs de ne pas comprendre le but d'acheter un tiers de livre alors que pour un montant d'argent semblable, ils pouvaient s'offrir le luxe d'un quart de viande. Un quart de livre de viande chez McDonald's, quand même, tu sais. Une confusion née d'une erreur de calcul des clients. C'est vrai. franchement. Les propriétaires d'AEW dans les années 80, Alfred Tubman, qui a révélé cette anecdote dans le livre Threshold Resistance. C'est particulièrement moronesque, je trouve. Ah, mais c'est incroyable, là. C'est parce qu'on s'entend. Un tiers, c'est plus, là. Ben, juste de te l'imaginer dans ta tête, tu regardes, tu sais, une surface qui équivaut à 1, tu le coupes en 3, puis tu le coupes en 4, le 4, les quarts plus petits. Je veux dire, juste imaginer, ouais, un peu, mais là. Ouais, mais les gens vont pas jusque-là, j'imagine, dans les fractions. Se sont juste dit, ah, et 4, c'est un plus gros chiffre que 3, ben oui, donc il y en a plus. J'en ai plus pour mon argent! Ah. Bande de vous autres, les Américains. Ben oui. Parce qu'on a beau être nord-américain, je pense pas qu'on est aussi cave côté calcul. J'espère que non. J'espère que non. J'aimerais qu'on me prouve ça. J'aimerais qu'on me le dise, qu'on m'encourage. Voilà donc pour une grosse pointe d'adresse. On a fait le tour des nouvelles du fast-food. On a mangé des Pepperman Roca. Moi? Oui. Puis c'est tout. On fait ça chaque semaine à Assemblage Requis parce qu'on aime ça demain. Mais c'est qu'on aime ça. Ouais. Cette émission spéciale d'Assemblage Requis sur une grosse pointe d'adresse vous revient après la pause. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Bon retour, c'est la deuxième heure de cette émission sur une grosse pointe d'adresse. On est encore en décembre 2014, Tania. Oui. Toujours avant toi. Toujours avant moi. Ouais, mais tellement aussi chill. T'étais pas là, mais tu sais, yeah, hein? Ben oui. On, à un moment donné, faut pouvoir être vite dans le passé, sauf en ce moment. Puis Steph était excellente de toute façon, alors pourquoi pas lui faire un hommage à elle aussi. Mais hein. Puis pendant ce temps-là, ben on a goûté à plein d'affaires dans une grosse pointe d'adresse. Je me rappelle la fois où on a goûté, là. Je me rappelle en fait de cette fois-là précisément parce que Tania... pas Tania, Stéphanie était enceinte à ce moment-là. Là, elle a eu son enfant depuis, mais elle était enceinte, puis elle peut pas boire de l'alcool. Ah, oh, c'est vrai? Quand t'es enceinte. Puis j'ai amené du chocolat fourré au cognac liquide, il a fallu que je le goûte moi-même, ça. Pas vrai? J'ai elle avait pas le droit de goûter un petit chocolat. Pas de... du tout. Elle voulait pas. Ah, oh, mon Dieu. Mais là, je vais pas la forcer quand mais même. Mais c'était-tu bon? C'était excellent. Ah ouais? C'était excellent. Qu'est-ce qu'on a goûté d'autre aussi? Ben, des gaufrettes. C'est un peu plate, des gaufrettes. Ouais. À la crème de noisette. Ça reste bon. Ben oui, ça reste bon. On ça reste un classique, comme ils disent. Exactement. Moi, je suis curieuse de ce que vous avez goûté sans alcool, la bière au caramel au beurre. Tu vois, cette fois-là, j'avais pensé à Steph. Mais je trouve que ça fait Harry Potter. Oui. Tu sais, la fameuse bière qu'ils boivent dans le pub, là, quand ils sneak on sur le professeur. Tellement anglophone. Ouais, je sais. Bref, hein? On va voir si ça goûte comme Harry Potter tout de suite. Tout de suite. Et ça, c'est bon, d'être calme. Hein? Pas tout le temps s'énerver, tu sais. Même si là, on va sûrement s'énerver un petit peu en buvant quelque chose qui, j'espère, sera excellent. Voici une grosse pointe d'adresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte une malbouffe dans le commerce. Et c'est drôle parce que c'est on n'a jamais eu autant de gens pour une grosse pointe d'adresse, mais on n'a jamais eu autant de gens qui n'avaient pas envie de participer à une grosse pointe d'adresse aussi, t'sais. Donc aujourd'hui, gang, en passant, gang étant Stéphanie Paradis. Hi. Justine Renaud. Hi. Laurent Constantin. Aujourd'hui, les amis, on goûte à quelque chose. Je vous l'ai dit déjà que c'était quelque chose qu'on buvait aussi parce qu'on entend le bruit des bouteilles. Hein? Oui. Sûrement une excellente idée, d'ailleurs, d'avoir brassé ça. Ah non. C'est carbonisé, hein? C'est, je sais pas. Ah, on va carbonisé. Voir. C'est, ouais, c'était vraiment non, pas non. Une forte idée. Juste une carbonara. Carbonara. Donc, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que c'est? C'est là, pas d'étiquette. T'as un peu de l'autre. Un peu d'étiquette. Un peu d'étiquette. C'est ambré. Ambré, en effet. Voilà. Donc, c'est Flying Cauldron. C'est une bière, ben ça dit bière, mais c'est pas une bière. Caramel au beurre. Oh! Caramel au beurre. Butterscotch. Sans gluten, 100% naturel. Donc, c'est marqué sans alcool, j'ai pris la peine de vérifier cette fois-ci. C'est sans alcool, même si c'est marqué butterscotch beer. Il n'y a aucun détail d'autre que ça, à part... Y a-t-il quelque chose? Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de gluten, ça n'a pas de goût. C'est supposé ressembler à du... C'est supposé goûter le soda crème. Ça dit soda crème caramel au beurre. Mais c'est crème soda, finalement. Genre du crème soda. C'est supposé goûter ça, mais au caramel écossais. Soda crème, l'inversé comme ça, ça sonne dégueulasse. Ouais. C'est vrai que c'est aussi... soda crème. Eau gazeuse purifiée, sucre de canne, caramel naturel, saveur naturelle, extrait de feuilles de stevia. Oh, stevia! C'est à peu près ça. C'est par la compagnie Reed's Ginger Brew. qui est sur Nasdaq sous le nom de Reed. c'est marqué sur la bouteille. Il n'y a aucune information, mais on sait qu'ils sont à Nasdaq. Ben, allez m'acheter des actions de Drey, là. Si on décrit un petit peu la bouteille, l'étiquette est très minimaliste, noir doré si on veut, noir avec un contour doré, n'est-ce pas? On dirait que c'est sorti d'Harry Potter. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'est ça le but, c'est de faire de la bière peut-être. Au beurre d'Harry Potter. Ça se peut. Le beurre d'Harry Potter. Et d'attirer les regards de gens qui achètent n'importe quoi comme moi. Donc dessus, on voit le titulaire Flying Cauldron, hein, c'est le nom de la bière, dans ma bière en guillemets, avec un chaudron noir, du liquide jaune un peu dedans qui fait des bulles de la pisse. Un balai derrière, comme dans Harry Potter. Ben, c'est ça, tu vois bien que le but, c'est de faire Harry Potter. Le chaudron volant. Et la banderole de Butterscotch Beer est mauve. C'est attirant, ben, ça. Ben, c'est plus fuchsia. Excuse-moi, fuchsia. Moi, je suis bien d'accord. C'est quasiment un rose aussi, un genre de mauve rose. Ben, c'est ça, fuchsia. C'est ça, fuchsia. Pourquoi? Voyons, les gars, Colin. C'est juste moi, là, écris pas la rala dedans, hein? Non, c'est pas fuchsia, c'est comme rose mauve. Je me suis pas déterminé sur cette question. Bon, donc, c'est ça, ça ressemble à ça. Je pense qu'on peut l'ouvrir en faisant des tap-tap ses côtés pour essayer d'enlever ce que j'ai fait tantôt en les brassant, t'sais, parce que pas sûr d'avoir aimé ça, cette action-là, moi. Ouais, c'est ça, merci. Les pichinots, marche pas juste les canettes, ça? Je sais pas, ça sert à rien de pas le faire, mettons, t'sais. C'est même écrit un breuvage magique, c'est... T'as-tu vu? Breuvage magique. Où ça? 120 calories. Laurent, il est là. Ouais, je pensais à la traduction en anglais de ce que j'avais lu. 100% naturel. Ouais, 120 calories, pareil. Non, on parle pas des calories dans une grosse pointe à l'adresse, c'est la chronique pas de classe. Oh! On mange c'est, on... c'est la même chose pas de bouteille. Comment? C'est la même chose ouais, c'est la même chose. Il y avait une étiquette, c'est juste qu'elle est tombée dans le sac, je pense. Okay. Ah. Bref. Ouais, bon, c'est clair, je vais goûter on peut ça. Critiquer ouais, la solidité des étiquettes. Ok, est-ce qu'on teste la solidité des bouteilles, genre Klaus à la table? On baptise le studio! Oh, qui a déjà été baptisé ce studio-là. Je crois qu'il va falloir un décapsuleur, Mathieu. Est-ce que t'as essayé? Non, mais j'ai de forts doutes. Est-ce qu'on l'essaye en premier? On essaye. Ah, faut que je la donne à Steph pour qu'elle joue dans le micro magique de toute façon. Fait que j'ai pas le choix, c'est lié là-bas le micro magique. J'ai jamais encore compris ce concept. Non, je sais, c'est ça. C'est, on t'accueille pour la première fois dans cette chronique-là. T'as pas des choses à apprendre. Vous êtes dommage spécial? Moi, je pense que ça se dévisse pas. Ça se dévisse pas. On va l'essayer quand même dans le micro magique. Ben oui, c'est moi qui me défends à la main. Ben oui. Non, tu peux le faire avec ton chandail. Oh yeah! Ça se dévisse! Fait que je peux essayer la mienne aussi, là. Oui, vas-y. Non, dans... le tout, la tienne, elle se débouche, je suis sûr. Ton micro n'est pas magique, ah. Tu vois. C'est-tu ben, ouvert trop facilement? Hein? Ben, c'est assez étonnant. OK. Ah, genre, trop facile, Steph. Toi, la résistance, t'es comment? Normal? Ouais. OK. Laura avait l'air trop facile, mais peut-être que Laura est un homme fort. Non, c'était même... c'était plus facile qu'une boréale, mais moins facile... mais plus facile qu'une... Non, mais c'est parce que je suis pas allée à pleine main au début, parce que j'avais peur de ma défaire oui. Au cas où ce serait pas dévissé. Finir en sang. Ouais, ça, ça les serrages de bouchons, c'est souvent différent selon les compagnies, mais est-ce que c'est comme un bouchon qui ne se dévisse pas, okay. Avec une bouteille qui se dévisse. Ah, c'est ça la particularité. La twist, comme on appelle la twist-off. Oh, que ça sent l'essence de butterscotch. Je le sens pas parce que je suis loin. Oui, ça sent on ça. Dirait que c'est pour faire du gâteau au butterscotch. Veux-tu une sniff? Oh mon Dieu! Hein, ça sent fort le sucre, là. Yip boy, hein? Ah, que j'aime ça, cette odeur-là. Ah, que ça sent bon. Bon, ben, mais tu y goûtes pas, puis moi puis Laurent, on va prendre une gorgée. Okay. Hey, à ta santé. Allez-y, puis on s'échangera après. Bon. À ta santé, Stéphanie. Ah, c'était pas un micro magique, puis on l'a entendu quand même. Ah, c'est-tu bizarre? Je sais pas pourquoi. Ok. Buvez. Ah, on regarde, ah, c'est beau à voir. C'est pétillant. Et c'est. Moi, je vais prendre celle-là, Steph. C'est encore froid. J'ai regardé de la manière qu'elle a bu dans ça la bouteille. C'est fait vite, ça, comme décision, hein? Ben, oui. Okay. Non, mais j'ai vu comment Laurent, il a bu dans sa bouteille, puis lui, il fait des flotteurs. Il est genre à faire des flotteurs. Il se gargarise. Puis non, lui, il avait la langue dans le goulot. Et... Ok, Justine, tu ching de loin, parce que trop loin. X, c'est... j'aime pas ça. Ok, fais bien attention. C'est vraiment intense, sucré. Fais vraiment attention. Pour vrai, une gorgée, moi, c'est suffisant. Ok, ouais. Stevia. Oh, c'est pas très pétillant, ça. Moi, la mienne n'est pas... Hé, crime! Ouais, c'est trop sucré, ça. C'est sucré en tabarouette. Moi, je te couperais ça avec de la vodka, là. Ben, je me disais, c'est pour déguster et peut-être mélanger. Avec de la vodka, c'est une excellente idée. Ça me fait penser non, mais peu, non, peut-être plus du rhum ambré. Ah oui, ça serait très bon avec du rhum. C'est quoi, l'ensorceleuse? La... Sortilège. OK. Sortilège, ça, c'est un petit peu de sortilège, mais moins l'alcool. Ben, d'abord, parce qu'il y a moins d'alcool d'érable. Non, c'est ça, c'est comme le même goût, mais sortilège, comme 30%. Ouais. Mais s'il m'avait dit que c'était au sirop d'érable, je l'aurais cru, je pense. Ouais. Mais non, mais t'es naïf, là. Je suis très naïf. C'est très. D'une c'est certaine façon. C'est un goût crémeux, quand même. Ben, du crème soda. Oui, en effet. Au caramel. Oui. Butterscotch. C'est vrai. Mais vous, est-ce qu'il y avait beaucoup de pétillant dans la bouteille? Pas tant. C'est très léger sur la langue. Ah, ouais. Mais qu'il y en a, c'est sûr moins que. C'est parce que ça doit être micro-gazifié. Ah, peut-être. Mais est-ce que Reed's est une micro-brasserie? C'est sur le Nasdaq, on l'a pris. En Bonne question. Une autre petite gorgée pour la route, hein, je pense. Mais c'est pas mauvais, tu sais, je veux dire. Ça se vend partout, mais ça. Mais on s'entend, c'est un dessert, là. C'est vraiment un dessert. Tu prends ça comme dessert, puis tu sépares une bouteille, là. Exact, tu peux partager ça. Moi, j'ai trouvé en épicerie, c'est dans les petits rayons. Il y a un rayon dans l'épicerie où je vais, qui s'appelle, c'est une petite épicerie indépendante nommée Métro. À côté de chez nous, un ancien 24 ans. Connais. Et puis, il connaît pas ça, hein? C'est trop obscur pour toi. Il y a un étalage à côté des produits congelés de déjeuner, des Toaster Strudels, parce que je passe tout le temps dans les Toaster Strudels. Il y a une petite étagère de crème soda quasiment au complet. Ah. Mais il y a plusieurs sélections de micro-liqueurs comme ça que tu n'as jamais vu nulle part ailleurs. Mais oui, ils sont bien trop petites, c'est des micro-liqueurs. Mais oui, ça, t'y vois pas. Des shooters. Mais celui-là m'attirait. En fait, je pense que celui-là doit être nouveau parce que j'avais jamais vu. J'en avais amené un autre crème soda il y a quelques mois, quelques semaines de ça. J'avais amené un crème soda à l'orange. C'était pas la même compagnie. Ah. Non, dans le même étalage, par contre. Ah. Moi, je suis plus bière au gingembre racinante. Quelque chose de. Je sais pas, gingembre. Petite amertume, là. C'est bon, mais trop sucré. T'aimes ça, le gingembre? Oui. Mais se faire goûter à quelque chose au gingembre tantôt que Mathieu déteste pour mourir. Ah ouais? Très bien, Stéphanie. Cool. Tu veux-tu que je le fasse live? Ah, fais ça. Veux-tu faire ça là? C'est si ça là. Ben oui, je l'ai. On a le temps. Regarde, cherche ça pendant qu'on parle de nouvelles de fast-food parce que c'est la deuxième partie de la chronique. Oui. Oh, okay. Temps de parler de fast-food. Là, je vous ai ressorti des vieilles nouvelles parce que d'habitude, je suis dans le présent pas mal, mais là, pour essayer d'en faire une deuxième dans la même semaine, je suis retourné en arrière. Une nouvelle qui date de cet été, la fin de l'été, c'est des pêches. On a souvent comparé des pêches à des paires de fesses parce que Colin, ça ressemble à des paires de fesses. C'est clair. C'est poilu même. Donc, pour capitaliser. Poilu, moi. Poilu. Des fois, quand je réagis à délai sur un commentaire. Pour capitaliser sur leur festival là-bas en Chine. Dis festival. Hey, c'est drôle. Oh! Donc, pour capitaliser sur le festival Kixi. En Chine, c'est un petit cadeau qu'on peut remettre à ses amis. C'est des pêches déguisées avec des sous-vêtements dessus. Hein, c'est pas peu cher parce qu'une boîte de fruits avec 9 sous-vêtements, 9 pêches et 9 sous-vêtements, ça coûte 80$ américains. Ah. Et ces pêches-là sont disponibles donc en Chine et en ligne. C'est pêché. Ils ont vraiment c'est mis pêché. Des bobettes, ces pêches. Il n'y a pas de G-string. Ben là. Ben la craque est pas assez serrée, ça rentre pas assez dans le craque. Ah. Bref. C'est wrong. Ouais, on est allé jusqu'au noyau du sujet. Je sais pas, je pense que vous avez fait les blagues. J'ai l'impression de faire de la fruitophilie. Fruitophilie. La quoi? De la fruitophilie. Ah, oh, de la fruitophilie. C'est ça. Je me demandais pourquoi tu t'es. Ben, je trouve ça obscène. Non, pas de la fruitophilie. De la fruitophilie. Donc, China News nous dit que ces pêches-là s'appellent des ripe fruit, donc un fruit avec une connotation sexuelle. Et puis, c'était développé par un vendeur de fruits à Nanjing. Chaque paire de sous-vêtements mise sur chaque pêche à la main. Les amis. J'espère. Ben oui, c'est comment je vois pas comment une machine ferait ça. Et c'est des sans détruire la raie de la pêche. Comment tu peux programmer une machine à mettre des bobettes à des pêches? C'est une méchante machine de fucker, là. Les ingénieurs, ils se penchent sur ces problèmes-là tous les jours. Si c'était des ingénieurs, ils auraient dû en mettre une petite salopette orange à ces pêches-là d'abord. Hein. C'est pas les pêches, les ingénieurs. Je sais pas. En tout cas. Ensuite, il y a un glorieux restaurant qui ne sert que du macaroni au fromage. Oh, miam! Ah, seulement ça. Tu sais, il y a déjà eu des restaurants, on a déjà parlé de... Ah, qui a l'air gros. Ah, mais hein. On a déjà parlé de restaurants qui savaient qu'il y a des grilled cheese, etc. Mais The Melt, qui vient pas du tout d'ouvrir, mais qui est ouvert depuis 2011, qui continue de prendre de l'expansion. Donc, les Américains, on sait, sont obsédés par le fromage. Et un magasin, un restaurant de macaroni au fromage, c'est sûr que ça va avoir du succès. Hein? Ouvrant un direct dans mon bloc. Genre dans mon ventre. Je démarre sur une succursale dans mon ventre. Il y a aussi un restaurant de macaroni au fromage à New York. Donc, ceux qui se prévoient faire un petit voyage à New York dans les prochaines semaines, moi, à Noël, il y en a qui font ça. Trouvez-le. Le lien sur assemblagerequis.com. Ça sert une grande variété, encore plus grande que le The Melt ouvert en 2011, donc à New York. Plus grande variété, j'imagine que tu peux choisir ta sorte de pâte, ta sorte de fromage, etc. etc. Et finalement, une variété d'articles de déjeuner couverts de sauce brune chez Taco Bell. Ah. Et ça va être dans le pays au complet. C'était en phase de test depuis le mois de septembre. What? Le menu déjeuner, oui, avec de la sauce brune dessus, en phase de test. Donc maintenant, c'est partout. Tu peux avoir ton burrito ou ton crunch wrap avec de la sauce brune dessus, si c'est ce que t'aimes, ce que t'apprécies. Enfin, c'est partout où il y a des Taco Bell. Ben oui, c'est ouais, ça. C'est ça. Tu vois, chez McDo, ben là, je voudrais de la sauce comme Taco Bell. Là. Non, c'est seulement dans les succursales Taco Bell. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc, c'est ça. On l'a essayé sur Internet, sur consumers.com. Et, Colin, c'est... On dit que c'est une combinaison de sauce et évidemment de repas style Tex-Mex. Donc, ça fait à peu près ce que tu t'attends, ce que ça te ferait dans la bouche. Ils ont essayé sur d'autres affaires comme les petits pains, des trucs comme ça. Puis là, ça fait un petit peu plus. Évidemment, il y a des affaires qui fait plus, des affaires qui fait moins chez Taco Bell. Là. On s'entend que c'est du semi-genre fake mexicain. Donc, bref. Taco Bell, le lien sur assemblagerequis.com. Évidemment, les Taco Bell au Québec, il n'y en a pas bien. Il y en a quelques-uns dans les grandes villes. Donc, trouvez-en. Puis, mais il y en a? Ça s'en vient. Il y en a, oui, oui. Okay. On m'a dit qu'il y en avait. On va dans l'ouest de Montréal. C'est ça. Moi, j'en ai jamais vu, mais on me dit qu'il y en a. C'est tout ce que je te dis. Une grosse pointe en dresse. On fait ça chaque semaine à Assemblage Rocky. Et là, cette fois-ci, deux semaines. Je pense qu'on... Oh, oui, c'est ça. T'as trouvé ton affaire, finalement. On peut continuer là-dessus. Ah, ouais, oui. Je me rappelle de ça. Ben, c'est ça. Mathieu, oui. Il aime vraiment, vraiment pas ça. Non. Mais si toi, Laurent, t'aimes le ginger. Ginger. Je vais te faire goûter ça. Qu'est-ce que c'est? C'est sa traduction, le ginger. Wow, ginger spice. Oui, ça vient dans une petite boîte en métal. Ah. Verte c'est et noire. C'est pas toi qui fais le drum, avec, hein? Ah ouais, c'est ça, sur la petite boîte en métal. Tu sais, c'est un petit look, je te dirais, Indian style. Donc, c'est des original Indian style. Ah, ok, d'accord. C'est des original chemises. Tu sais, les chemises là, que tu mets... au plafond, là, les moulures, hein. C'est des chemises. Ah, j'ai jamais entendu ce mot-là. Non, c'est des chemises, mais... Ok, c'est pas non, j'avais, chemise. J'avais compris chimelle au début, c'est pour ça, donc... Ben oui, l'affaire que tu mets, là, des chemises. Sur le plafond, c'était comment, tu sais. Donc, c'est vraiment des bonbons au gingembre, mais c'est très, très gingembre, c'est des ginger chews. Ah, puis c'est mâchable en plus, fait que t'as de la saveur avec 30 dents. Oui, c'est du chou. C'est du chou de gingembre. Donc, ça dit que chemise is always smooth, energizing and satisfying. Donc, experience the essence of ginger. Okay? Hey, wow, on comprend tout. Let the chemise lift your spirits with a refreshing ginger breeze. Laissez une chimelle vous relever les esprits. Oh, bien sûr. Donc, ou relever les siennes. Donc, c'est un petit pot très pratique à ouvrir. Ouais. Oh. Avec des petits choux emballés à l'intérieur. Mais moi, je peux-tu essayer, moi aussi? Mais oui, mais est-ce que t'aimes le ginger? Oui. Parce que si t'aimes pas ça, tu vas faire le saut en tout cas, moi, je pensais pas être sûr du gingembre, mais maintenant, je suis sûr de pas aimer ça, t'sais. Faut réussir à ouvrir l'emballage. Il est supposé avoir de la petite poudre là, pour l'empêcher de coller, là. C'est un échec. Oh! Ça sent-tu le ginger? Ça sent sucré? Bon, Laurent l'a déjà dans la bouche. Mmh. Hey, crément, il attend-tu, lui, hein? Il attend la galanterie, qu'on appelle, hein? Je suis pas capable de... Je mange pas. Je mange pas. Il est juste là dans ma bouche. Je mange pas. Ah, c'est intéressant comme texture. C'est un chewy agréable. Chewy. Comme goût aussi. C'est vraiment gingembre. C'est très, très gingembre. Des fois, t'as une petite larme de gingembre qui te coule. Le goût, c'est vraiment bon. C'est bon, ça, ouais. Le petit côté piquant. Mais c'est ça, c'est très, très, très fort en bouche. Là, puis c'est vraiment piquant. Là, ça, je dis, des fois, t'as une petite larme là, où ça te pogne dans la gorge. Là, mais c'est une sensation que je trouve très agréable. C'est astringent. On dit ça, c'est astringent. Et c'est disponible. Moi, j'achète ça à la je sais pas c'est quoi le nom exact, là, la bonbonnière. C'est Sweet Factory. Ouais, ça s'appelle encore comme ça, ouais. Sweet Factory. Ouais, ouais. Donc, moi, j'achète ça là. Qui était avant la bonbonnière, qui est devenue la confiserie Sweet Factory, je crois que c'est ça. Ah, ok, quelque chose de même. C'est bon. Ça fait un drôle de bruit quand on mâche, hein? Non, mais c'est parce que c'est beaucoup plus... Juteux. Chewy. Mâchouillant. Mâchouillant. C'est vraiment plus... C'est quand même gélatineux, là. Je veux dire, ah, oui. Épais. C'est quand même épais, là. C'est pas comme un petit gummy bear. Mais moi, je trouve ça délicieux, mais tout comme la bière au beurre, au caramel... On passerait pas à travers la boîte en seul jour. Non, c'est bien, ça. Tu es malade. Est-ce que tu chopperais le bonbon en deux pour qu'il soit un petit peu moins présent? Ah, oh, ben non, pas du tout. On aime ça que ça soit comme pow! C'est comme une grosse claque d'en face. On est des radicaux, nous autres. Ah ouais? Ouais. Eh ben. Ouais, moi, je suis pas radicaux. Ça, c'est paradis. Un super paradis. Ah, elle est bonne! Ok, je la trouvais wesh, mais finalement, elle est super bonne. Ah, t'as même pas compris. Non. Un sporadico. Sporadico. Ouais. Sporadico. Sporadic and Company. Je suis un radicolibre, c'est différent. Ah ouais? Un radicalibre, ça, c'est en chimie, ça. High five! Yeah! On l'a pas entendu. Steph, on la comprend pas, ça? On la comprend-tu, ça? Je sais pas, j'ai même pas fait ma chimie secondaire 5. Ouais, c'est ça. C'est comme ce qui moi, je faisais du théâtre, de l'informatique. Quand tu respectes l'exogène, radicolibre, c'est ça. Puis, Mm-hmm. Ouais. Elle se décrottait les dents. Tu sais, une chronique là-dessus à un moment donné. Ils sont en train de décrotter les dents. Arrête de me renfoncer dans la bouche. Ouais, je suis très chouille. Ok. Bon, mais on peut passer à d'autres choses. Passons à autre chose. On fait une grosse pointe en dresse chaque semaine à Assemblage Requis. Ça va recommencer en 2015, bien sûr. Ça nous amène maintenant à une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on mange quelque chose acheté dans le commerce, que ce soit dans une épicerie ou un dépanneur. Une yes! Épicerie, je pense qu'on est. Et en plus, je vous parle de nouvelles de fast-food à travers le monde. Là, j'ai le goût de manger de la pizza. Ouais, ben malheureusement, j'ai pas de pizza, même si la chronique s'appelle une grosse pointe d'adresse. On goûte à une grosse pointe d'adresse de quelque chose qui n'est jamais une pizza. Sauf peut-être un jour, on verra un jour. Des bagel bits. Qui n'est jamais, sauf peut-être un jour. Sauf peut-être un jour, ben peut-être qu'un jour, il y aura un nouveau modèle de pizza pochette. Un petit four dans le coin du studio, là. Tu sais, même qu'on ramène le micro-ondes dans notre local, là, mettons, ça pourrait arriver, c'est un jour. Donc, j'ai dit précédemment qu'on allait changer un petit peu la façon de procéder pour au moins quelques instants. On va voir si ça fonctionne bien. Okay. C'est que j'ai apporté un sac avec plusieurs affaires. Oh. Parce que on va faire la chronique un peu aux deux semaines. Dorénavant, on va alterner entre Master Steph et une grosse pointe en dresse. Donc, j'accumule plus d'affaires. Puis, on va avoir moins de temps pour les faire. Donc, je donne le sac. Très bien. Puis, j'ai dedans. Moi, je le mets là, puis vous faites ce que vous voulez avec. C'est à vous de voir qui pige, là, parce que là... Bah, vas-y, Laurent. Ben, je vais y aller. Pogne quelque chose qui se mange, pas qui se boit. Je vais vous le dire si c'est quelque chose qui se boit. Okay. Il a l'air d'avoir beaucoup d'items dans ce sac. Ouais, choisis comme faux, là. Ouais, prends ça, ça a l'air mauve. Je suis sûr, c'est bon, c'est mauve. Oh, wow, c'est mauve. Bon. Qu'est-ce que c'est? C'est une barre de chocolat du nom de Flame. Flame? Flamme. Donc, gaufrette farcie à la crème de noisette enrobée de chocolat au lait. Ça a l'air bon. J'ai bien pigé. On dirait des petites boules, On dirait une dodo des billanales. Ben, ouf! Des billanales. Non, je dirais des bosses de dromadaire. Ouais, j'aurais dit des bueno, t'as peut-être. T'as combien de dromadaires? Justement, elles sont toutes alignées. Non, ils ont comme coupé la tête. Ils ont juste gardé les bosses. Mais ça me fait beaucoup penser comme au Kinder Bueno. Oui, Bueno, c'est ce que j'allais dire aussi. Ça m'a fait penser à ça en le voyant. C'est chez un magasin d'accessoires, d'outils et de trucs... Canadian Tire, finalement. Non, mais comment le décrire plus que ça? Mais non, j'ai vu ça, puis j'avais jamais vu de ma vie. Je sais pas si ça existe depuis longtemps. Il y en a deux dedans. Ouais, c'est ça, il y en a deux dans ça. Je sais pas c'est où, faites où, mais c'est importé par les bonbons Mondou à Laval. Louis-José Mondou! J'ai dit que je faisais confiance à Louis-José Mondou tantôt. C'est fabriqué en Turquie! En Turquie? En Inde, Turkey. Oh, je troque pas ça. Je te rase pas ça, je suis sûr que c'est plein de bébites. Arrête, plein de bébites. Ah là, moi, je prends l'autre. OK. Est-ce que t'as d'autres choses à lire dessus? Est-ce qu'il y avait d'autres affaires d'écrites? Non, pas particulièrement. Un slogan, quelque chose? Non? Il n'y a pas de slogan. Bon, ben, c'est bien plate, ça. Rien à dire de plus. Gaufrette farcie à la crème noisette enrobée de chocolat au lait. Ça a pas juste la forme, mais aussi la saveur des candeurs. Ben oui, parce que j'en voulais un. Non, ça, j'en ai amené deux. Non, j'ai amené deux de pas mal tout ce qu'il y a dans le sac, en fait. Bon. Pas mal, ouais. Donc, on s'entend que c'est aussi la même saveur que celui-là de Kinder. Là. Ça doit être une imitation qu'on va pouvoir comparer. On a tous déjà goûté à du Bueno pour savoir si ça goûte la même chose, si ça vaut la peine de lâcher parce que c'est moins cher. Mais c'est en gros format. En très longue barre, je dirais deux fois plus longue et peut-être plus large et plus circonférence. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit. Un 20 cm. Toi, t'es allé avec 18. Naturellement, t'as estimé un 18 cm. Ouais. Moi, je t'aurais dit que c'est à peu près 10 pouces. Pas de règle, c'est parce que c'est pas loin d'un sous-marin de 12 pouces. C'est pas un pied, c'est ça, c'est sûr. Et c'est quand même... Mais c'est pas loin. Et c'est quand même assez épais, assez large aussi, donc c'est une bonne dimension. Respectable. Respectable. Mettons. Non. Tu peux pas te sentir gêné. C'est pas respectable, là, ça c'est énorme. Là. Ben, en longueur, pas en circonférence. Je pourrais pas te dire. Tu veux savoir les ingrédients? Oui, s'il te plaît, les ingrédients. Tu veux me priver de comment? Écoute, c'est pas assez large pour moi. Selon l'usage. C'est ça. Dépend de ce que vous en faites, ça a l'air parfaitement convenable. Vas-y, ça. Pas en largeur. Pas en largeur. Si on met des batteries dedans, ça vient. Donc, sucre, poudre de lait entier, beurre de cacao, huile de palme, chocolat non sucré, poudre de cacao, lécithine de soya, poudre de petit lait, amidon de maïs, noisette, farine de blé, sel, arôme et poudre à lever. Je trouve que noisette est assez loin. Poudre à lever, là, c'est la même chose que pour un... Excuse-moi, non, je fallait pas, là, c'est la comparaison. Peut contenir des arachides, des noix, des œufs, des sulfites. Wow! Finalement, ben, je vous ai donné toute ma job dans cette chronique-là. Fait qu'ouvrez le don. Hey, veux-tu savoir c'est quoi la compagnie en Turquie? C'est quoi? C'est Biscotte Biscovi Gidasan Vitek AS. Ben oui. Ah, ben, tout à eux autres, tout à même. Le code barre, 7-1-6-6-5-2-4-1-0-1. Le micro magique t'attend, Steph. Le micro magique. Le numéro de production. OK. On va écouter donc dans le micro magique l'ouverture de cette barre flamme ou flame de Turquie. Est-ce que ça s'ouvre bien? T'es pas supposé faire ma musique? Non, je l'arrête plus à ça. Oh, mais on l'entendra pas. Non, mais je la baisse à la place quand tu l'ouvres. Oh! Hein? C'est pas pire, ça? Elle est belle, hein? C'est moins bossu que je le croyais. Ah, OK, il n'y a pas autant de démarcation entre les bosses, ou... Non. OK. Tu peux ouvrir la tienne sans micro magique. Ouais, ouais. Elle est pétée en deux, fait que... Prends ton bord. Prends ton bord. Pousse et tourne, hein, oui. C'est vrai que j'aurais cru les boss plus rapprochés. C'est vrai que les boss sont séparés et je trouve que l'intérieur a l'air d'une gaufrette. Ça va sûrement être très, très... Ben, c'est ce qui est écrit sur l'emballage. Ah, excuse-moi, je vous l'avais dit deux fois en plus. Je pense que j'avais oublié le mot gaufrette, là, mais je pensais que ça allait être plus... moins barre gaufrée plutôt qu'une gaufrette en tant que... C'est exact, voilà. Est-ce qu'on plonge dedans? Est-ce qu'on la sent en premier? Chocolat au lait, ça sent pas oui, le chocolat noir. Ça sent du chocolat standard. Là. Standard, même pas cheap, là, mais c'est juste. Ça sent vraiment bon. Oui, ça sent bon, moi j'aime bien. Ça sent pas la marque Flame, je trouve. J'ai hâte de goûter au boss. Oui, goûtons au boss. Fait qu'on mange une boss. Bye bye, boss. Ça goûte vraiment pas comme la Bueno. Non, ça goûte vraiment la gaufrette de mon enfance. Vraiment beaucoup. Les gaufrettes cheap. Là. Ça goûte vraiment pas les noisettes. Non. C'est bon, ça goûte sèche. Ouais. Il y a de l'air. J'aime ça, mais c'est... C'est très, très, très, très léger. Oui. Peut-être qu'on s'est fait trop d'attente en disant le parallèle avec... Ouais. Ben oui, mais c'était à eux autres de pas faire pareil. Je pensais qu'il y avait une petite crème de noisette dans la bosse, mais ça a l'air plutôt d'être de l'air. Ouais, moi aussi, je me serais attendu à une petite crème, mais c'est écrit crème de noisette. Et c'est ce qui est important dans le Bueno, c'est la crème de noisette. Mm-hmm. C'est écrit crème de noisette, puis je la vois pas, là. Mm. Je vais essayer de couper la bosse en deux. Moi, je mange le reste pas. Les chocolatiers turcs ne sont pas des chocolatiers suisses de toute évidence. Mais regarde, si on regarde à l'intérieur de la bosse, c'est une petite crème brunâtre chocolatée. Ah. Donc, ça devrait être la crème de noisette. Ils en ont mis le moins possible. Il manque un peu d'onctuosité. Je vais essayer de juste goûter à ça. Ça marche pas. Non, on essaie de gratter le fond comme on essaie de gratter une vitre de char. Puis on réussit pas à casser le mystère de la noisette. Bref. Mais c'est une bonne petite collation. Oui, mais c'est pas cher, c'est genre 2 pour une pièce. C'est une imitation qui ne vaut peut-être pas l'original. Exactement, mais bon. Fallait pas mettre la barre trop haute avec ça. C'est quand même trouvé aux caisses enregistreuses du Canadian Tire. Oui. Donc, Flame, barre de chocolat turc. Si vous avez la donne à tomber dessus, qui sont vraiment pas chers, prenez-en une caisse pareil, c'est bon. Comme petite collation. Une fois de temps en temps, ça remplit un creux quand t'as envie de manger quelque chose de sucré. Oui, ça fait la job quand même. S'il y a de l'attente aux caisses. Voilà. S'il y a de l'attente aux caisses, mangez-la, puis montrez-leur l'emballage, puis ils vont te le charger après. Ça se fait, ça vous avez le droit, ça vous appartient. Ah, ma mère faisait ça quand on était jeune. On mangeait de quoi dans l'épicerie, puis elle donnait l'emballage. Vide à la caisse. Si t'es honnête et que tu donnes l'emballage, oui, c'est ouais. Il y en a qui vont manger un fruit puis ils vont le jeter dans la poubelle puis ils l'auront pas payé. Mais c'est ça, faites attention, manger des raisins ça marche pas puis c'est payé au poids. Tout à fait. Tout à fait, on vous encourage pas à commettre des crimes quand même. Donc on a mangé, c'est-à-dire que c'est le moment de parler de nouvelles de fast-food de partout dans le monde. Fast-food ou nourriture en général, je devrais plus dire. Si c'est une bière, India Pale Ale, une IPA, qui promet de vous rendre plus créatif. Ah, ça a l'air bizarre. Il n'y a pas juste à avoir de la bière là-dedans, là, Mathieu. C'est Jennifer Wiley de l'Université de l'Illinois à Chicago qui a appris que juste être un petit peu semi-pompette va t'aider à être plus créatif dans ton emploi ou peu importe ce que tu as à faire. En fait, elle a découvert que le chiffre magique est 0,075, juste en dessous de la limite légale. Ton cerveau est un petit peu plus actif à ce moment-là et t'es pas encore sous, t'es pas encore déconcentré par l'alcool. T'es juste un peu désinhibé. Juste un petit peu, c'est ça, ça te enlève un petit peu d'inhibition. Donc ça s'appelle Problem Solver. C'est l'agence Crispin Porter & Bogoski de Copenhagen et Rocky Brewing qui ont concocté une bouteille de bière qui vous aide à vous rendre exactement à ce niveau-là de soûlerie. tout en... Ben, c'est relatif, on s'entend, chaque personne ne va pas l'atteindre de la même façon. Là. C'est exact, mais c'est une bière très, très, très, très faible, donc pour vous enlever vos inhibitions. Et puis ça vous donne un petit boost, nous dit-on, pour résoudre vos problèmes. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Problem Solver. Et t'as un index à l'arrière de la bouteille. Ils ont coupé un doigt. C'est ça, ils ont coupé un doigt, ils ont collé à l'arrière de la bouteille. Non, c'est pas vrai. Ils ont mis un index à l'arrière de la bouteille pour vous aider à voir exactement combien vous devriez boire par rapport à votre grandeur et votre poids. Ah, c'est ça qu'on cherchait comme solution à ce problème-là de poids et de grandeur. Donc si vous voulez. Mais c'est ça, je veux dire, ça s'appelle le résolveur de problèmes. C'est ça. Faut pas en causer d'autres. Là. Ben non, exactement. Donc, c'est un problem solver, vous pouvez les retrouver sur Internet via leur groupe Facebook. Donc, quelqu'un d'alcoolique pourrait prendre ça, ça réglerait tous ses problèmes. Et voilà. Non. Et voilà. Ouais. Mais ça chiffre quel pourcentage, cette bière-là? Est-ce que c'est, 0,075. Ok, non, la bière en tant que telle. Ouais, non, 2,1, je crois. Ok, parfait, je l'ai pas vu. Mais c'est une India Pale Ale, donc il faut aimer les bières houblonnées. J'imagine qu'elle doit être houblonnée. Il y a un mot pour ça. Ouais, houblonnée. Houblonnée, je pense. Houblonnée, houblonnée, houblonnée, blada. Mais elle doit être quand même savoureuse, j'imagine. Ah, ça doit. Et la bouteille est très, très foncée. Je pense que la bouteille elle-même est noire, donc la bière à l'intérieur, la couleur de la bière ne paraît pas. Voilà. Ensuite, apparemment qu'il y a un manque de frites au Japon chez McDonald's. Un manque de frites, genre une pénurie ou... Une pénurie de frites. Parce que moi, je trouve que probablement que les frites les plus attirantes dans la vie pour moi sont celles de chez McDonald's. Je pense que bien des gens seraient d'accord à dire que c'est des frites irrésistibles. Donc, si vous vivez au Japon, il y a une terrible nouvelle en ce moment. Il y a une dispute chez les travailleurs, donc il y a une labor dispute. Ce qui veut dire... bref, il y a une grève aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'il y a un manque de frites à envoyer au Japon. Ah. Si c'est ce que j'en comprends bien, c'est ça. Voilà. Donc, un manque de frites, c'est triste comme ça. Ils ne vendent que des petits formats de frites. McDonald's au Japon à cause de ce manque de patates. Horrible. Bon, mais t'en achètes 4-5. Donc, là, le Japon a pensé nationaliser la frite, c'est ça? Non. Privatiser tout ça. Ils vendent seulement des petits formats, c'est-à-dire les sacs de papier. Tu sais, ça existe encore, même ici. On les voit jamais passer, mais le format petit de frite, c'est un sac de papier. Ça existe au Japon et c'est tout ce qu'ils vendent en ce moment. Format joyeux festin. Exactement. Et j'imagine qu'ils doivent vendre seulement une quantité limitée par client. J'imagine qu'il y a un nombre de sacs de frites limités. J'imagine parce que sinon, ça change pas grand-chose. Mais les portions doivent être plus petites en général, je crois. Je sais pas dans ça. Les pays asiatiques, ce qui nous précise dans l'article, en tout cas, c'est que les repas qui normalement viennent avec une frite moyenne coûtent 50 yens de moins, étant donné qu'ils donnent une petite frite. D'accord. Donc j'imagine que au moins on a pour notre argent, on se fait pas avoir. Ensuite, il y a une nouvelle boisson au Brésil qui s'appelle Pepsi Infinity. Drinkfinity. J'ai mal lu le mot. C'est une eau fruitée, seulement disponible sur les magasins en ligne. Donc PepsiCo essaie les eaux fruitées maintenant. Ah, ok, c'est Pepsi qui fait ça. Oui, c'est développé au Brésil. C'est seulement disponible là-bas pour l'instant. La compagnie Pepsi appelle ça un nouveau produit qui est un système d'hydratation portatif et personnel. Donc, le système... C'est une bouteille? Non, ben c'est plus que juste une bouteille. C'est des pods, des petites capsules qui sont insérées dans une bouteille réutilisable remplie d'eau et ensuite squeezées. Vous comprenez le principe? Donc, on squeeze la capsule dans la bouteille qui est faite pour ça. Mais ça existe déjà? On a déjà vu avec de la poudre, entre autres. On avait même déjà goûté à la chronique. C'était de la cochonnerie. C'était on n'était pas capable de vider... C'est comme un Tassimo, mais à saveur pour eau. Là. Genre, mais je crois que ça, c'est du liquide. Donc, ça pourrait fonctionner mieux que de la poudre. Nous, c'était des bouteilles d'eau avec... c'était pas kombucha. C'était-tu l'affaire des kombucha, ça? Ben non. Non, ça, c'était deux autres affaires différentes, ouais. Ça. Mais bref, c'est de la petite poudre, là, tu brassais la bouteille après, puis c'était pas le fun. C'était pas... pas gagnant. Donc, Drinkfinity, disponible au Brésil sur un magasin en ligne qui offre un kit d'accueil, donc un kit de démarrage à 34$. C'est le contenant d'eau et deux paquets de 10 capsules dans un choix de 5 saveurs différentes. Entre autres, fruits du dragon, c'est ça qu'on dit en français, et ananas. Pitaya et ananas, ensemble. Il n'y a pas gumballon, maudit. Il n'y a pas gumballon. C'est pas un fruit, ça. T'as pomme et guarana, et t'as des refills de capsules pour 5,60$ pour 5 capsules de remplissage. Évidemment, vous utilisez votre propre eau. Donc, évidemment, encore une fois, le mot évidemment, mais si vous utilisez votre propre eau et que vous avez de l'eau qui est bien remplie de chlore ou n'importe quelle autre affaire dedans, peut-être que ça va changer un petit peu la saveur. Mais là, honnêtement, moi, je prendrais ma propre bouteille et je ferais juste acheter des refills, là, que t'as juste à squeezer dans ta bouteille, non? probablement que ça c'est, se fait. C'est quand même 34$. Ouais, j'imagine. Le site avertit en portugais qui viennent de lancer ça, que leur stock est limité pour l'instant, donc dépêchez-vous pour avoir votre kit de façon garantie. Oh, oh, oh. Ça m'étonne que t'en aies pas déjà commandé. Ah oh, oui, en effet. Non, j'ai hâte de voir si ça va se rendre ailleurs que dans le Brésil. T'en commandes pas. Ben, on pourrait. Pour être le fun. Comment? Pour être le fun. Bref, nouvelle catégorie de produits pour Pepsi. Pas game? Ah ben là, attends un peu. On regarde le lien de côté pour l'entendre. Attends, je viens de comprendre. C'est parce que sur la bouteille, je sais pas si t'as regardé la vidéo, là. Non, juste la photo. Mais c'est sûr, c'est parce que le petit truc blanc autour de la bouteille, tu dois mettre ta petite capsule et tu refermes le couvercle et ça va soi-même squeezer. Percer un peu comme ça. Un Keurig, si on c'est veut. C'est ça, donc je pense qu'on a vraiment besoin du... Okay. Je regarde la vidéo en ce moment. Je pense qu'on a vraiment besoin du petit couvercle pour squeezer un peu, justement, comme Keurig. Là. Mais sûrement que si tu cherches à me demander sur Internet, il va y avoir une solution à ce problème-là, peut-être de l'ouvrir d'une autre façon avec un outil quelconque, j'imagine. Mais pour l'instant, la bouteille est nécessaire. C'est une bébelle. C'est une belle bébelle, par contre. J'en veux une! Ah! On saute ensuite au beurre d'arachide avec brisure de chocolat à l'intérieur. Oh! Tassez le Nutella, il y a un nouveau meilleur produit ever en ville. Et wow. C'est du beurre d'arachide aux brisures de chocolat quand vous voulez vraiment, vraiment prendre quelque chose de très, très, très sucré, avoir un orgasme buccal. Ça coûte $14.85, c'est par la compagnie PB Crave. Eux qui ont tout plein de saveurs de beurre d'arachide différents. Ça, c'est en plus, ça s'appelle premièrement PB Crave Cookie Nookie Peanut Butter. Avec miel sauvage, brisure de chocolat et... Non, pas de la pâte à biscuits. De la pâte à biscuits, tu l'as vu venir, hein? Mais là, OK, non, ça, on en commande, par exemple. La pâte à biscuits sur tes toasts. Tu m'en parles, non, puis non, je joue la bouche. Non, tu manges à cuillère, tu mets ça sur ta crème glacée. Hey, combien de jours tu penses que ça fait un pot de même, toi? 30 minutes. 30 minutes. 0,075 jours. Ouais. Pour 100 jours. non, mais... Hey, oh, puis ça donne des mouth gas. Oui, des mouth gas. C'est ça que j'ai dit, orgasme buccal, tantôt, c'est un peu comme le traduire. On en commande? Oui. Ça, on en commande pour vrai. On en commande. Ah, je vais attendre de vider ma carte de crédit, ça paye aujourd'hui. Alors, on commande 7 piastres chaque. Laurent, t'embarques? J'embarque, j'en veux un pot. Dorénavant, je pense qu'il va vouloir être là à chaque chronique, Laurent. Ah, c'est mon deuxième, là. En fait, c'est même pas le jeudi, cette chronique-là. Ouais. C'est mercredi, d'habitude. On devrait changer de jour de poste. C'était la fois que j'avais été un mercredi un moment donné. On change de poste d'écoute au mercredi puis on finit la semaine avec ça. Je te fais pas si tu veux. Je suis d'accord. On continue avec. On va au Japon, on retourne au Japon en fait. Avec des collations japonaises amenées directement à votre porte. Vous savez, le Japon, c'est un endroit où on retrouve tous les produits les plus bizarres. On mange des affaires particulières. On peut les retrouver sur eBay, même que je pense. Des chips aux crevettes. T'en as déjà commandé sur eBay. Oui. Donc, si vous avez déjà voulu mettre la main sur des collations bizarres provenant du Japon, vous avez maintenant une chance avec Japan Crate. Non, oui. Tu me niaises. Je te jure. On vient de s'abonner, Steph et moi, à Loot Crate pour pouvoir l'ouvrir en onde. Loot Crate? Loot Crate, c'est des gadgets geeky. Okay. En bois qui sont livrés à ta maison. Faut qu'on avoue qu'on a ouvert la première chez vous. C'est le nouveau concept de une boîte auquel tu peux t'abonner là, puis t'envoies plein de choses. Il y en a plein de ça. Ça en est un autre, donc c'est Japan Crate qui va vous envoyer chaque mois un amalgame, une ribambelle, une galerie de drôles de choses à manger. Des collations, entre autres des bonbons, des croustilles, des boissons. Le seul désavantage, en fait, nous dit l'article ici, c'est qu'apparemment les affaires sont jetées dans une boîte, exemple qui est c'est ça, il y a des affaires qui étaient faites aux États-Unis dans la boîte. Dans l'exemple qu'on a ici, il y avait des affaires américaines. Donc, évidemment, américain ne veut pas dire qu'on a ça au Québec ou au Canada, donc ça ne dérangerait pas ben. Et il y a des affaires qui sont à saveur de poisson, pour ceux qui n'aiment pas le poisson. Donc, peut-être faire comme nous et l'acheter à deux et vous séparer les affaires par rapport à ce qui vous intéresse. Mais malgré que ça se mange, ça se partage plus facilement qu'une figurine du Joker, par exemple. Mettons, c'est ça. Ou un ensemble d'autocollants de Tetris, mettons. Ça se partage. Ça se partage bien même. Ouais. Donc, à chaque mois, il y a une nouvelle boîte. Et donc, vous n'allez jamais recevoir la même affaire deux fois. C'est premium. Comme toujours, ces boîtes-là, c'est toujours de luxe. Donc, ça va vous coûter $30 par mois. Et la boîte comprend deux livres. On parle de livres de poids, de cossin. J'espère. Je vais pas lire, là, je vais manger. Et si vous voulez y aller un petit peu cheap, vous pouvez avoir moins de cossin et une facture moins élevée avec une demi-livre pour $12 par mois. Donc c'est moins que la moitié, c'est le quart en fait, parce que c'est deux livres plus une demi-livre. Mais tu payes plus cher ta demi-livre. Tu payes plus cher que ce que ça devrait. On se fera pas avoir. Et le plan, donc $12 pour une demi-livre, $25 pour une livre et pour seulement $5 de plus, t'as deux livres, tu doubles. Écoute. Faut que tu sois maillé pour prendre le plan à une livre pour 5 piastres. Tu prends 2 livres de bouffe, tu doubles aussi. Ouais, c'est un peu attends. Comment? Si tu prends 2 livres de bouffe, c'est toi qui double. Toi qui double le poids de ouais! ton. Oh! Mais tu prends pas nécessairement 2 livres. Non. Je fais des fois. Mais si tu manges les 2 livres, littéralement, t'as 2 livres de plus dans ton ventre. Uh-huh. Ouais, mais il en envoie pas de livres. Ah, là, je suis tout, les emballages sont lourds. Là. C'est lourd comme discussion. et finalement, on termine avec... vous avez sûrement entendu parler à Montréal du café avec des chats, le café internet avec des chats. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Ouais, ouais. Je me rappelle pas du nom, là, mais c'est le café... Le chat café, il y a un nom pour ça. Ouais, c'est, je sais pas si c'est populaire, mais ça fait les médias. Ça doit être un chafé. Non, café chat... Le café chat, ah oui, ah! J'avais oublié le nom! C'est le café chaleureux. Oh! Ah! Non, ça je n'approuve pas ce jeu de mots-là. C'est, même moi, ça, j'aurais pas fait ce jeu de mots-là. Même moi, j'aurais jamais fait ça. Donc, le café chaleureux à Montréal, vous le connaissez, je vous en parlerai même pas, vous irez voir sur Facebook, mais là on parle de café japonais avec des hiboux domestiqués, vous autres. Non, ça c'est pas correct. C'est le Feather Tea. Feather Tea ou encore le Fukuro no Mise, c'est un café à Tsukishima au Japon avec un paquet de hiboux domestiqués avec lesquels on peut interagir. Donc tu peux en avoir un qui s'assoit sur ton épaule, prendre des photos avec eux. C'est extrêmement populaire. As-tu un permis de zoo pour ça? Un permis de zoo? Ouais, spécial. On dirait un plat genre, je vais prendre un tiramisu, je vais prendre un permis de zoo. S'il te plaît, je vais prendre un permis de zoo grillé au four. Donc voilà, vous devez vous mettre en queue, en file, en ligne pour ouvrir, pour vous présenter avant l'ouverture parce que c'est tellement populaire, ça coûte 17$ pour se présenter là. Ensuite tu reviens à l'heure qu'on te dit et puis là tu peux niaiser avec des hiboux pendant jusqu'à 1 heure. Tu vas pouvoir choisir ton hibou. Magnifique, tu vas te croire dans Harry Potter. C'est comme si le jardin botanique là, avec Papillon en liberté offrait le café à l'intérieur. Tu sais, ben c'est pour vrai là, avec le café chaleureux, il pourrait faire ça dans les zoos, puis ça aurait du succès, ouais, je suis mais, sûr. Mais, pensez-y bien. Non, mais je suis pas d'accord moi avec ça. Ces animaux-là, là, ils ont pas envie de se faire taponner à tout bout de champ. Là, je veux dire, il y a personne qui respecte leur liberté, puis. C'est des animaux sauvages. C'est des animaux nocturnes aussi. Ah, ça c'est vrai par exemple. Mais je sais pas, moi, en tant que hibou, j'aimerais ça avoir une raison d'être puis une cause. Non, je m'excuse là. En tant que hibou, t'as pas de cette conscience là. En tant que hibou, tu veux vivre ta vie de hibou puis t'as pas envie de te faire taponner par des inconnus. Un statement de ça hibou, reste là. Des menaces là. Ouais, moi, je pense pas que c'est domestiqué dans le sens que on y a pas fait comprendre que les personnes sont gentilles. On l'a habitué à endurer les personnes qui le taponnent. C'est vrai. Et en plus, ces hiboulis sont pas payés. Hein. C'est de l'esclavage en plus. En plus. Pas pensé à ça. Hein. Mais non, mais ils doivent les nourrir. Oui, j'imagine. Loger, nourrir, ça compte pour une paye. Ils ont droit à un thé. Ils leur donnent du vin, ils leur donnent du café, ça. C'est ça. Ah, c'est ça, les grands yeux. On est sur la même blague. Laurent, je t'ai volé ta blague. Ben, c'est des choses qui arrivent. Hein. On commence à trop connecter, à faire des mêmes jokes plates. C'est de même. Hey, imagine, tu vivras plus cette chronique-là nécessairement jeudi, à part les semaines où on n'aura pas le temps de faire... T'as pas dit que tu voulais switcher? Non, mais je parlais en l'air. Je vais consulter mon équipe, je vais pas décider ça tout seul. Hein? Consultez-vous. C'est ça. Merci. Je t'ai répondu. J'ai dit je m'entorche. M'entorche comme toujours! Bref, c'est la phrase clé. Laurent, toi, t'as pas de phrase clé encore? Fallait t'en trouver une? Lui, c'est... vous avez chacun votre phrase clé. Il y a le « je m'entorche » et le... Moi, c'est quoi? C'est pas scatologie. Là, moi, scatologie. Moi, c'est j'ai une grosse graine. C'est ça. Toi, ça. C'est check mon pantalon. Check mon pantalon. Ben, je vais essayer de me trouver quelque chose de plus poli. Ok, c'est bon. Moi, c'est vrai que on n'a pas de classe. Vraiment. En fait, c'est toi qui m'as imposé cette phrase-là parce que je le dis pas vraiment. Elle a dit une fois sans faire exprès en ondes, je m'entorche, tu sais. Mais elle le dit dans la vie de tous les jours. En ondes, elle essayait de dire je m'en sers. Mais je le dis pas tant que ça dans la vie de tous les jours. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est ça. Fait que moi, je l'amenais en ondes, dorénavant, c'est sa phrase. Mais je le dis pas tant que ça en ondes, là, je le dis. Je dois l'avoir dit une ou deux fois parce que je trouvais ça cocasse. Par semaine, moi, à peu près. Non, ça m'a marqué. Ça m'a juste marqué. Ça m'a marqué parce que je trouvais ça beau. Je trouvais ça drôle. Beau! Non, mais c'est que j'aime ça, moi, donner des personnalités aux gens qui veulent pas avoir. C'est comme, mettons, pendant un bout, Steph, c'était la Soulonne gaspésienne. Mais là, je suis mormone, fait que je peux plus voir. Et rendu mormone, sa religion ne permet pas. Jean-Philippe Charbonneau des Palmarès, c'est fou. Lui, c'est le gourmand, les ailes de poulet tout le temps. Donc, il était en train de manger des ailes de poulet, puis c'est chez lui. Celebration good time, comment? Celebration good time, comment? Fait que bref, je donne des personnalités aux gens qu'ils le veulent ou non. Ah, ok, c'est personnalité imposée. C'est ça, mais c'est du théâtre, c'est de l'improvisation. Faut donner des caricatures. C'est comme si on était dans Symphorien. Faut que chaque personnage a sa caractéristique. Ok. C'est qui le straight man dans votre équipe? Puis le... D'habitude, c'est supposé être moi. Ok, je pense.

retour, c'est la troisième heure d'une grosse pointe à l'adresse de cette émission précise avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Toujours sur le bord du feu, comme ça. Ben oui. On toujours très ça. Relax, c'est le temps des fêtes. Moi, j'ai café à la main. Okay. Ah. C'est ça l'odeur. Ok, je me demandais c'était quoi. C'est ça. Bref, dans cette troisième heure, on va goûter à des Jelly Beans. Ah, pour vrai? Oui, ben en fait, de la gomme aux Jelly Beans. De la gomme aux Jelly Beans? Ça fait festif un peu, pour c'est vrai? Très coloré. De la gomme aux ben Jelly Beans. Ça doit être bon. Ouais. En fait, j'ai comme un doute. T'as un doute? Moi aussi, j'ai des doutes. Ouais. On va entendre ça dans quelques instants, puis plus tard, des craquelins. Ah, un classique, ça aussi. Craquelins, tu manges ça à l'année. Ben, t'en as tout à besoin. T'sais. Comme le slogan, je craque pour les craquelins. Je craque pour les craquelins. Mais pour l'instant, des Jelly Beans. C'est pas mal l'endroit où on se met quelque chose dans la bouche, peu importe ouais. ce que c'est. Oui! Et c'est ah. pas une chronique de sexe. Ah! Ah, c'est ouais, fait qu'on l'a fait, on l'a fait pareil? Non, mais c'est relatif. C'est ça. Je veux dire, tu peux virer ça comme tu veux. N'importe quand. Voici une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse! C'est une grosse pointe d'adresse, la chronique dans laquelle on parle de fast-food et en plus on goûte un produit acheté dans le commerce, que ce soit un dépanneur, une épicerie, quelque chose de pas cher, quelque chose qui vaut la peine d'être mis dans notre bouche parce qu'on l'a jamais essayé encore ou parce que ça nous intrigue, peut-être. Parce qu'on l'a pas essayé. Parce qu'on l'a pas essayé. Dans le fond, c'est pas mal tout parce qu'on l'a pas essayé. T'sais. Ben oui, c'est ça. C'est pas mal sinon, on s'en sacre. On s'en sacre, on n'en parle pas. C'est ça. On passe à autre chose. Donc, je vais aller dans mon sac trouver l'article magique d'aujourd'hui. Attention, est-ce écoute, que tu veux deviner ce mais que non, mais pendant que tu cherches, moi, j'aurais quelque chose à te raconter. Vas-y donc, va. Tu sais, toi et moi, on regarde souvent des produits américains, puis on se dit, ah, Colin, pourquoi ils font pas ça au Canada? Puis là, on va voir sur eBay, voir si on va pas acheter des affaires, puis là, est-ce que ça nous tente? Eh bien, j'ai vu l'inverse hier sur Facebook. C'est une Américaine qui tripe sur les produits canadiens, qui est frustrée de pas les avoir, et elle a montré une caisse de bouffe canadienne qu'elle a achetée. Mais c'est toute la malbouffe, là. J'en veux. C'est vraiment très drôle, genre des Lay's au ketchup. Ben, j'allais le dire. C'est ça, puis elle a capote sur les Lay's au ketchup. C'est une c'était une grosse boîte pleine de cochonneries. Il y avait un gros sac de Smarties aussi. Ah, cool, les vrais Smarties, oh, pas ouais. les roquettes, là. Non, c'est ça, justement. Il y a une fille qui avait posté une photo de roquettes. Non. Des Smarties, puis c'est fun. Il y a la grosse photo de la boîte pleine de cochonneries. J'ai trouvé ça très, très drôle. C'est qu'elle, elle sait pas que c'est pas bon, les Smarties canadiens, tu sais. Elle pense que c'est bon parce que, tu sais, tout le monde en parle au Canada, tu sais. Mais moi, je trouve ça mauvais, des Smarties. Ah, moi aussi, je préfère les mêmes. Bon. Mais tu sais, t'en as pas, t'en veux. C'est exactement ça, le gazon est toujours plus vert de l'autre bord. Voilà. Aujourd'hui, on goûte à quelque chose qui m'a intrigué. J'étais dans une grande surface récemment, un grand centre d'achat, et j'ai vu des tridents à la fève en gelée au Jelly Bean. La gomme au Jelly Bean. C'est bizarre, hein? C'est intriguant, hein? Ben là, vraiment? Série limitée, donc il n'y avait pas en paquet seul, lorsque je l'ai pas vu. Je l'ai pris en paquet de 3 ben oui. paquets de gomme. Mais tu sais, je suis pas un grand fervent amateur de gomme. J'ai même rarement mangé de la gomme. Disons que ça fait plusieurs, probablement, années que j'ai pas mangé une gomme. Ben, je te dirais que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Mais à un moment donné, je peux pas parce que j'ai beaucoup mal dans mon mâchoire. Ouais. Donc, si je mange de la gomme à long terme, ça me fait trop mal. Là. Ouais. Ben, c'est pour ça que j'ai comme un peu arrêté je te comprends, la gomme, là. Mais j'aime ça. De l'autre côté, moi, c'est quand je mange, en général, je me mords les joues de toute façon. Fait que imagine si en plus je mangeais de la gomme, j'aurais des plaies saignantes. Donc, c'est les tridents Layers. Tu connais le principe des Layers. Ils ont plusieurs calques, plusieurs couches de couleurs. Donc, ici, d'où le nom. Ici, on voit du rose à l'extérieur et en sandwich avec du vert à l'intérieur. On dirait un sandwich rétroactif féminin. Genre. Rétroactif. Radioactif. Ok, me semblait aussi. Ça avait pas vraiment de sens. Hein. C'est une gomme sans sucre. Uh-huh. Avec 3 fois 14 morceaux. Donc, c'est des paquets de 14 gommes, c'est ce que ça veut dire? Ils réduisent le nombre de gommes, me semble, par paquet plus ça avance. Ça ressemble à ça. J'ai hâte de voir si c'est un paquet de cigarettes. C'est rendu que toutes les gommes sont en paquet de cigarettes, même les Juicy Fruit. Là, donc, ça n'a aucun sens, tout ça. C'est évidemment sans sucre, donc on va peut-être goûter à l'acésulfame potassium, le sucralose, aspartame, mannitol, sorbitol et maltitol. Il y a tout ça en même temps. On dirait des membres des Jackson 5. Tu sais, maltitol, sorbitol, tito, puis... c'est par Mondelez International, tu les connais, c'est la compagnie de Kraft, je pense, Mondelez, c'est leur version, bref. Ou ça, c'est eux autres qui font les tridents. Ouais, ben en général, c'est pas mal eux autres qui font les tridents, ouais. Parce que que c'est des tridents qu'on... C'était sarcastique, c'est ça. C'est drôle. Donc, base de gomme, maltitol, sirop de maltitol, sorbitol, talc, mannitol, un paquet d'affaires qui finissent par tol. J'ai hâte de voir si on va tolérer cette gomme. Tridentgum.ca, c'est leur site web. On va ouvrir le paquet qui est bon jusqu'en octobre 2015 dans le micro magique. Tu trouves pas que les couleurs font très Pâques? Oui, c'est vrai que c'est Pâques. Ça fait, oui. Lapin de Pâques, regarde en haut, surtout la bordure avec des œufs colorés. Ouais, mais non, c'est pas des œufs, c'est des jelly beans. Excuse-moi, t'as raison, c'est des jelly beans. Mais tu sais, c'est jaune, rose, vert, avec l'emballage blanc en général. Ça fait vraiment très Pâques. Ça manque de petits lapins comme mascotte. Là, ça aurait fait un peu over Pâques. Mais j'aime ça, Pâques, à cause des Easter eggs, des Cadbury. Il y en a à l'année. Ouais, mais à peu près peut-être 8-9 mois par année. Mais c'est quand il n'y en a pas que tu t'en ennuies. Non, mais les mini-eggs, là, t'en as à l'année. Pas pareil. Ils le disent à l'année. Mais c'est le meilleur. Non. Les gros, c'est meilleur. OK, on ouvre les tridents. Oh, c'est des boîtes! Donc, c'est en paquet de cigarettes. En paquet de cigarettes, le donc, classique. Donc là, j'ai enlevé le gros emballage de 3. Maintenant, je vais ouvrir... Oh! Ça sent? Ça sent à travers. J'ai hâte. Tu sais comment j'aime les jelly beans. Ça sent la gomme balloon, je te dirais. Ah, yeah. Il y a de l'espoir pour ça. Maintenant, je vais essayer. Il n'y a pas de petite languette? Oui, OK. Bon, j'ai vu qu'il y a une languette. Maintenant, il suffit de trouver où elle commence. Et... Ça, je peux pas croire que ça n'a pas été amélioré, la formule. C'est comme les CD. Tu peux pas ouvrir ça. Qui achète des CD? Qui achète de la gomme? Hein, c'est tout en... douceur et subtilité. C'est de l'art, le déballage. C'est beau. Oh, ça sent... Ça sent les Juicy Fruit. OK. En fait. Parfait. Faites bien honnête, ça sent les Juicy Fruit. Je le sens un peu jusqu'ici. Ça sent intensément les Juicy Fruit, en fait. Faut que donc, tu nous ouvres la gomme dans le micro magique aussi. Donc oui, c'est vraiment un petit paquet de cigarettes. J'aime pas ça non plus. Ils sont collés dedans. C'est pas le fun. Il y a personne qui aime ça. Et puis là, toutes les compagnies le font. Toutes les compagnies font ça. Puis je comprends pas l'intérêt. Il me tape ses nerfs. J'ai réussi à en avoir un. C'était parfait avant, comme c'était les emballages de gomme. Ça avait pas besoin d'être de même. Je sais pas si ça doit coûter moins cher, mais en tout cas. Avec la petite languette dedans, puis ça devient tout sale, puis c'est dégueulasse dans sa coche, hein. Dans sa coche. En tout cas. Pas de sa coche. Moi, j'en ouvre. Moi, c'est rare, ben gros, que je prends moins de 2 gommes. C'est normal, mais ça revient cher. Ouais, non, je sais bien, mais j'en mange jamais, fait que c'est pas grave. Donc, je vais ouvrir le paquet, mini paquet dans le micro magique. Allons-y, on écoute ça. C'était cute, ça. Sans ça, ça sent la juice fruit. C'est vrai. C'est fruité, mais tu trouves pas un peu arrière-senteur, je pense qu'on peut dire arrière-goût, j'imagine arrière-senteur, de plastique un peu, mais c'est sûrement le papier d'emballage. Non. Mais il me semble que... C'est pas du plastique, c'est du papier d'aluminium. On y goûte-tu? Ouais. Let's go, là. Je suis pas patient. OK, oui, attends un peu. Ben, je vais ouvrir les deux en même temps pour pouvoir mettre les deux dans la bouche. Ça va être encore plus représentatif. Fais-toi des dents de lapin. Ça va faire pâte. Des dents de lapin. Tu me prends en photo pour le Facebook? Non, ouais, avec temps. Quoi? Ah. Les dents en même temps. Go! Tu vois, je me suis mordu à la lèvre. Tout en même. Ouais. Pardon. C'est vraiment synthétique, hein? C'est surette à mort. C'est vrai que c'est pas supposé être surette. Ah! Le petit dingue joue, là. Ça m'a serré les joues. Mais c'est pas des gommes surette. C'est au Jelly Bean. Ça goûte zéro les jelly beans. 0-0-0. Il n'y a aucun jelly bean là-dedans. Ben, peut-être que tu mélanges toutes les saveurs de jelly bean en même temps, ensemble, dans une poignée, ça fait brun. Ça fait brun, peut-être que ça goûte ça. Mais on veut goûter une sorte de jelly bean. Ben oui. Moi, je sais que j'y mange en couleur. Je fais de la ségrégation des jelly beans. Ben oui, moi aussi. Mais ça goûte pas du tout les jelly beans. Pardon. C'est bon. Ben. Mais tu sais, trident, ça dure 3 secondes la saveur. Ben c'est ça, ils veulent tellement que la saveur dure longtemps. Il y a mettre super intense, parce qu'au début, c'est désagréable. J'ai fait 2 clins d'œil de surettitude. De surettitude, c'est bon, ça. De surettitude. T'as besoin de la surettitude. Yo! Bon. Mais c'est vraiment raté, pour vrai. Pour ce que c'est supposé être. Là. C'est comme une Juicy Fruit boostée. Là. Un peu. Tu sais, s'il l'avait appelé genre, je sais pas, carnaval de couleurs, tu sais, genre. C'est peu importe. Parce que c'est ce que c'est. C'est un peu n'importe quel saveur. Hier, on a parlé dans C'est un fait. Steph, je te mets au courant. On a parlé d'une sorte de suçon. Et le but, c'était que c'était un suçon mystère. Et on a découvert récemment que la saveur mystère, c'était quand ils font des suçons de différentes saveurs, ils les font dans la même machine. Mm-hmm. Donc, entre deux batchs, t'as un genre d'entre-deux de saveurs, de mélange entre la saveur d'avant et la saveur d'après. Et la saveur mystère, c'est le mélange des deux. Hein? C'est vraiment hard, là. Bizarre. Mais j'en veux, tu sais. Ouais. J'en veux, mais j'en aurai jamais. Tu fais-tu des bulles? Ouais, mais par Amda. Je suis pas capable de faire ça. J'ai fait par Amda. Ça te pète pas dans la face. La saveur est encore là, faut le dire. Oui, dans, la saveur est encore ça là. Ça fait au moins 2 minutes, puis elle est encore là. D'habitude, normalement, tu sais, on pourrait finir notre bouchée, passer à autre chose. Mm. Mais si je veux pouvoir faire une chronique, il va falloir que je l'enlève de ma bouche. Je pourrais même te faire un bateau avec l'emballage en papier d'aluminium. Vas-y. Ah ben non, je peux pas. C'est arraché vu qu'il était collé dans le fond du paquet de cigarettes. Il n'y a aucun avantage aux emballages cigarettes. Aucun avantage. Bon, donc c'est un échec un peu, même si on les trouve bonnes quand même, mais procurez-les-vous pas si c'est pour goûter au Jelly Bean, parce que c'est pas le cas. Non, c'est ça. Alors, on va parler de nouvelles de fast-food maintenant, comme on aime le faire dans cette chronique-là. C'est en fait, je pense, en mon bout, encore plus que je préfère. Mais en fait, je sais pas, ex-aequo, là, mais je les aime bien gros les deux. On commence avec des chocolats designer qui vont permettre de goûter la définition d'un mot japonais. Hein? Ça a l'air bizarre d'une même, hein? Un petit peu, hein? Mais le langage japonais a toute une catégorie de mots pour décrire des images sensorielles spécifiques, nous dit-on. Donc, de quoi quelque chose a l'air, comment ça bouge, comment ça sonne, comment ça goûte, comment on se sent. Par exemple, biribiri qui peut décrire plusieurs images reliées comme la sensation d'électricité, un bourdonnement, un genre de buzz. La sensation de petites aiguilles que t'as quand tes bras s'endorment, les fourmis, mettons, mm-hmm. ou les jambes. T'as le mot gan-gan, qui peut représenter cogner sur un plancher ou encore un gros mal de tête. Pachi-pachi, qui peut représenter le crépitement d'un feu. Le son des billes sur un abacus, le truc de, pour calculer, là, avec les billes, pour comme lancer de la calculatrice, là, un abacus. J'ai aucune idée. Cette affaire-là, là, pour un compter. Un boulier, c'est exactement le mot que je cherchais. Ou un clignement des yeux rapide, donc ça peut représenter tout ça avec patchy-patchy. Donc, il y a plusieurs mots aussi qui peuvent décrire des textures. Et maintenant, une firme de design japonaise, Nendo, a créé une boîte de chocolat pour vous faire goûter à ces émotions-là. Par exemple, tu as le Tsubu, qui est genre de granule. C'est comme des gouttes individuelles. Tu as le Subi-Subi, qui est soyeux et poli. Toji-Toji, qui est piquant. Zara-Zara, qui est une surface irrégulière. Goro-Goro, qui est des roches qui tombent ou qui roulent, qui se claquent les unes contre les autres. Fouafoua, qui est rempli d'air, tout fluffy. C'est vrai que ça fait fluffy, hein? Fouafoua. Fouafoua. Poki-Poki, qui est le son de bâtons ensemble, qui se cognent ensemble, ou des choses minces qui casseraient en deux. Donc, ça fait un genre de petit pop, step and pop. Suka-Suka, un espace vide. Zaku-Zaku, qui est croquant, granuleux, granulaire, un peu comme marcher sur de la gravelle. Donc, ces chocolats ont été créés pour un trade show qui s'appelle Maison et Objets à Paris. Et vous pouviez vous les procurer à ce moment-là. Selon le blog de design japonais Spoon & Tamago, seulement 400 ensembles avaient été fabriqués. Et vous pouvez regarder les chocolats dans leur belle petite boîte sur le site de Nendo, nendo.jp, mais le lien est sur assemblagerequis.com. Mais c'est des chocolats pour goûter des textures. Tu vois, les chocolats ont tous une texture. C'est pas le goût, mais la texture du chocolat. Par exemple, bon, il y a un petit bloc avec des alvéoles, si on veut, dedans. Oui, on dirait vraiment qu'il va sortir du miel de là. Genre, t'en as un qui est complètement comme un porc-épic. T'as juste une surface dure et ensuite t'as des pics de chocolat, donc tu ressens le piquant. Et t'as de la granule comme la gravelle, on dirait un genre de carré Rice Krispies au chocolat, si on veut. T'en as un qui est un cube vide, comme on fait des dessins de cubes ouais, sur un cahier. Il y a juste les arêtes. C'est ça, les arêtes. Et ça a l'air vraiment délicieux. Moi, j'y mangerais tous, ceux-là. Non, on dirait que c'est un cube Rubik, mais avec juste un cube sur deux de présent. Ah, bon, ben oui. T'as bien raison. Ouais, tu comprends. Tu lis en haut à droite, tu vois. Je comprends ça. Donc, assemblagerequis.com. Et il y en a un qui ressemble à un dé, mais avec des genres de creux dedans de chaque côté. Moi, j'aimerais, juste pour le fun, essayer les tellement, textures. Je sais pas c'est quoi la grosseur. Je sais pas si c'est juste grosseur bouchée. Ça a l'air petit, hein. Sûrement de la grosseur d'un dé, à peu près. J'estimerais. Génial. Avoir un Starbucks près de chez toi, Stéphanie, ça augmente la valeur de ta maison. C'est l'effet Starbucks. Toutes les maisons de Trois-Rivières viennent perdre en valeur. Dropper, ça se peut même pas. Donc, l'effet Starbucks est dans le livre Zillow Talk, The New Rules of Real Estate, un nouveau livre sur le marché de l'immobilier par le chef de Zillow. C'est une compagnie, Spencer Raskoff, et l'économiste Stan Humphries. Il y a un chapitre complet dédié à ce phénomène-là. Donc, Starbucks, ça augmente l'appréciation des maisons qui sont autour. Donc, les maisons près d'un Starbucks appréciaient 96% entre 1992 et 2014, comparé à 65% d'augmentation pour le marché en général, le marché immobilier. Qui allait très mal là, il y a quelques années, donc ça a monté quand même, mais avec Starbucks, ça a monté encore plus. C'est une question de corrélation, probablement plus que de causalité, mais quand même, les auteurs ont fait leur recherche là-dessus. On comparait ça à ce qu'on appelle le Coast Effect et le Urban Effect, et ils disent que le Starbucks Effect existe vraiment. Ben c'est ça, on a plus ça. Fait que, on va devoir s'en passer, parce que sinon... Moi, je dirais que ma maison, un jour, augmentera parce qu'ils vendent du café Starbucks en sac à mon épicerie à côté. Je pense pas que ça marche. Non. Maintenant, un gâteau à l'eau, tu sais, un water cake, les petites genres de biscottes, si on veut, japonaises. On a déjà goûté à ça une fois de temps en temps dans la vie, les petites biscottes water cakes. Là, c'est comme ça fond dans la bouche, là, ça goûte pas grand-chose, puis c'est japonais. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Biscottes, mais ça existe. Ici, c'est un water cake qui dure seulement 30 minutes. Hein, évidemment, un gâteau qui se respecte durera rarement plus de 30 minutes en ma présence, mais quand même. Ici, c'est comme, on le compare à, on dit, c'est le Snapchat des gâteaux. Ça s'appelle le Mizu Shingen Mocha, ou le Japanese Water Cake, gâteau à l'eau japonais. On peut les acheter dans deux boutiques, Kinsinkin Seika Company. C'est une petite variante sur un gâteau qui existait déjà, le Shingen Mochi, un dessert fait à partir de Gyuhi. Gyuhi, qui est une forme de gâteau de riz avec un petit peu de poudre de Kinako Soybean et un petit peu de sirop de cassonade par-dessus. Ce qui rend la variété Mizu différente des autres, c'est qu'il s'est fait d'eau juste un tout petit peu solidifié de l'eau des Southern Japanese Alps, donc c'est des montagnes, et ça ressemble à une gigantesque goutte d'eau. Donc, tout ça est servi, le sirop et la poudre de soybean, je sais pas ce que je raconte, mais quand même, la petite poudre et le sirop sont servis à côté pour conserver l'apparence du gâteau. Et tout ça, ça va se désintégrer en genre de flaque en dedans de 30 minutes. On a goûté chez Rocket News 24, on a goûté à cette version éphémère du gâteau qui, selon eux, goûte pareil comme le vrai, le classique. Mais la petite variante de disparition rend juste ça un petit peu plus original. On a une petite vidéo sur assemblagerequis.com. En fait, c'est plus un slideshow vidéo, si on veut. Et la personne va, avec une grosse cuillère, pénétrer dans la bulle. C'est comme une espèce de bulle. Et va pouvoir prendre un peu comme un jello, on pourrait dire, un peu comme un jello. Effectivement. La boucher dans sa cuillère, va la manger. Et si on attend plus de 30 minutes, ben tout ça, ça se défait en flaque. On nous montre pas la flaque dans la vidéo. En tout cas, moi, je l'ai pas vu. Mais c'est ça. C'est un genre de jello. Et la poudre à côté est faite pour ajouter de la saveur. Donc, tu peux saupoudrer ça sur ta cuillère par-dessus. Je serais vraiment curieuse de connaître la texture, la saveur de tout ça. C'est fascinant. Ça goûte sûrement meilleur qu'une gomme au jelly bean. Pas dur. Pas dur. Mais c'est plate. Tu peux pas en faire livrer de tout ça. T'as raison. 30 minutes, c'est gratuit ou c'est une flaque. Ouais, mais ça dépend de où. Ouais. Le top 30 maintenant des prénoms populaires pour bébés qui sont aussi des nourritures. Tu as peut-être récemment entendu parler d'un juge français qui avait banni le nom Nutella pour les bébés. Oui, mais bien oui. Bien sûr, tout le monde en a parlé. Donc, aux États-Unis, il y a aussi des garçons et des filles, par exemple, qui s'appellent Kale, comme la laitue. Le chou, excuse-moi. Pardon. Ouais. Heinz. Hein? Ou encore Hennessy, comme je crois que c'est de la bière, ça. Donc, une cour française, on le rappellera pas plus longtemps que ça, a banni le nom Nutella. Donc, voici le petit palmarès de Time. C'est une enquête de Time Magazine, time.com, aux États-Unis depuis 1800... on dit qu'il n'y a pas eu de personne nommée Nutella aux États-Unis depuis 1880, qui est la première année où on a commencé à faire à lister ces prénoms-là pour la Social Security Administration. On doute vraiment qu'il y ait des Nutella après 1880, même si on n'a pas de preuves, là, parce que le Nutella a été inventé dans les années 1940. Donc, on a comparé les noms des nouveaux des nouveaux-nés avec une liste de 25 369 nourritures venues directement de Wikipédia. Donc, on a trouvé une liste, par exemple, on va y aller en ordre alphabétique. Pour une fille, le nom Apple a été utilisé 27 fois en 2013. C'est très courant. Oui. Ben, très courant. On l'a quand même entendu déjà souvent. Puis c'est cute. Ben oui. Moi, je trouve ça cute, ben pareil. Oui. Basile, pour un garçon, 56 fois, comme de la basilic. Basile pour une fille, ça c'est plus bizarre, 21 fois. Berry, comme une baie, pour un garçon. Pour un garçon, ah. Berry pour une fille, ça fit, mais pour un gars, moins. Non? Ben ça dépend, ça ressemble vraiment à Barry, fait que Berry. T'as raison, mais je l'associe avec Allie tout de suite. Allie Berry. Ouais, c'est même pas son prénom. C'est même pas son prénom. 5 garçons. Bison, un bison, 5 pour un garçon. Brie, comme le fromage, pour une fille, 51 fois. C'est joli. Brie, je l'ai souvent entendu, mais pas éplé comme ça. Ah, ok. Brie avec un Y, peut-être. Hein? Oui. Non, mon sens, c'était. A-E, quelque chose comme ça, ou E-A, ah, ou... Ben c'est... j'avoue que ça se prononce pareil. Ça se prononçait Brie. Ouais. Ouais, c'est vrai. 62 fois Candy pour une fille. Ça, c'est déjà un nom de danseuse tout de suite. Chardonnay, ça, c'est vraiment très prétentieux, riche, Beverly Hills. 5 ouais. fois. Chardonnay, on dirait un personnage dans High School Musical. Curry, comme du curry pour un garçon, 7 fois. Danish, comme une danoise pour les garçons, 6 Danish, fois. Danish, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça une danoise? Ça sonne bien, je trouve. Puis ça fait aussi danois comme... une personne qui vient de... De la Danie, c'est ça. Dasani. Voilà. Dasani, comme l'eau. 34 pour une fille. Pour un garçon, 9 fois. Là, Dasani pour un garçon, moins. Dijon. Ouais, je sais pas. Non, c'est... Dijon, pour un garçon, 19 fois. Je sais pas si c'est une ville à la base, hein? C'est vrai, faut le dire. Évian pour un garçon 8 fois, Évian pour une fille 8 fois. Ça, c'est peut-être un nom d'une source ou quelque chose comme ça, pas nécessairement juste l'eau, là. Je sais pas. Tu sais, il y a tout le temps des origines pour les noms des nourritures aussi. Ben oui, ben oui. Heinz pour un garçon 5 fois. Hennessy. Mais ça, j'imagine qu'à la base, Heinz, c'était le nom de famille du gars qui a inventé le ketchup Heinz. Peut-être. Hennessy pour une fille 62 fois. Honey comme du miel pour une fille 57 fois. Kale. Comme du chou, 257 fois pour un garçon. Même. Pour un garçon, Kale, je trouve que c'est vraiment plus féminin, moi, dans ma tête. Kale. Oui. Ouais, donc Kale pour un garçon, 257 fois. Pour une fille, 5 fois. Kipper pour un garçon, j'ai aucune idée ce que c'est un Kipper. 6 fois. Je connais Kipler, mais pas Kipper. L'artiste. Ensuite, on a Maple comme de l'érable pour une fille, c'est 44 fois. Pike pour un homme, Pike, je sais qu'il y a un mélange de café, Pike chez Starbucks, 6 fois. Romaine, comme la laitue, chez un garçon, 6 fois. Mais ça, c'est français. Ah. Il y a des femmes qui s'appellent Romaine. Ouh. Rye, ça, c'est une sorte de pain, je crois. Fille, 5 fois. Shiraz, je connais pas, pour un garçon, 6 fois. Parfait. Sky avec 2 Y, c'est quoi ça? Je sais pas. Pour une fille, 94 fois. Pour un garçon, 7 fois. Et Sunday pour une fille, 7 fois. Sunday, c'est le nom du chat, mon ami. Et en plus, c'est Sunday, S-U-N-D-A-E. Donc, exactement comme, et non pas comme le jour de la semaine, mais vraiment comme le dessert. Oui, oui, oui. Ouais. Ah oui. La liste n'a pas de nom commun comme Clémentine ou Romarin. Rosemary en anglais. Rosemary, ça veut dire Romarin. Bon, jamais j'ai vu une fille nommée Romarin. Mais quand même, vu que c'est trop commun, on les a pas mis dans le palmarès. Donc, c'est Time Magazine qui nous présente cette liste. Eh bien. C'est intéressant. Vous savez, le concours pour créer une saveur de chips de croustilles chez Lay's. Ouais. Vous le connaissez au Québec, mais il y en a un aux États-Unis aussi. Ce n'est pas le même concours, ce n'est pas les mêmes saveurs à chaque année. Donc, c'est la troisième année aux États-Unis que Frito-Lay fait son concours Do Us a Flavor. Donc, on demande aux Américains de trouver des saveurs de chips potentielles. Cette année, la compagnie est en partenariat avec Google pour créer le FlavorCast Heat Map. C'est une carte, une map monde de saveurs du monde, des États-Unis, mais quoi que pour les États-Unis, c'est le monde. Les participants doivent entrer leur ville et leur saveur de leur choix. Et les saveurs les plus populaires de chaque État seront affichées sur une carte. Donc, en cliquant sur chaque État, ça va vous montrer le top 5 des saveurs. Le gagnant du concours reçoit $1 million. Américain, donc 1,25 million. C'est pas mal plus, comme un quart de million de plus. C'est ça, ben les gens, évidemment, pensent à leur saveur préférée. Présentement, le Marmite, qui est une tartinade populaire en Grande-Bretagne, très très salée, est à la mode partout aux États-Unis. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est parce que les Britanniques sont venus aux États-Unis, ont apporté leur marmite. Parce qu'avant, j'avais jamais entendu parler de ça aux États-Unis. J'en avais pas entendu parler au Royaume-Uni. Mm-hmm. Aux États-Unis, c'est tout récent. Il y a d'autres choix bizarres comme le soda, donc la boisson gazeuse, vodka, le kangourou, le poisson générique, donc juste un poisson, le tuna casserole, ça c'est un mélange avec du thon, entre autres, avec du fromage, des affaires de même, je pense. Ensuite, des choux de Bruxelles, alligator, lait, juste du lait, de la pieuvre et de la grenouille. Comme les pâtes de grenouille, j'imagine. Il y a même une section du site où on peut créer sa propre saveur. Là, ça, je pense que vous êtes au courant. Vous pouvez être le plus original possible avec toujours des chips ondulés. ou encore cuite à la marmite ou ordinaire. Et ensuite, vous pouvez faire le design de votre propre sac. Donc, vous pourriez faire, par exemple, champagne-fraise. Hein? Vous pourriez faire gâteau au café, un paquet de combinaisons possibles. Et si on va sur le site américain, là, la raison qu'on en parle, c'est vraiment parce que c'est différent aux États-Unis comparé au Canada. Par exemple, mettons, je sais pas, je vais prendre un état comme... New York, c'est ça, c'est ce que je cherchais en fait, New York, où la saveur numéro 1 en ce moment, c'est, il me convainc là, tout de suite, c'est une soupe au brocoli et fromage, c'est ma soupe préférée, genre partout, brocoli et fromage, ensuite, tarte à la citrouille, croustille de légumes, un peu comme les chips aux légumes qu'on voit en épicerie, le fondant au thon, et puis la vichyssoise, une autre sorte de soupe. Ben, vichyssoise, ouais. Quand même, ensuite, j'essayais de trouver... la Californie, où c'est les crevettes au numéro 1. Ensuite, les olives, les graines de pavot, le sandwich cubain et le thon au numéro 5. C'est bizarre, le thon. Crevettes, là, je sais, en tout cas, dans les restaurants asiatiques, font des genres de chips de crevettes, là. Mm-hmm. Mais ça fond sur la langue, mais c'est tellement bon, là. Ah. Fait que si c'est quelque chose dans ce style-là, c'est clairement bon, là. Ouais, on va être dans un état du milieu des États-Unis, tiens. Pourquoi donc pas aller retrouver nos gens du Kansas avec la... chaleur, qui est la saveur numéro 1. Chaleur, comme dans quelque chose de piquant, enflammé. Tu sais, quelque chose de vraiment piquant. Ensuite, le sandwich Reuben. Je crois que c'est steak fromage, il me semble. Ou peut-être pas. Ensuite, le lait. Je comprends vraiment pas des chips au lait. Vraiment pas. Mais malgré que je mange mes chips avec du lait. Arrête-moi donc ça. Mais de là à avoir la saveur de lait directement dans les chips, je comprends pas. Lâche-moi le biscuit. Alors, ensuite, le lapin en numéro 4. Et les boules de viande suédoise, comme chez Ikea, en position numéro 5. À vous. Ah, hein? Ça oui. Ah, moi, clairement. Je regarderai cette liste toute la journée. Va donc voir le Texas. Ah, je sais pas si je suis capable de le trouver comme... parce que les noms sont pas écrits dessus, faut-il les dessus. Ah! Ouais. C'est quoi, t'as une carte? Ouais. C'est pas où le Texas? Ben, il y a beaucoup d'états, hein, tu sais. Je suis pas très bon géographie. Parce que c'est dans le très sud. J'ai l'Utah, ici. T'es un peu dans le très sud. Non, on va aller... t'es sa frontière, là. OK, j'ai le Texas. J'ai le Texas, c'est bon. J'étais dans le coin, mais je sais pas exactement. Donc, Texas, c'est une tarte aux pommes, numéro 1. Ah, OK. Ensuite, Reuben sandwich, les épices en général en troisième, des fruits de mer, prawn, c'est une sorte de fruit de mer, je sais pas c'est quel, numéro 4. Et en cinquième, c'est des gaufres. Ah, ça, j'avoue, des gaufres. C'est un peu comme les frites gaufrées, tu sais. Ouais. C'est pas pareil partout. Non. C'est ça. Donc voilà pour Do West of Flavor aux États-Unis. On veut continuer avec d'autres nouvelles. Je vais y aller avec, Hershey, tiens, qui va nous créer du chocolat imprimable en 3D. C'est une CocoJet Printer qui va être installée en permanence au Chocolate World Attraction au mois de mai. Donc, les gens vont pouvoir commander des trucs pour mettre sur un gâteau de mariage, par exemple, des cartes de souhait, etc. Tout ça imprimé en 3D et faire leur propre chocolat Hershey, finalement. Oh. C'est cool, hein? Donc, on va devoir aller au quartier généraux de Hershey, en Pennsylvanie, pour avoir notre chocolat 3D en mai. Donc, on va installer cette machine-là. CocoJet qui a été montré pour la première fois au Chocolate World en décembre et ensuite au CES de Las Vegas au mois de janvier. Ils ont construit ça en collaboration avec la plus grande compagnie d'imprimante 3D dans le monde, 3D Systems. Ça fait 2 mois qu'ils testent ça, c'est la 4e itération de ces imprimantes-là, donc pour les recettes de chocolat. La plus récente, pardon, mesure 2 pieds par 2 pieds, c'est donc un cube de métal et de vitre. Les scientifiques vont créer leur création couche par couche, calque par calque. Ça peut prendre quelques minutes, jusqu'à une heure ou plus, même dépendant de la complexité du design. J'ai toujours aimé l'expression jusqu'à une heure ou plus, donc c'est pas jusqu'à. Mais bon. Voilà, donc super intéressant. En fait, c'est jusqu'à plus de une heure. Jusqu'à plus de une heure, si vous voulez. Peut-être. Donc, un goût consistant est la clé pour la marque Hershey. Consistant mauvais, certains diraient. Moi, pour Hershey, c'est pas la meilleure marque de chocolat. Mais donc, des recettes en 3D avec des cartouches de chocolat. Superbe. Ensuite, une compagnie de tabac, Imperial Tobacco, qui crée des bandelettes de caféine, Rion, pour le Royaume-Uni. C'est une alternative aux boissons d'énergie, énergisante, énergétique, énergique, peu importe. C'est une stratégie de diversification des produits pour une compagnie de cigarettes. Les cigarettes qui, évidemment, se vendent de moins en moins. Donc, on essaie de diversifier notre catalogue, notre portfolio de produits. Donc, Imperial Tobacco, propriétaire de Davidoff, Gauloise et MBC, ça, c'est des marques de cigarettes, qui va lancer donc une série de bandelettes de caféine mangeables. C'est le British la multinationale britannique qui teste ces bandes de caféine Rion dans le nord de l'Angleterre, à Manchester. C'est la deuxième plus grande consommation, cette ville-là, la deuxième plus grande consommation après Londres de boissons énergisantes. Il va y avoir 3 saveurs. Donc, ça, c'est pas un grapefruit, c'est pamplemousse et zing. Je sais pas ce que c'est, zing. Black currant, je crois que c'est des. et fraîcheur, mûre et fraîcheur, mais lemon and hot, donc citron et chaleur. Donc, il y a un petit adjectif en plus d'un fruit. C'était lancé à un événement Rise and Rave. Donc, la nouvelle marque est disponible en ligne au Royaume-Uni. La promotion, leur slogan, c'est Rion, bring it on. Donc, Rion, ah ouais, donc. Le blackcurrant, là, c'est ouais. Du cassis. Cassis. Je mélange tout le temps cassis et mûre dans la vraie vie. C'est blackberry, mûre. Je sais pas. Mais les c'est deux sont mélangeants. Donc, ils ciblent les professionnels entre 25 et 45 ans. Un paquet de 8 bandelettes coûte 4$ américains, l'équivalent de 5$ canadiens. Chaque bâtonnet contient 20 mg de caféine ou environ un tiers. Le tiers, de ce qu'on aurait dans un espresso. Voilà. Toutes les bandelettes sont sans sucre, contiennent seulement une calorie chaque, se dissoudent sur la langue pour donner un petit coup d'énergie instantanément, nous dit-on. J'y goûterais facilement, ça c'est sûr. Hein? Je trouve que l'idée est quand même cool, mais faut pas en abuser non plus. Rion. C'est plus facile avec ça que boisson énergisante. J'avoue. C'est comme, Boisson énergisante, en plus, il faut que t'aies soif. Puis il faut que t'aimes le goût aussi très très chimique de la boisson. Mais bon. Magasinez là-dedans votre boisson. Rion, R-E-O-N, c'est au Royaume-Uni en ce moment. Et on va terminer avec celle-là. En Islande, c'est le dernier burger de McDonald's qui a été déménagé du musée national. Donc, les visiteurs de l'hôtel Reykjavik ont vu quelque chose d'inhabituel. Un hamburger et des frites achetés une journée avant que le dernier McDonald's du pays ferme ses portes à l'Halloween en 2009. Il n'y a plus du tout de McDonald's dans le pays au grand complet. Le repas a été acheté par Ryotur Smarason, qui avait entendu des rumeurs disant que la chaîne de fast-food, les mets, le hamburger de ce fast-food-là, n'allait jamais se décomposer. Donc, il a acheté le repas avant que ça ferme. Il l'a mis sur une tablette dans son garage. Il l'a laissé là pendant 3 ans. En 2012, Smarason a donné l'expérience au National Museum of Iceland, l'établissement qui l'a montré devant public, donc qui l'a affiché jusqu'à récemment. Ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus préserver cette nourriture-là plus longtemps. Ou encore, ils ont peut-être réalisé, comme dit l'article de Mental Floss, qui à un moment donné montrait ça dans un musée, c'est un peu dégueulasse. Genre. Hein? Smarason a ensuite acheté l'artefact, l'a amené dans l'établissement d'un de ses amis, le Boss Hostel. C'est un hôtel, une auberge de jeunesse, un hostel, où la nourriture est maintenant affichée pour tout le monde. J'imagine que l'odeur doit être particulièrement plaisante. Le burger et les frites, qui apparemment n'ont pas tellement changé depuis les 6 dernières années dans le monde. Les spectateurs disent que ça a l'air quasiment neuf. Il y a même des gens qui ont volé des frites. Je sais pas s'ils ont mangé, mais ils ont volé des frites. Ah. Et si ça ne vous dérange pas de voir quelque chose d'aussi dégueulasse et que vous voulez pas voyager jusqu'en Islande, ne vous en faites pas parce que vous pouvez voir tout ça en direct via un live stream via assemblagerequis.com. C'est vraiment en direct. Burger qui a été fabriqué il y a 1929 jours et le compteur est en direct aussi sur le site. Donc l'adresse bosshostelreykjavik.com pour trouver ça. Mais le lien est sur assemblagerequis.com. Je suis dessus en ce moment. Et le burger et la frite sont en dessous d'une cloche à gâteau pour empêcher l'air ambiant, j'imagine, de faire décomposer encore plus. Je pense que c'est surtout l'air qui va faire des changements là-dedans, donc en protégeant moins ça, l'air. Pour ça, il aurait fallu qu'il l'emballe sous vide, là, puis tu vois que ça change pas grand-chose. Non, il y a quand même de l'air. Ça doit aider un peu. Il y a quand même de l'air. Ouais, même plus que, mettons, juste à l'air ambiant, mettons. Bon, surtout s'il a été déménagé, il a été exposé. Exactement. Fait. Donc voilà, c'est le dernier repas McDonald's de l'Islande au grand complet qui date de 2009. Bon. C'est tout pour une grosse pointe en adresse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, ça faisait longtemps qu'on avait besoin de s'entendre des nouvelles de fast-food comme ça. Moi, je suis rassasié. Alors, on fait une grosse pointe en adresse en alternance avec Master Steph les mardis à 9h. Yes! Yeah. C'est la demi-heure complète qu'on passe à manger. Ok, oui! C'est ce qu'on fait, c'est la tradition et il faudrait pas arrêter une bonne affaire non, de même. Non, non. Ça marche, une formule gagnante, comme on appelle. Voici une grosse pointe en adresse. C'est une grosse pointe d'adresse, la chronique dans laquelle on achète un produit dans le commerce, le grand commerce, les magasins, hein, comme on l'appelle, dépanneur, ouais. Épicerie, peu importe. On achète un produit qui nous intrigue, en tout cas moi qui m'intrigue, je te force un peu à l'utiliser parce que c'est moi qui choisis le produit. Ouais, ça s'en va. Mais tu t'en amènes quand tu veux, puis à un moment donné, on va force-moi, partager, force-moi. C'est ça. Là, depuis quelques semaines, j'ai dans des produits que je venais juste d'acheter. Il y a quelques, mettons, plusieurs semaines, j'avais acheté un gros emballage d'affaires. Puis là, bon, on est allé petit peu par petit peu. Puis là, plus récemment, j'avais commencé à prendre des affaires que je venais de trouver dans le magasin. T'sais. Okay, fait que là, je retourne dans des vieux affaires. Du vieux, là. Des vieilles affaires, exactement. Donc, dans ma boîte, j'ai différentes sortes de goûts. Okay. Donc, la semaine passée, on a mangé de la gomme. Ouais. Donc, tu sais, j'éliminerais peut-être. Tu sais, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à de la gomme. On pourrait éliminer ça. Ok, ouais, ouais, je suis d'accord. L'autre semaine d'avant, on a mangé du chocolat. J'ai du chocolat. On pourrait laisser faire ça aussi. Okay. Je sais pas. On peut en goûter plusieurs en même temps, je sais pas. Mais je pense que celui qui nous attendait depuis le plus longtemps possible et avant qu'il passe date. C'est long. Et tu l'avais déjà vu un petit peu dans la boîte. C'est les vaguement. Biscuits bretons aux haricots noirs avec ail et oignon. Ah. Je trouve que ça avait l'air bon, ça. On pourrait goûter ça. Ah, ben oui, c'est donc bien intriguant, ça. Ça a l'air, pour vrai. Pour vrai. Hey, mais t'as pogné ça où, une mini-boîte, demain? À l'épicerie, tout ce qui est plus commune. OK, donc ils font ça en format un peu plus petit. Parce que d'habitude, les boîtes de biscuits bretons, c'est beaucoup plus long. Exact. Là, je te dirais, on a peut-être le deux tiers. À peu près, oui. Environ, c'est du 120 grammes. Je te dirais que peut-être que la raison que c'est un aussi petit emballage, c'est peut-être qu'avec les ingrédients qui sont peut-être plus fancy dedans, peut-être qu'ils en font moins pour à peu près le même prix. Mais je me rappelle pas du prix. OK. En tant que tel. Mais bon, c'est moins les bretons normaux où ils peuvent en faire plus parce que c'est de construction massive. Peut-être qu'il a vu que c'est nouveau, ils veulent faire l'étude du marché, voir si ça va marcher. Ah, c'est ça. Donc, c'est par la compagnie Dare, comme toujours, breton haricot noir avec ail et oignon sans gluten. Intriguant quand même de savoir que c'est sans gluten selon l'association. On va-tu avoir une haleine de bouche correspondante après? J'ose espérer. c'est le meilleur, c'est selon Dare, le meilleur choix avec 3 grammes de fibres par portion. OK. T'sais, on n'aime pas trop lire les affaires qui sont bonnes pour nous autres ou mauvaises pour nous autres. Les affaires bonnes pour nous autres, on peut les lire. Donc, ça nous dit Oppa, hein, comme les Grecs, Oppa. Yogourt grec, tomates, cerises, concombre, oignon rouge et piment vert, olive noire et origan frais pour faire la petite recette qu'il y a sur la boîte. Donc, c'est des suggestions. T'as aussi des crevettes baha avec crevettes cocktail, guacamole, mangue et salsa à l'oignon rouge, braisée de coriandre. Donc, des petites recettes simples à faire sur le côté. Toujours bien apprécié. Il y a d'autres sortes de craquelins bretons dans la même série de genre spécial. T'as aussi c'est les poivres. Bon. C'est standard. White bean à la place de black bean, donc des fèves, des haricots blancs. Voilà. T'as aussi des bretons straight pipe, gluten, sans gluten, original avec. C'est quoi? C'est du. L'affaire flesley. Comment ça s'appelle? C'est écrit tellement petit. Mais je sais pas, tu dis juste flax, du lin. Ah! Je cherchais le mot qui commence par flax, du lin. Il n'y a pas grand d'autres informations là-dessus. Depuis plus de 120 ans que ça existe, Dare, entreprise familiale, maintient des normes de qualité très élevées. Nous engageons à vous fournir les produits que vous voulez, faits à partir des meilleurs ingrédients qui soient, parce que pour notre famille, meilleur choix, ce n'est pas seulement une affirmation, c'est notre promesse. Ben, tu sais. Ben, voilà, c'est ce qu'ils disent. Il me semble que les autres versions de cette. Comme plate, de cette, mettons. Moi? De cette lignée-là, il me semble que c'est ordinaire. Un peu ordinaire. Je m'attendais à plus de variétés originales, mais ça va venir avec le temps, probablement. Ils l'essayent avec celle-là. Parce que moi, je trouve que c'est original pour des craquelins quand même, d'avoir autant d'affaires dedans. Haricots noirs, ail et oignon, c'est un bon combo. Ça fait tout garni un peu. Ça me rappelle le bagel tout garni. Bon, on va voir si ça goûte le bagel tout garni. C'est ce que j'espère. J'espère que non, parce que moi, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Ben, Colin, on est chacun de notre bord là-dessus. Le débat continue. Donc, le micro magique va se faire l'honneur d'entendre l'ouverture de la boîte de ces craquelins bretons ou haricots noirs. Aïe et oignon. Ça se trouve étrangement facilement. Bien, hein? Est-ce qu'il y a un petit flap pour le fermer avec un petit languette? Ben oui, ben oui. Mais ah, c'est bien, il est pas collé partout, il est collé à deux points. Ah, tu vois, c'est intelligent, ça. Ce qui fait que le carton n'arrache pas et on est certain qu'on peut le fermer après. Parce que les boîtes de céréales, là, que la languette déchire, il y a rien de pire que ça. Ben, c'est n'importe quoi. Ben, il y a belles affaires à pire. Donc là, je respecte encore plus les Bretons. Vraiment, hein? Toute la race de Bretons. Donc là, je vais sortir le sac de la boîte, ça va être beaucoup plus facile. Bonne idée. Tu remarques que je suis pas capable de dire Breton sans rouler mes... on dirait, je sais pas pourquoi. Ah. Je suis de même. Le sac, même. Ça va bien, Adat, ça va bien. Il s'est ouvert aussi bien que la boîte, je pense, en te regardant faire. Là. Je dirais peut-être un point moins facile. 80%. Donc, ça sent déjà quand même fort. Okay? Ça sent quoi, mettons, les oignons, l'ail, les haricots noirs? C'est dur à dire. Déjà, oui, ça sent l'oignon, mais pas l'oignon pur. OK. Pas l'oignon fake non plus, genre le parfum d'oignon. En fait, ça sent un peu comme la soupe à l'oignon. OK, en miam, hein? Là, moi, je vais prendre celui-là qui est pas cassé en dessous. Ouais, tu peux te gâter. Ils sont très foncés, hein? Oui, la couleur est pas la même. On voit que c'est fait vraiment avec des haricots noirs. Parce que, est-ce que tu as regardé, non, dans la liste d'ingrédients, haricots noirs, ça vient à quelle position? Non, regardons ça, non. Parce que je suis curieuse de savoir c'est quoi le pourcentage si je trouve les ingrédients. Ils sont sur le côté, l'autre bord, l'autre bord, okay. L'autre bord, ouais. L'autre bord, l'autre bord, l'autre bord. Il y a beaucoup de haricots noirs secs vient en premier. Ah! Ça, c'est impressionnant. C'est fait à base, donc, d'haricots noirs. Non, c'est ça, c'est ça. C'est fait de haricots noirs, donc c'est super intéressant. Vraiment. Et en deuxième, c'est de la farine d'arrowroot. OK, ouais, ouais. Mais c'est traduit à arrowroot. Ils n'ont pas trouvé de mot en français. Mais je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi. Mais je sais que dans la section pour enfants, à l'épicerie, il y a des biscuits qui s'appellent arrowroot. Et c'est dans le, tu sais, le kilo cardio, ils disent, ouais. De manger ça, il y a ça dans les collations. Fait que je trouve ça fascinant. La racine de fléchette. Herbe aux flèches. Herbe aux flèches. c'est vraiment écrit ça sur Wikipédia. Sinon, ouais, herbe aux flèches. C'est comme un mélange entre Arrow et The Flash. Arrow Flash. Ah, tellement! Mais c'est bien parce que les deux sont dans le même univers. Exactement. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir que les haricots noirs viennent en premier. Et c'est vraiment pour ça qu'il y a une couleur quand même noirâtre. Et t'as raison pour l'odeur d'oignon. Moi, je trouve que ça sent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les bagels tout garnis. Donc, c'est vrai, ouais. Tu pourrais ne pas aimer. Ça se peut. Parce que moi, j'adore ce genre de bagel-là. Mais pourtant, oignon, ail, c'est quelque chose que j'adore. Je préférais que ça goûte plus style trempette que style bagel, mais bon. On s'essaye? Je suis prête à goûter à ça. OK, allons-y. On voit les gros grains de sel hein, quand même dessus. C'est vrai, c'est plaisant. Et go! Ouais. C'est pareil comme un bagel tout garni pour moi. Non, je trouve que ça goûte rien. Tu trouves? Les oignons sont vraiment présents, non? Je trouve pas ça très savoureux. Ça, y a pas d'explosion de saveur intéressante. T'as raison. Tu t'attendrais à un petit punch. Petit kick. C'est un peu fade. Ouais. C'est fade. C'est fade et ça goûte un peu le brun. Tu trouves pas? C'est vrai qu'il y a des fibres dedans, ça dit. Ça goûte fibres. Le bon. Il n'y a pas beaucoup de fibres là-dedans. Non, non, mais c'est assez 3 grammes de fibres. Un petit rectangle, un petit drapeau. Je suis pas mal certaine que les autres, il y en a quasiment autant. Sûrement. Ouais, ouais. Mais j'aime bien. Je te dirais que c'est sûr que je vais finir ça probablement en une soirée. Je sais pas, moi j'ai l'impression que la texture, c'est quasiment comme mâcher du carton croustillant. J'avoue, ça fait. Ouais, carton hostie un peu. Mais tu mettons un hostie tout garni. Ils sont très minces, hein? Oui. T'en veux d'autres? Bof, hein? Pas l'air à ça? Non, pas sûr. Je suis pas certaine. Je suis pas. C'est parce que le goût est tellement loin des biscuits bretons en général. Ouais. De la lignée qu'on connaît, même que ce soit aux légumes ou traditionnels, au blé. Il y a un petit goût qui revient tout le temps, mais là, on l'a pas, ce petit goût-là. Non, absolument pas. Tout à fait d'accord avec toi. C'est pas ce à quoi on s'attend de bretons. Probablement que les gens seraient déçus parce que tu veux acheter des bretons. Moi, en tant que tel, j'ai acheté des bretons, sachant que ce serait des bretons avec une saveur additionnelle. C'est ça, parce qu'on aime le goût des bretons. Vraiment, les bretons, c'est quasiment pas battable, à part pour les petits. Tu sais, les petits en forme de drapeau, là, aux légumes. Là. Ah, que c'est bon, ça, tu sais, les petits. Ah, les minces aux légumes. Les minces aux légumes. Ben oui, ça, c'est la vie. C'est excellent, c'est ça. C'est la vie. Ça, ou les biscottes. Plus ronde, épaisse. Les tours Melba. Ouais, mais c'est ça, mais. Différentes formes. Ou fines herbes. Oh. Ou trois fromages. Ah, oh. ouais. Mais j'aime beaucoup les craquelins, tu le vois, tu sais. Je suis un fan de craquelins dans Mais c'est vie. Très bon, les craquelins. Avec de l'humus. Mais. Celle-là, je suis pas certaine. Mais. J'ai comme un. Je sais pas. Ça goûte pas assez l'ail déjà. Moi, je trouve que ça goûte pas assez l'ail. On dirait que c'est juste. Ça goûte juste l'oignon chimique. C'est vraiment. Pas mal juste l'oignon. Et comme tu l'as dit tantôt, la laine va être présente. Après, c'est certain. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais retourner sur mon smoothie aux fraises. Je sais pas si le mélange va être bon. Pas sûr. Ça peut pas être pire. Donc, on est partagé. Je te dirais, essayez-le par vous-même. C'est des petits emballages de toute façon. Ça dure pas longtemps. Mais c'est parce qu'il y a tellement de craquelins goûteux et qui peuvent passer quand même bien dans un. Peu importe le régime de vie qu'on veut adopter. Mm-hmm. Que je pense pas que ça rentre dans les tops, même pas dans le top 5. Ça va peut-être convaincre certaines personnes qui sont sans gluten, qui mangent sans gluten, étant donné Des personnes sans gluten, ceux qui sont composés à 0% de gluten. Ça, c'est vrai que c'est intéressant pour ça. Parce que ça goûte semi-breton, tu sais, c'est ça sûr que si t'es limité de ce côté-là, ça va être un bon choix. Vraiment. C'est certain, là. Ouais. Mais si t'as accès à toutes les autres, c'est peut-être pas un choix judicieux. Mais tu sais, si mettons ton alternative à ça, c'est celui que j'ai vu sur le côté, là, qui était le breton sans gluten, plain, là, genre avec lin. Tu sais, si ton alternative à ça, c'est ça, vas-y avec les haricots noirs et ail et oignons, tu sais, mettons. Ça va être un petit peu meilleur dans la bouche. Hein. Ça doit goûter vraiment le carton, là. En fait, moi, je me demande, est-ce que ça serait une petite boîte parce que c'est la collection sans gluten? Ah, peut-être. J'ai l'impression que c'est ça le but, parce que sur les deux autres emballages qui nous montrent, là, c'est écrit en gros là, quand même aussi sans gluten. Et sur la version originale, il est écrit en très, très gros. En énorme. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est la gamme sans gluten. Et bon c'est point. Ça, c'est ça le but. Et c'est pour ça qu'il y a une petite boîte. Je sais pas pourquoi les gens sans gluten mangent moins. Moi, non, c'est ça. Et en tout cas, ça leur coûte plus cher, c'est sûr. Mais non, c'est moi, ça. Tu vois, c'était je l'ai pas vu dans une allée spécifique au non-gluten. Donc, c'est pour le grand public, mais avec... Mais non, mais maintenant... En fait, déjà, si tu vas chez Metro, je crois, eux autres, ils mélangent tous les produits ensemble. Donc, t'as pas une section sans gluten, t'as pas de section bio, tout est mélangé ensemble. Ça a des avantages et des désavantages selon moi, parce que si tu veux absolument manger quelque chose de bio, que tu cherches un produit en particulier, c'est un peu plus difficile de le trouver. Mais d'un autre côté, je pense que c'est bien parce que ça devrait faire partie de l'alimentation de tous les jours et on devrait pas devoir aller dans une section en particulier. Tous les gens devraient pouvoir croiser ces produits-là. Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire « j'ai pas du côté bio, j'ai pas d'affaires là », alors qu'ils pourraient le croiser n'importe où dans l'allée. Donc, avantages et désavantages, selon moi. Exact. Pas de ségrégation pour l'alimentation. Non! Pas de ségrégation pour l'alimentation, sans faire. Donc, les nouvelles de fast-food, maintenant... On a-tu un bout de tout, un peu comme toi, avec... Nouvelles de fast-food! Fast-food, fast-food! Nouvelles de fast-food! Fast-food, fast-food! Donc, les nouvelles de fast-food, pour commencer, on parle du Double Down... tu connais le coup double chez PFK, mais là, attends un peu, là, vous allez me dire, mais là, tu parleras pas de PFK, le coup double, tout le monde connaît ça. Blablabla. Premièrement, attendons d'écouter ce que je vais dire avant que je... on va se le dire. C'est pas toi qui est un petit peu... C'est un peu moi, ça, c'est un peu moi. Peut-être un peu souple au lait, comme on l'a dit. Donc, le nouveau Double Down offert en Corée, les gens de la Corée du Sud doivent vraiment aimer les coups doubles parce qu'ils reçoivent, eux, la nouvelle version. C'est le KFC Fire Double Max avec 2X. C'est beaucoup de mots, ça. Le Fire Double Max avec 2X. Donc, c'est deux filets de poulet épicés en sandwich, bien sûr, avec de la sauce au chili épicé à l'intérieur. Une tranche de tomate. Moi, tu m'enlèves la tranche de tomate dès le départ, hein, parce que non, pas de tomate, merci, ça fait bizarre. Ben là, il va juste avoir du fromage, finalement. Ben oui, une tranche de ce qu'on appelle communément du fromage américain. Donc, du fromage orange, jaune-orange. Le burger fait partie d'un menu promotionnel avec le Fire Burger, un sandwich au poulet, et le Fire Chicken... qui est un gros saut de poulet, évidemment super épicé, tout plein de chaleur parce qu'il y a du feu tout autour de la boîte, là je pense qu'on peut pas vraiment se tromper. Et le poulet lui-même est très très rouge, t'as vu qu'il y a une petite teinte, une nuance de rouge. Donc le Fire Double Max coûte environ 5$, un petit peu plus de 5$, alors que le reste du Fire Menu sera disponible jusqu'au 26 février. Donc dépêchez-vous les billets d'avion maintenant pour aller goûter au Double Max, Fire Double Max. Ils ont aussi offert, en passant en Corée du Sud, chez PFK, un Double Down avec une boulette de bœuf et du bacon dans le milieu. Ça, c'est encore plus cool, tu sais. T'as tes deux boulettes de poulet pour le pain, une boulette de bœuf et du bacon dans le milieu. J'avoue que ça, c'est mon genre de coup double. Overdose de viande. Est-ce que t'aimes le Jones Soda? C'est la boisson gazeuse Jones. Pas particulièrement. J'achète pas vraiment de boissons gazeuses en général. C'est ça. Donc. Mais tu sais, c'est sûr qu'ils ont des liqueurs bleues, roses, gomme ballon. Il y a un paquet de saveurs bizarres. Mais les gens aiment bien ça. C'est quand même assez populaire en épicerie. C'est eux qui avaient fait à la poutine. Ouais, exactement. Et je crois qu'il y avait un repas du Thanksgiving aussi, genre dinde et sauce. On n'a pas trouvé ça nulle part. Pas au Québec, non. Je suis vraiment non. déçu, mais poutine, ça devrait être disponible au Québec. Ouais, j'avoue. Mm-hmm. Je comprends pas, moi non plus, pourquoi qu'il n'y en avait pas ici. Mais bon, donc Jones Soda, on peut les commander sur Internet en passant, les Jones Soda. Donc peut-être qu'on aurait dû faire l'effort. Mais tu sais, on dit tout le temps qu'on va faire un effort. Puis... Mais c'est parce que ça coûte cher, le shipping. C'est terrible. Surtout quelque chose de fragile comme ça. Donc, Jones Soda, qui veut essayer de gagner en popularité encore plus en lançant un système de fontaine Jones Cane Sugar Soda. Ils sont en partenariat avec plusieurs chaînes à travers l'Amérique du Nord pour offrir leur soda signature directement en fût. Donc, la sélection disponible va des saveurs traditionnelles, comme du cola au sucre de canne, tu sais, du sucre traditionnel, genre. Uh-huh. De la root beer, soda racinette, et des saveurs signatures comme berry lemonade, donc limonade au baies, et orange et crème. Magnifique décision sur l'orange et crème. Donc, on peut trouver les Jones Cane Sugar Soda Fountains chez Glaze Teriyaki et un paquet d'autres restaurants très, très peu connus. En tout cas, moi, je trouve que c'est des chaînes, en fait, que j'ai jamais entendues de ma vie. Flying Saucer Pizza, Fuddruckers, Nick's Crispy Fried Tacos et bientôt Sumo Salads, Steph. Sumo Salads, c'est incroyable, hein? Des salades à 1000-1500 calories. Genre. Qui porte une couche. Ensuite, c'était à Saint-Valentin récemment, je t'apprendrai rien. Je t'apprends quelque chose... Non, j'en ai vaguement entendu parler. Vaguement un peu. Et c'est le super cheesy, là. Mais c'est une pizza en forme de cœur. Chez Pizza Hut. Je te jure, Pizza Hut qui offrait un deal, une offre à Saint-Valentin jusqu'au 14 février. On peut avoir une pizza, tu sais comment ils sont chez Pizza Hut, mais une pizza avec une garniture. Hein? Une seule garniture, hey mais boy. Une maudite bonne, j'imagine. Et un biscuit au chocolat Hershey's Ultimate Chocolate Chip Cookie pour 14$. Excuse-moi, 13,99$, mais 14 comme le 14 février. Non, il aurait pu juste écrire 14$. Il aurait vraiment dû, en fait, je les juge, en fait. Vraiment. C'est ça. Donc, pizza en forme de cœur avec une pâte faite à la main, mais tu sais... Ouais. Ça veut dire qu'elle est sortie du congélateur par deux mains, par une personne qui a deux mains. Hey! Ségrégation de manchots? Pas de ségrégation pour les manchots, pas de mains. Pas de ségrégation pour les manchots, pas de mains. Ben, comment tu fais pour... À part être Raymond, tu peux pas avoir des mains et pas de bras. Hey, imagine Raymond qui faisait de la pizza. Il pourrait lancer ça dans les airs bien plus haut que tout le monde. Ses mains, ils peuvent les détacher de son corps. Ce serait hot. À vous. J'ai pas de pizza dans mon Raymond. Ensuite, donc, la grandeur de la pizza, c'est une médium. Et comme la plupart des pizzas de Pizza Hut, on peut ajouter des saveurs dans la croûte. Ou un petit drizzle, un petit coulis. Parce que c'est rendu chez Pizza Hut, on a déjà parlé dans une précédente chronique, là, ils font ça aux États-Unis, des coulis sur tes pizzas. C'est dégueulasse. Non, j'avoue que j'aime bien l'idée quand même. Non, ça m'écoeure. Humecter un petit peu. Là. Mais Pizza Hut, ça m'écoeure en fait. Ça a tellement même pas de l'air de la vraie bouffe. Non, c'est vrai. C'est ça le problème. Ouais. Blablabla. Donc, c'était la Hot Couple, la pizza en forme de cœur. Heinz! Ouais, Heinz, le ketchup! Le ketchup! T'aimes le ketchup? Ben oui. Avoue que quand tu manges du ketchup tout seul, une fois de temps en temps, tu redécouvres le bonheur du ketchup à chaque fois. Le ketchup, c'est le bonheur, je trouve. Ben, le vrai ketchup. Mais j'en mets pas à tant de place. Ouais. Là, j'en mets sur mes frites. Faut que t'en mettes peu souvent pour que quand t'en mettes, tu l'apprécies plus. J'en mets juste mes frites. Ouais. Et t'aimes le sriracha? Ben oui. Qui n'aime pas le sriracha? Donc, fusion ensemble pour du Heinz ketchup sriracha, bien sûr. Hein? Donc, c'est un ketchup signature avec le poivron chili et de la saveur d'ail. Tout ça ensemble pour faire le Heinz ketchup blended with sriracha flavor. Un nom toujours très accrocheur chez Heinz. Donc, nouvelle saveur à la mode qui vient en contenant de 14 onces. 14 onces, Steph, c'est 385 grammes. Merci. Donc, en bouteille de plastique à squeezer à l'envers, bien sûr. Et ça va rejoindre la lignée de saveurs de Heinz Ketchup. Entre autres, moi, je connaissais pas ça. Je l'apprends dans l'article. Le Heinz Ketchup blended with real jalapeno. Il y a du Heinz Ketchup avec du vrai jalapeno dedans. T'as le Heinz Ketchup blended with balsamic vinegar. On l'a déjà vu en épicerie ici, au vinaigre balsamique. Jamais vu. T'as jamais vu ça? Non, mais je regarde pas ça. Mais c'est le fun. Le Heinz Hot and Spicy Ketchup Blended with Tabasco Sauce. Sérieusement, il y a trop de mots là-dedans. Tu sais pourquoi le Heinz Hot and Spicy Ketchup Blended with Tabasco Sauce, là, on s'entend que personne va dire ça. Donc, à la place de devenir fade, la mode du sriracha gagne en popularité. De plus en plus, on les retrouve dans des chips, du popcorn, de la mayonnaise. Il y a même des chaînes comme Subway qui vont faire des sous-marins avec du sriracha dedans. Donc, 2,69$ pour les bouteilles qui vont être chez Walmart et Target, entre autres, aux États-Unis. Ça va venir plus tard. Donc, 3,33$ canadiens. Moi, je trouve ça inutile. Parce que pour les fois que j'en mange du ketchup, je vais m'acheter une bouteille de ketchup standard. Mais moi, oui. tu rajoutes du sriracha dedans. Tout à fait. Hey, la chose la plus ridicule que j'ai vue, tu me diras si t'aimes l'idée, mais c'est de la sauce soya avec du wasabi inclus dedans. What the fuck? C'est VH qui fait ça. Amener acheter. Parce que c'était pas plus cher, c'était le même prix. Tant qu'à faire. Ouais, mais c'est parce que rendu là, c'est parce que tu peux plus séparer les deux saveurs. C'est ça le problème. Tu sais, si là, tu veux juste du ketchup ou juste de la sriracha, tu peux pas. Fait que si t'as juste les deux chez vous, tu peux en mélanger avec les quantités que tu veux. Donc, tu peux que ça soit... Ça peut être épicé à ton goût. Et si tu veux juste du ketchup, tu peux faire ça. Fait que je fais ça souvent. Moi, je me fais des... Tu fais de la trempette, de la petite mayo. Tu prends de la mayo avec un petit peu de ketchup. Puis tu mets du tabasco chipotlé. puis viens te faire ta maillot chipotlé. T'as pas besoin d'acheter de la maillot chipotlé. Parce que j'en cherchais là, récemment de la maillot chipotlé pour vrai. Là, ben, tu prends la Hellman avec du tabasco chipotlé, tu mets ça là-dedans. Wow. Et voilà, c'est la magie. Là. C'est 2 secondes. Je pense que tu viens de changer ma vie. T'es là pour ça. maintenant, on. Mais tu vas voir, c'était carré. Ben oui, on revient dans mon domaine un petit peu, le domaine de Mario Bros. Oh! Hein? Avec la bouffe? Avec la bouffe mélangée ensemble, je te dirais. Donc, c'est une compagnie de breuvage japonaise, Daido, mettons, on va dire Daido, parce que Dido, c'est bizarre. Daido, D-Y-D-O, qui est en partenariat avec Nintendo pour fabriquer, dans le fond, des emballages de café en canne qui vont être encore plus attirants pour les fans de jeux vidéo. À partir d'aujourd'hui même, le 17 février, le manufacturier met des personnages 8-bits de Super Mario en petites figurines à collectionner sur le dessus de leur emballage. Et les clients japonais vont être capables de collectionner les versions 8-bits de Mario, Luigi, Bowser, la princesse Peach, Goomba, Koopa Troopa, Toad et un Lakitu dans son nuage. Pourquoi on n'a pas ça ici? C'est la question que tout le monde se demande. Et tout ça, ça devrait être des articles de collection qu'on va retrouver en vente très très cher sur Internet, évidemment, ben un jour. Et c'est des emballages de café, donc Daido. C'est cool, hein? C'est vraiment beau. DYDO.co.jp, moi aussi, j'adore ça. Et la version 8-bit, c'est encore plus cool. On les voit moins. Depuis que les versions 3D sont plus populaires, on les voit plus en 3D. Okay. Et pourtant. Et pourtant. Ensuite, on revient de la pizza. On a parlé de pizza en cœur tantôt. Ça intéresse à pas personne. Ici, c'est une pizza avec une croûte en fromage grillé. Grilled cheese, Steph. Ouais. En grilled cheese. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on mélangeait un sandwich grilled cheese et une pizza au pepperoni fabriquée avec amour? Des maux d'estomac. Ouais, genre. Donc, Amy de Oh Bite It. Ça, c'est, je crois que c'est un restaurant, Oh Bite It, ou un blog. Probablement plus un blog. Donc, nous propose la recette de cette croûte à base de grilled cheese. La croûte au complet et non seulement les coins sont remplis de tranches de Velveeta. Ok, va te recoucher. Pizza! Faut te recoucher, pizza! Comme, non, les autres, il y a du fromage partout! Oui, puis c'est du vrai fromage, Velveeta. On s'entend que pas du fromage en plastique, comme chez Pardon? Pizza. Pardon? Du vrai fromage, le Velveeta? Ben, du fromage process, là, mais quand même. Fait à partir de vrai fromage. Je pense que c'est fait avec du vrai cheddar, non? Ben oui, comme le Cheese Whiz. Ouais, comme le Cheese Whiz. Fait que ça doit pas être pire que ce qu'il y a dans les croûtes du pizza. Ça peut pas être pire. Non, t'as raison, mais c'est la texture du pizza qui me dérange dans le fromage, ça. Aucune idée. Ah, c'est ça. Tu peux pas savoir ça. Bref, donc c'est ça. Allez voir la recette sur assemblagerequis.com, une pizza avec une croûte en grilled cheese. Et finalement, c'est des chips à saveur de l'alcool Guinness, de la bière Guinness. Ah? Tu sais, la Guinness, c'est de la noire, de la grosse bière foncée qui la tombe grosse, sur le cœur la grosse noire. La grosse... Pas de ségrégation dans l'alcoolisation. Pas de ségrégation dans l'alcoolisation. Donc, c'est les Burt's Thick Cut Hand Cooked Potato Chips, dont des croustilles cuites à la marmite à la main, à trancher épaisse en plus. Donc, c'est ça. C'est Burt's British Hand Cooked Potato Chips. Je pense que c'est pas mal tout ce qu'on avait à dire là-dessus. Préparé à la perfection avant d'être assaisonné d'une variété d'assaisonnements. Et c'est rempli de... je pense qu'on peut mélanger... Oui, c'est ça. On peut manger ces chips-là avec une bière houblonnée, nous dit-on. Et on va avoir, même si on boit pas de la bière à côté, la saveur un petit peu... pas aigre-douce, mais un petit peu âcre. Je sais pas comment... Je suis pas un expert en bière, comme vous le voyez. De cette bière typiquement irlandaise qu'est la Guinness. On voit ça chez Burt's Chips. Un emballage de 20 ou de 40 grammes, si je comprends bien. Je pense que c'est 20 sacs de 40 grammes, voilà. Ouais, c'est pas clair, mais je pense que c'est ça. C'est plus ça, parce que je regardais le prix, là, et l'emballage de 20 pour 50$ sur Amazon. Oh, mais j'en veux tellement. Ben, mets-en, pour vrai. Ça a l'air bon. Et aux États-Unis, ils ont le shipping gratuit quand t'achètes des affaires d'épicerie sur Amazon, sur des affaires. 5 produits PepsiCo gratuitement pour le shipping. Enfin, bref, c'est cool, Amazon.com, on n'a rien de tout ça au... Canada, mais vous pouvez quand même vous les procurer, les Burt's Chips sur burtschips.com/Guinness pour la page directement des chips Guinness. J'en veux. Moi aussi, on a plein d'autres nouvelles, mais on les fera une autre fois dans une grosse pointe à l'adresse. On fait ça à la fin de l'émission les mardis en alternance avec Master Steph. C'est un bon petit moment qu'on vit ensemble. Oui, ça fait bien. Tellement. Parler de bouffe. Ouais, t'as-tu vu passer le gâteau au fromage et au caramilk? Non. Avec une croûte extérieure de caramilk. Arrête-moi ça. Avec de la liqueur de caramel dedans. Lâche-moi le basket. Ah! Oh. Je t'envoie juste la photo, tu vas capoter. S'il te plaît. J'ai aussi vu, c'était la semaine passée, je crois que j'ai vu circuler sur Facebook, un gâteau fait à partir de petits œufs Cadbury. Oh. Ah, c'est mon rêve. J'en ai mangé. Là, le tonne, fondant, là. Une tonne, oui. Oh. Cette semaine. C'est tellement bon. Ça, il y a des petits œufs caramel aussi qui sont très bons dans oui, le même ben domaine. Oui. Mais je préfère quand même pas les mini-eggs, mais les cream eggs. Est-ce que tu aimes le nouvel emballage? Non. En carton? Non, j'aime bien. Non, ils sont plus petits, le chocolat est moins bon. Ça, c'est vrai, par exemple. Ça, c'est vrai. Donc voilà, c'est tout, on a assez de parler de fast-food pour aujourd'hui. Voilà, et on a goûté à plein de choses dans cette émission d'Une grosse pointe à l'adresse, n'est-ce pas, Tania? Oui, en effet, mais du moins, c'est Steph qui les a goûtés, ouais. C'est pas moi. Mais ça avait l'air très bon pour certains. Oui, d'autres peut-être. Étaient doutables. Moi, je suis un petit peu triste que t'aies pas acheté chacun de ces produits-là pour les goûter, pour pouvoir nous en parler là, dans cette émission Un meilleur moment. Je suis d'accord, j'aurais dû faire ça. Hein. C'est un peu paresseux, je trouve. Ouais, je suis désolée. C'est sûrement le temps des fêtes, que ça. C'est, oui, c'est ça. C'est le petit foyer. Oui. Le fait qu'on est bien relax. Oui, j'ai enlevé mes bas, comme je t'ai dit. C'est ça, ouais, l'odeur. Oui, l'odeur. Ça rajoute, tu sais. T'as tout le temps, quelque part, le mononcle qui enlève ses bas. Ah, c'est vrai, hein? C'est vrai. Non, je sais pas. On a peut-être pas la même famille. Finalement, je m'excuse auprès de mes ongles. Vous enlevez pas vos bas. J'ai entendu, je m'excuse auprès de mes ongles. Quand oui, t'enlèves tes bas. Bref, des ongles, des oncles. On a tout ça en stock dans une grosse pointe d'adresse. Ah. On a deux autres émissions de meilleurs moments. Écoutez-les. Allez voir sur assemblagerequis.com pour trouver les dates. Hein? Oui, toutes les infos. Toutes les infos sont là. Merci, Tania. Merci, Mathieu. C'est chill. Ben oui, c'est le temps des fêtes. On est chill. À la prochaine. Chill. Bye. Bye.